Ciao. Et c'est fini pour ce soir. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio. On sera là à partir de 20h, bien sûr, 20h, 23h tous les soirs. Love in Fun, hashtag Love in Fun, la page Facebook et funradio.fr pour tout mater tous les soirs. Merci pour cette belle soirée. Oui. On va retrouver Mickaël, nos limites. Bonsoir, yes. Mickaël. Comment ça va? Mais écoute, on vient d'apprendre un truc. C'est-à-dire? Il y a Ludo dans l'équipe là qui fantasme sur Cécile. Hein. Ah, mais il a tout à fait le droit d'avoir mauvais goût. C'est horrible. Allez, bonne soirée. Attends, sans déconner, Ludo, qu'est-ce qui t'excite chez Cécile et pourquoi tu lui dis pas? Tu peux pas m'organiser un coup, Mickaël? Ah non, moi je suis pas comme ça. Il faut y aller, mec, hein, fonce, hein, on sait jamais. Ok, ben j'arrive. Sur un malentendu. C'est... Voilà, c'est ça. Cécile, c'est la stagiaire, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Bon, écoute, on sait jamais, écoute. Et essaye qu'il ne t'entraîne à rien. Ben ça marche. Voilà. J'arrive. Et puis sinon Lilou, t'as cassé avec Lilou, ça lui changera d'avoir quelqu'un de son âge. Hein? Voilà. Non, Lilou, c'est comme ma sœur, je peux pas avec elle. Ah oui, je comprends. Allez, bon, bisous tout le monde. Bonne soirée, bonne émission, à demain. Et retour de VinFun demain à partir de 20h sur Fun Radio. Et puis on est parti jusqu'à 2h. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. Et attention, on va commencer fort puisque selon un récent sondage, 56% des gens sont choqués par les propos grossiers à la radio. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Ouais, toujours selon le même sondage, 35% n'aiment pas les propos à caractère sexuel. Défoncer le cul, espèce de PD. Voilà, et puis après, ils n'aiment pas non plus les dialogues un peu violents, quoi. Mais je vais me masturber sur ta gueule, gros PD, là, tu vas voir. Ça te fera tout drôle, là. Voilà. Mais alors évidemment, ce qu'il déteste le plus, c'est l'incitation à des comportements inciviques. Là tu me fais bander. Voilà, alors ça c'est quand même incroyable. Bah c'est dingue. C'est quand même l'information du jour. Ah bah oui. Mais quand je vous dis qu'il se passe enfin quelque chose à la radio, eh ben effectivement vous en avez la preuve, c'est ici que sur Fun Radio que ça se passe. Tous les soirs de 23h à 2h, du lundi au jeudi et puis le dimanche également, comme hier soir on était là, de 20h à minuit avec Valentin qui est avec nous maintenant. Salut Valentin! Valentin, oui, c'est ma faute. Autant pour moi, je n'ai pas poussé sur le bouton. C'est tout ce que je mérite. Comment ça va, Valentin? Ça va nickel et vous? Moi ça va. L'équipe va bien aussi. Mais oui, l'équipe est au taquet. Écoute, j'ai envie de dire tant mieux alors. Hein. Bon, tout le monde va bien, quoi, a priori. T'as passé une bonne journée, t'as fait quoi? Que dalle, là normalement je suis en stage mais bon pour l'instant c'est repos vu que les patrons sont toujours pas rentrés de vacances donc c'est repos. Ah c'est pas mal l'entreprise. Putain c'est bien ça, donc ça veut dire que quand tes boss sont pas là tu bosses pas. Voilà c'est putain, ça aurait été cool ça parce que du coup comme le nôtre était pas là aujourd'hui on aurait eu congé. Bah c'est vrai, ça aurait été sympa quand même. Ah, on aurait été bien là. Ah bah grave. Ils sont rarement là, hein. Ils font relais. Ils font le relais. Bon alors Valentin, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Un petit problème avec ma copine. D'accord, ok. Bon, écoute, on va en parler. Est-ce que tu aimes bien les chats? Est-ce que vous avez vu mon nouveau chat? Ah oui, il est mignon, le mignon. Comment ça, il est laid? Il est super laid. Non, il a la classe. Quand il marche, il a la classe. Non, l'autre est encore. Il y en a deux. Alors, il y en a deux, mais j'irai pas plus haut, hein, faut pas déconner. Mais il y en a deux. Ils ont tous les deux la classe. C'est les mêmes races. Dis pas qu'il y en a un qui a la classe, c'est pas l'autre. Le marron, il est beaucoup plus beau que celui-là. Ouais, mais l'autre, c'est un chaton, le gris, là. Il faut encore que je l'éduque. Il faut encore que je lui montre comment ça marche, là. Ah, d'accord. Bah oui, chaque chose en son temps. Bon, allez voir, je vous ai mis la photo sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram. Tapez Mickaël_officiel sur Facebook et Instagram. Et Mickaël_officiel, c'est le petit tiré en bas, sur le Twitter. Et puis, donnez nous vos avis. Donc Polo il n'aime pas Toff. Non, celui-là est mignon, il a une bonne tête. Ah Sandro, t'as vu le chat ou pas le chaton là, Izzy? Non, on m'en a parlé mais je l'ai pas va vu. Va voir là, il est là, regarde. Mais t'as un nouveau chat et ton ancien chat il est où? Bah il est mort. Bah il avait 16 balais donc j'ai dit il y a un moment. Bah non, c'est pas vrai, je lui ai mis un coup de pompe. C'est ça. Il te remis une patate, attends, t'es rigole ou quoi? Non oui bah voilà, donc rien. Polo l'a achevé. Bah voilà, allez voir facebook.com/mickaël officiel. Donnez vos avis si vous aimez ou pas la vie de Sandro là en direct live. Attends, je. Bon bah alors quoi, elle a pas pour 2 heures. Ah là là. Bon bah descends. Oh il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est blanc. Il est gris et blanc. Gris blanc, il est mignon. Bah ramène-le. Ah, voilà. Non bah ça va pas. Tu le ramènes un jour. Mais il va être contaminé par Polo. Il faut encore que je lui fasse les vaccins et il tout. Il a un prénom ou pas? Il s'appelle Izzy. Je vous donne pas son vrai nom parce que je pense que ça peut être la honte de la ville. Ah non, allez. Ah bah Isidore. Ah non non, il a un vrai prénom parce qu'en fait il vient de ma tante qui est éleveuse, machin, etc. Et donc comme c'est un chat de race, hop, elle lui a donné un nom de merde. Ah, ouais. Il a genre comte de machin. Exactement. Ah non, vas-y, alors, comment il s'appelle? Ah, vas-y, bah dis-nous. Ah, allez. Non non, mais c'est la honte. Oui, mais c'est pas grave, vas-y, attends, raconte. Il s'appelle Oh merde! Ah, attends. Putain, j'ai la fin mais j'ai plus le début. Je vais le retrouver là, je vous le dis dans quelques minutes le nom. Si vous avez une idée de comment il peut s'appeler, j'ai donné le diminutif Easy. Christophe. Oh ça, non, bah non. Ça vous donne une idée de quoi il pourrait ressembler. T'as pas d'idée toi, le nom de base, Valentin? Je pensais au départ à Igiscus, mais non. Igiscus, c'était une idée, mais c'est pas ça. Bah allez-y avec le hashtag et Mickaël, hein. Vous nous dites à votre avis comment s'appelle le chat. Donc j'ai mis mon chat qui s'appelle, que j'ai surnommé Easy, mais il a un vrai nom de merde à la base. Un vrai bon long nom bien naze. Donc si vous avez, tous mes respects à ma tante qui a trouvé le nom, bien entendu, hein. Donc si vous avez la réponse, hashtag et Mickaël, je ne vous offrirai pas le chat, mais au moins vous aurez... toute ma bonté. Mais par moment, je me demande si les gens qui ont des chats de pédigrée, ils font pas exprès de leur trouver des noms. Je sais pas, mais c'était improbable. C'est improbable. Enfin bref. Bon, alors Valentin, on va parler avec toi dans quelques minutes. Sandro est là, il y a Tof qui est là aussi au taquet. Bien, je vais avec ta chienne, moi. Bah voilà, on parlait d'animaux. Enculé que tu es, hein. Voilà, bah oui, on fera d'autres appels dans quelques minutes avec notre ami Tof. Et puis Polo, toujours au taquet avec l'armée des doux. Hein, oui. Tout le monde, l'armée des doux qui s'agrandit de plus en plus. C'est pas très propre, un doux, parce que ça se lave pas, ça a peur de l'eau encore. C'est un peu comme des chatons. Ça me passe brosser les dents. Ça pue un peu le doux. Voilà, donc alors les doux, c'est tous les auditeurs qui n'ont pas encore mué, bien entendu, que nous appelons les doux, et c'est Polo qui gère un peu tout ce bordel. Voilà, ça devrait être couché à cette heure-là, là. Ah, circuler là, les doux, là. Complètement. Et puis il y a Kelly également qui est avec nous, la demoiselle. Salut à toi. Salut, Mickaël. Comment ça va? Bah, ça va. Bon, ça y est, j'ai trouvé le nom. Ah. Enfin, j'ai retrouvé le nom, je me souvenais plus du début, en fait. T'as vu le chat ou pas, toi, Kelly? Oui, ah, il vient de le voir. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ça va, il était mignon. Comment ça, beau, ça va? Il a la classe, il me ressemble, il a la classe. Il a une tête d'enfoiré, tu vois, trouvez pas, non? Ah, c'est pour ça qu'il te ressemble. Ouais, peut-être, ouais. Il a une tête d'enfoiré, enfin, elle, en l'occurrence. Je vous les mets en... Ah, c'est une meuf? Ouais, c'est une meuf, ouais, c'est une gonzesse. Je vous la mets tout en haut, là, sur le Facebook, comme ça, vous allez voir, vous tomberez directement dessus, vous n'allez pas devoir scroller. Donc, facebook.com/mickaëlofficiel. Pas d'idée de comment pourrait s'appeler le chat, à la base? Donc, comme je l'ai dit, c'est un chat de race, c'est ma tante qui me l'a filé. Il avait 4 mois, enfin, il a toujours 4 mois. Et son nom était tellement merdique que j'ai changé, je l'ai appelé Easy. Mais c'est un diminutif par rapport à son nom d'origine. Pas d'idée? Kelly? Non. Ah, excuse-moi, je t'ai réveillé peut-être. Non. Ça va alors. Non, j'étais en train de réfléchir. Mais ouais. Je vois pas trop. Ouais. D'accord, ok. Bon, allez-y les autres. Hein. Ah, on proposait Isidore. Ah non, c'est pas ça, Rémi. Gwenel qui dit je pense à Isidore pour le nom du chat. Non, c'est vraiment un nom à rallonge, style un nom de conte. Enfin, tu vois, des trucs à la con, quoi. Avec des deux partout. Ouais, bah là, il y en a pas. Ah, si, il y en a un. Ah si, il y a un deux. Mais oui, forcément, il y a forcément un 2 dans ces noms improbables. Il y a un 2, il y a un 2. T'imagines le chat s'appelle avec un petit 2. C'est fort quand même ou pas? Non, mais c'est un chat aristocrate. Exactement, tout à fait. Bon, alors vas-y, Kelly, toi t'es là pour la colle, pour tenter de repartir peut-être avec le netbook qu'on offre ce soir. Vas-y, Kelly, nous t'écoutons, fais péter la colle. Alors, celui qui en fait n'en garde pas, celui qui en prend ne sait pas, et celui qui sait n'en veut pas. Qui suis-je? Celui qui en fait n'en garde pas, celui qui en prend ne sait pas, et celui qui sait n'en veut pas, c'est ça? C'est ça. Ah ouais. Bon, si vous avez la bonne réponse, si un netbook est gagné, vous envoyez simplement M-I-K-L suivi de votre réponse au 64 900 par SMS ou au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer, je vous mets la colle dans quelques secondes, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Comme ça, vous allez pouvoir répondre à la colle également. Kelly, avant minuit 30, on donne la bonne réponse ou pas. Et on verra en fonction si tu gagnes ou si tu perds. D'accord? Ok. Allez, reste avec nous alors, Kelly. Ne bouge pas de là. Et puis, Valentin, on va le reprendre dans quelques minutes. T'as envie d'écouter un son particulier, Kelly? Non, d'accord. Kelly, quand elle réfléchit, en fait, il n'y a pas de son. Oui. Est-ce que t'es pas un peu molle, Kelly? Mais non, ça va, c'est juste quand elle réfléchit. Je pense que, du coup, il y a les neurones qui... Tu vois, ça bloque. Bah, je voudrais pas être à un contrôle de maths. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Et toi, Valentin, t'as envie d'écouter un son en particulier? Rebelle de Sydney Houston. Oui, très bon choix. Où est-ce qu'il est celui-là? Attends. Ah, Black Pearl, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Eh bah parfait, on va te le mettre ce soir, et pas de problème. Et puis toujours le son que j'aime bien pour l'instant, qui fait un peu funky, un peu années 80. DJ Cassidy avec Calling All Earth. To the dance floor. C'est un son que vous avez découvert sur Fun, ça. Et puis il y aura aussi Route 94 avec My Love. Là, on va chiller pendant que Toff va chier. Évidemment. Et puis pour réveiller tout ça un peu, Martin Garrix, le nouveau également avec Proxy, que vous avez découvert dans Party Fun tous les week-ends sur Fun Radio. Et c'est ce qui va arriver dans quelques minutes. Retour avec Kelly avec la colle. Retour également avec Valentin et sa meuf qui. Alors, je vois dans son bar, sa meuf essaie de se taper son frère. C'est ça, non, Valentin? C'est bon ça. Ouais. Grosso modo, bon, tu vas nous expliquer plus dans un instant, d'accord? Plus en détail. Pas de soucis. Bon, bah, bougez pas de là, alors, on va revenir sur Fin de Radio. Et puis, un message également, qui regarde Breaking Bad? Enfin, regardez, parce que c'est fini maintenant. Ouais, moi. Enfin, moi, je regarde en ce moment. Moi, j'ai tout vu. J'ai pris un peu de retard. Alors, j'ai tout vu, c'est la folie totale, j'ai adoré. Polo regarde, Toff aussi. T'as regardé ou pas, Valentin, Breaking Bad? J'ai regardé certains épisodes. Mais t'as pas tout regardé. Bon, il y a un mec dedans, non. C'est Walter White, c'est le personnage principal, c'est le mec qui parce qu'il a un cancer commence à faire de la bête. Voilà, Heisenberg. Et donc l'acteur qui joue le rôle de Walter justement a fait une interview où il dit qu'il y a un Walter White en chacun de nous. Ah. Et donc je voulais savoir du coup. Enfin, eh ben, quand même quelques notions de chimie. Hein. Ouais, non mais je veux dire, à quel personnage de série vous auriez eu envie de ressembler? Mulder, je sais. Soit Mulder, soit. Enfin, c'est pareil, ça reste deux personnages de Duchovny, Hank Moody dans Californication. Ouais, mais il te manque la classe. Et la Porsche. C'est surtout la Porsche qui manque. C'est le plus facile à voir, c'est la Porsche. La classe pourrait me débrouiller. Ouais, la Porsche, il faut de l'argent. Retourne en classe, c'est surtout ça le truc. Ouais. Bon, alors si vous voulez donner vos avis aussi, je vais vous mettre le post sur le Facebook et le Twitter là. Donc, à quel personnage de série est-ce que vous auriez voulu ressembler? Et toi, Valentin, t'as une idée de personnage de série? Homer Simpson. Homer, pas mal. Homer Simpson. Et toi, Kelly? Attends, réfléchis. Tu sais pas? Non. Pose-lui la question maintenant et elle réfléchit jusqu'à la prochaine. Elle m'aurait été étonné. Kelly, Valentin, restez avec nous. Bah, les autres, appelez-nous et puis on délire jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio avec dans quelques minutes le son de Daft Punk. Il y aura aussi Rehab et Nirvo avec Revolution. C'est ce qui va débarquer sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limites. Soyez les bienvenus chez vous. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Mickaël No Limites. Tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est évidemment toujours en direct sur Fun Radio. Vous balancez toujours vos messages évidemment sur le Facebook par exemple. Tapez facebook.com/mickaël officiel. Et puis balancez également vos messages sur le Twitter. Je vous ai posé la question à quel personnage de série vous auriez voulu ressembler. Bah, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. On va également faire les appels de Toff. On aura aussi le chéri, je peux te faire cocu ce soir. Ah bah, il y a du lourd qui va arriver là. Hein, il y a du très lourd. Ah bah, je confirme. Et Dédé qui dit j'aurais bien voulu ressembler à Horatio Kane dans Les Experts Miami. Ah ouais. Eh ben, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Restez là. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god! Mickaël, No Limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et je vous demandais là à quel personnage de télé vous auriez voulu ressembler. Puisque c'est Walter White dans Breaking Bad. Enfin, l'acteur, le vrai acteur, hein, donc le vrai monsieur qui joue Walter White, qui a dit qu'il y avait un Walter White dans chacun entre nous. Hein, et donc je voulais vous demander si vous aviez voulu. Quel personnage vous auriez voulu être dans la vie? Voilà, il y a Émilie sur le Twitter. En perso série, j'aurais kiffé ressembler à Mike Giver, même si je suis une fille, parce qu'il sait tout faire de ses mains. Ah ouais, la cochonne. Christophe également qui dit bonsoir les amis, comment ça va? Bisous à la famille No Limites et mort de rire avec l'armée d'Idou. Il y a Julien, j'aurais trop aimé ressembler être Dr House. Ah ouais? Bah, je savais pas qui, mais Dr House, ouais, j'aime bien le côté cynique du mec. Je le trouve drôle, moi. Ouais, bon, après, un enculé, mais je le trouve drôle. Bah, après, voilà. Ouais, mais il sauve des vies quand même. Ou alors le mec, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur principal dans Hawaii Five-O. Parce que le mec, il est quand même beau gosse, il est à Hawaii, ouais, il est balèze, il est militaire, il se tape une bonne meuf. Il se tape une bonne meuf également. Il est pas mal. Et il roule avec la voiture de son pote qui démonte à chaque fois, mais voilà, elle est pas mal. Non, ouais, elle est bien. Il y a Hugo qui dit moi, c'est Daryl dans Walking Dead que j'aimerais bien ressembler. Capitaine Flamme sur le Twitter qui dit moi, Mickaël Knight pour être au volant de Kit. C'est K2000, hein, pour ceux qui connaissent pas, pour quand je suis bourré, elle me ramène chez moi sans que je conduise. Bah, bien vu. Et Nadia également, Xena la guerrière, elle était jolie, mais avec une carrure de mec un peu trop prononcée à mon goût. Et la friterie Elba qui aurait voulu ressembler à Chuck Norris, il est imbattable. écoute, pas mal. Il y a Christo également, moi c'est Dexter. Ah, toi t'es comme ça, toi tu veux buter du monde. Ah bah, tant qu'à faire. Ouais, pas mal. Et toi, Tof, tu m'as dit. Ah oui, toi, oui. T'avais dit. Oui, c'est Polo que j'avais pas. Tof, il avait dit. Il avait dit. David Duchovny dans Californication. Ou Californication, ouais. D'accord, ok. Et Polo? Ah, moi aussi, David Duchovny dans Californication. Et puis, comment il s'appelle? Et Dexter, parce que j'aimerais bien tuer des gens. D'accord, beaucoup, ok. Beaucoup de gens. Sandro, toi, tu veux ressembler à qui? Bah, dans moi, quand j'étais petite, on m'appelait. Ma tante, elle m'appelait Punky Brewster. Oh là là, ce la vieux petite... truc. Une espèce la de. Petite clocharde. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est la rousse, là, non? C'est quoi, non. Non. C'est tâche de rousseur. Non, non, Punky Brewster, c'est la. Non, c'est une petite brune. Ah ouais, t'es brune. Cheveux noirs. Ah oui, en fait, oui, c'est vrai, je suis un vieux là. Oui, c'est vrai. N'importe quoi. Bah tapez sur Google, hein. Vous allez voir la gueule des images, vous allez voir, ça va pas dire cette affaire. Oui, je t'habillais dégueulasse tout le temps quand même. Ah oui, oui, bah oui. Et de Richard aussi sur le Twitter. Moi, ce serait plutôt Capitaine Flamme, Abdou également qui dit Stan Marsh de South Park ou Tony DiNozzo dans NCIS enquête spéciale. Ah ouais, mais DiNozzo, on dirait que c'est un débile. Quand il a, tu sais, il est toujours à côté de ses pompes, on dirait. Sarasvati qui dit j'aurais bien ressemblé à Magnum ou Dr. Quinn. À Magnum avec sa big moustache là. Oh, oh. Mais comment t'as envie de ressembler à Magnum? C'est un truc de ouf. Non mais Magnum, sérieux. Non mais c'est dingue. Bon, Valentin est toujours avec nous là, sa meuf qui essaye de se taper son frère. Bon alors explique-nous peut-être plus en détail un petit peu le délire là. Mais on va dire que ça fait 9 mois que je suis avec cette fille. Ouais. Qui est un peu plus jeune que moi, malheureusement. D'accord. Un peu plus jeune, c'est-à-dire? C'est-à-dire j'en ai. Enfin, je viens d'en avoir 18, elle en a 14. Ouais. Elle est, comment dire, dans la classe de mon petit frère. Et le seul souci, c'est que mon petit frère est un de ses ex d'il y a longue date. Et le seul souci, c'est que au mois de décembre, il y avait des grosses tensions et elle s'est mise à lui reparler énormément jusqu'à ce que je tombe sur une certaine photo d'elle plutôt pas très habillée. Ouais. Sur le téléphone de mon petit frère. Ah, oh, sympa. Elle est cool, ta sœur. Ta meuf, pardon. Ma copine. Ouais. Ouais. Mais donc du coup, après, j'ai dû continuer à lire la conversation. Et il parlait justement de faire des choses plutôt, voilà, ensemble, quoi. D'accord. Bah, elle est sympa, elle veut tester les deux frères, c'est normal. Ouais, mais pas quand t'as 14 balais, là. Ouais, voilà, c'est ça le délire. C'est que surtout, en plus, là, au jour d'aujourd'hui, ça fait 9 mois. Ouais. Et je suis encore tombé sur des messages, ce coup-ci, juste des messages comme ça, mais voilà. Alors, après, le frère, il a quel âge? 14, pareil. Ah, ils ont tous les deux 14? Ouais. D'accord, ok. Oh, j'allais dire, pas quand t'as 14, mais au final, quand ils ont 14 tous les deux, font leur life, quoi. Ouais, enfin... Mais c'est sa meuf. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est. Mais déjà, mais comment tu peux. Alors, excusez-moi, il y en a qui vont râler, machin. Mais quand t'as 18 ans, qu'est-ce que tu trouves dans une meuf de 14? Bah, c'est pratique. Désolé, les filles 14, hein, sérieux, hein. Mais je comprends pas. Non, ce que... t'as raison. Je comprends pas ce que tu trouves dans une fille de 14 ans. Vous avez pas les mêmes centres d'intérêt? Bon, à 14 ans, je dis pas qu'elles sont pas formées, mais enfin, il y en a quand même qui sont pas encore tu vois, formées définitivement. Là, non, mais peut-être que la tienne l'est. Ouais. Peut-être que la tienne l'est, je sais pas. Mais c'est juste que vous avez pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Enfin, à 18 ans. Ah si, c'est un gros chat. Mais non, arrête, oh, putain, Tof, qu'est-ce que t'es con, toi. Non, mais à 18 ans, tu penses à des trucs, et puis à 14, tu penses pas aux mêmes trucs. Enfin, t'as pas envie de faire les mêmes ouais, choses. Ouais, c'est sûr, mais voilà, on s'est rencontrés au départ, et on est sortis directement ensemble, et on a appris à se connaître comme ça. Et au fil du temps, mais oui, on s'est trouvé des points d'intérêt, mais aussi on s'est trouvé des gros points de divergence. Tu vois là par exemple le fait de dire on s'est trouvé de gros points de divergence. Je suis sûr que à 14 ans toi t'as pas envie de dire divergence. Tu diras en temps normal à 18 non plus. Hein, mais par contre elle a peut-être envie de voir diverge. Merci Tof, t'as passé la soirée. Hop, terminé. Punition. Allez. Il est puni ce connard. Voilà, et moi j'ai une question. Ça y est, une minute d'exclusion d'antenne. Mais tu la déposes. Et comme d'habitude. Ça sent moins. Ça sent meilleur là. Ça sent moins la merde. D'ailleurs, il a empué tout. Ah oui, on a dit que c'était les chiottes de la radio qui puaient, mais en fait c'est Tof, hein, il est passé. C'était une horreur. Enfin bref, tu voulais dire Polo? Non mais je voulais lui demander si c'était plus commode, comme ça il la dépose au collège et puis lui il va travailler après, c'est ça? Travailler non, pas encore, non, au lycée. Mais t'as une voiture? Non, pas encore, puisque je viens juste d'avoir 18 ans, donc voilà. D'accord. Ok. Ouais bon bah écoute alors. Bah, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi dans l'idée? Mais savoir justement ce que je devrais faire, voilà, ou ce que je devrais lui dire pour qu'elle se réveille un peu et qu'elle arrête de lui parler, quoi. Mais toi, tu vas la garder, toi? Sincèrement, oui, vu que je l'aime énormément. D'accord. Et voilà, c'est bien ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Bah, appelez-nous si vous avez éventuellement un conseil à donner ou si jamais ça vous est déjà arrivé justement chez vous, là. Vous nous appelez maintenant sur Fun Radio et puis... Ah, merde. Voilà, ça y est, t'as fait revenir. Ah, ça y est. Je peux enfin redire de la merde. La minute est passée. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique si vous avez un conseil éventuel à donner à Valentin par rapport à son histoire. Est-ce que vous êtes déjà sorti aussi avec des filles beaucoup plus jeunes, là, comme là en l'occurrence? Eh ben, on peut en parler. Valentin, reste avec nous. Johan également de Blois. Salut Johan. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Et attention, on n'a toujours pas trouvé le nom du chat, le nom d'origine. Parce que j'ai un nouveau chaton, là. Il y a la photo sur le Facebook de l'émission, donc allez voir. Je l'ai surnommé Easy, mais en fait son vrai nom, parce que c'est un chat de ma tante qui a une chatterie. Enfin bref, et donc c'est un chat de race, et donc c'est toujours avec un nom de chatterie. Merde. Bah oui, un élevage quoi. Sauf tu remarques pas, tu dis rien. Non, il dit rien. Sur chatterie, non. Il a déjà été suspendu d'antenne pendant une minute, là, en 20 minutes d'antenne seulement, tu vois, donc bon. Et donc du coup en fait elle a un nom à rallonge. Et comme le nom était moche à la base, je l'ai surnommé Easy. Mais Easy, il y a un rapport avec son nom de base évidemment, hein. Donc si vous avez une idée, franchement je prends pas trop de risques, hein. Je pourrais même dire j'offre un truc de ouf. Mais bon, je pense pas que quelqu'un trouve à un moment ou à un autre, mais on sait jamais. Donc hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et puis sur Facebook vous pouvez donner vos réponses également. Bon alors Johan, toi tu voulais réagir au personnage télé, parce que je vous ai demandé à quel personnage de série vous auriez eu envie de ressembler. Tu voudrais ressembler à qui toi? Moi, Dexter. Ah, Dexter, pourquoi? T'as envie de découper les gens? Exactement. Il y a beaucoup de gens que j'ai envie de découper en ce moment, mais bon, ça, c'est pas le truc. C'est surtout dans la manipulation des preuves dans toute la série qu'il fait, quoi. Ah ouais, mais il a pas le choix. C'est pas, tu vois, il manipule pas. Évidemment, il veut pas se faire coincer, mais bon, dans la manipulation avec le fait de découper une main, ça, il fait rien du tout. Que les empreintes partout, ça, il fait que là. Donc, c'est un peu les mêmes réactions que j'aimerais avoir, quoi. Ouais, non, pourquoi pas. Ah, moi j'aime bien aussi la série Suits, je sais pas si vous connaissez. Ah oui, les avocats. Les deux avocats, là. Ouais, mais c'est deux avocats véreux. Pas forcément véreux, mais il y en a un qui a pas de diplôme. Mais il a réussi à en fumer tout le bordel et ça fait. C'est pas des avocats véreux. Non, l'autre, il a juste pas de diplôme. Mais il a pas de diplôme, mais moi j'aime bien celui-là parce que c'est un enfumeur, tu vois, il arrive. Hop, il arrive à passer partout. Donc voilà, celui-là j'aime bien. Si vous connaissez la série Suits, comme ça au moins c'est fait. Y a Nicolas qui dit Mickaël, c'est Steve McGarrett dans Hawaii Five-O. Ah, exactement, Steve McGarrett, ouais. Mais moi je préfère Danny, hein, normal, il y a une tête de plus con, tu vois. Ouais, non, et puis c'est toujours lui qui est en train de lui faire des vannes pourries, quoi. Ouais, et puis il y a surtout toutes les galères avec sa femme, le divorce, le pauvre. Il y a Nicolas qui dit Mickaël, ah oui, Steve McGarrett, et dès qu'il dit j'ai trouvé le nom de la chatte à Mickaël, elle s'appelle Easy les Moulineaux. Non, c'est pas ça. Guillaume aussi sur le Twitter, j'aimerais ressembler au commandant Steve McGarrett dans Hawaii Five-O, car j'adore sa façon de réfléchir et d'agir. Il y a Titi aussi sur le Facebook. Moi j'aurais voulu être Chandler dans Friends pour son humour. Ah putain, oui, ça date ça aussi. Hein. Et toi Théo qui est avec nous de Saint-Germain là, salut Théo. Salut Mickaël. Comment ça va? Bien, et toi? Très bien. Alors Théo, tu veux ressembler à qui toi? Série télé. Moi j'aimerais bien ressembler à Homer Simpson en fait. Pourquoi? Pourquoi Homer Simpson? Oh le personnage. Parce qu'il est con en fait. Hein. Ah ouais, non, ouais. Mais d'accord, ok. Mais tu veux lui ressembler ou t'es déjà con en fait? Déjà con quoi. Ah d'accord, ok, très bien. Alors, tu lui ressembles déjà un peu quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Tu bois de la bière, tu manges des donuts, non? Non, quand même pas. Ah bon, d'accord, ok. Bah, juste le fantasme alors. Attends, il y a Christine également, ouais. D'Arcachon, salut Christine. Salut, oui, Christine. Oui, ah, oui, comment ça va, Christine? Ça va? Oui, ça va, c'est ma bouteille de rosé à côté. Parfait. Justement, j'allais te poser la question si la bouteille elle est toujours bien. Bah apparemment oui, tant mieux. Oui, il y a les Chinois qui pissent. Bon, tu voudrais ressembler à oui, qui, oui, toi? Oui, la série. Ouais. Non, là c'est mon chaton là que je mets en brosse. Ouais. Réponds juste à la question, tu sais. Oui. Voilà, à qui dans la série là? C'est Louis de la Brocante, non? Victor Doumbia. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu lui marches dessus ou quoi là? Hein? T'es en train de découper. T'es en train de découper ou quoi? Quoi, le chaton? Ben oui. Comment tu fais qu'il gueule comme ça? Je suis sur le bassin de la question. Et alors, quel est le rapport? Il le viole? Quoi, le morceau? Non, bon, alors, écoute, c'est moi qui me suis emballé, je pose des questions à la con là. À quel personnage tu voudrais ressembler? Mais c'est dit, Victor Newman, en femme. Victor Newman, ah, Victor Newman, dans cette merde de série là qui dure Amour, gloire et beauté. Là. Amour, gloire et beauté. Non, c'est les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Enfin, c'est pareil, les feux de l'amour. Ouais, mais c'est bon quoi. C'est les feux de l'amour, c'est ça. Non, mais là, il y a Shining ce soir. Ah. C'est Nicholson. Ah. Ouah, ça fait peur. Ça va être génial. Bah, justement, le film va commencer, on va pas te déranger plus longtemps. Hein. D'accord, là, et arrête de faire gueuler ce chat, Christine, là. Il est en chaleur, là. On va voir la SPA sur le dos, là. Faut le fourrer. Bon, allez, salut Yoann, salut Théo, merci d'avoir appelé. Salut, Mickaël. Ouais, Mickaël, j'aimerais pas que tu me dédicaces, c'est possible. Allez, bah vas-y, Yoann, une seule personne, là, choisis la bonne. Ouais, bah, je passe une petite dédicace à ma petite Lynx d'amour. D'accord, bah, le message est passé. Mickaël. Salut, Yoann. Voilà. Ciao à toi, ouais, ouais Théo. Pour ton chat, non, il s'appellerait pas Israël, comme non, ça. Non, ah, non, c'est Azrael dans Gargamel, dans les Schtroumpfs. Non, c'est pas Israël, ouais, pas non. Non, non, non, c'est pas ça. Oh, je l'ai, donc, j'ai surnommé Izzy, et c'est un nom. Alors, il y a un prénom, puis il y a un 2, et puis encore un nom. Voilà. Ah, donc, ouais, comme d'accord. Ça vous donne une idée de l'improbabilité du nom, quand même. Donc, allez-y, si vous avez encore des idées, je donne la réponse avant minuit. Voilà. Lisa ? Je pourrais passer une dédicace. Il y a un rapport. Il y a un petit peu. Il y a un Lisa dedans. Il y a un Lisa dedans, effectivement. Tu voulais quoi, Théo ? Passer une dédicace. Eh ben vas-y, il y a une seule personne, alors vas-y, choisis la bonne. Bon bah je passe une dédicace à toutes les personnes qui me reconnaîtront. D'accord, très bien, eh ben parfait, et on embrasse tout le monde. Alors salut Théo, okay. Ciao, bon, à toi. Allez, à bientôt Théo, ciao ciao. Tiens, je viens de lire une info également assez improbable. Le Danemark aurait légalisé la prostitution des animaux. Ouais. Alors, après vérification, c'est une campagne pour interdire la zoophilie, hein, rassurez-vous. Parce que oui, au Danemark, ce n'est pas encore interdit de coucher avec son chien, son chat, sa tortue, son poisson rouge, bref. Tant qu'il est consentant et qu'il ne souffre pas. Car oui, le chien, le chat peut dire ok, je suis d'accord. Hein. Donc, je vous rassure, chez nous, c'est puni de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende quand même. Hein. Donc du coup, Tof, tu vas demander à tes amis s'il est possible de faire l'amour avec le chien. Ah bah oui, avec plaisir. Eh bah parfait, on fait ça dans un instant. Et avec Izzy, on peut... Non, même pas en rêve. Ah bon. Dire qu'elle c'est un chat de goût. Bah justement. Polo, c'est un chat de classe. Ouais, c'est très classe. Très classe. Elle peut pas avec Tof. Ah bah non, Tof, ah bah c'est non. De la merde. Exactement, c'est un chat de gouttière, tu vois. C'est un chat de merde. Allez, on en parle après. Daft Punk sur Fun Radio, c'est Instant Crush. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-L suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est évidemment toujours en direct, 23h33 sur Fun. Il y a Lucas qui dit couché avec un poisson rouge, mort de rire. Sébastien qui dit ton chat, c'est pas Mina Lisa de Vinci. Ah non, c'est pas ça, Sébastien. Non. Il y a Nicolas qui dit moi, j'aimerais être Tof dans la série Mickaël, nos limites. Oh là là, Nico, tu pourrais quand même espérer un peu mieux là. Hein. Romain qui dit ah, Tof va pouvoir baiser. J'espère que non. Et Max qui dit j'aimerais ressembler à David Caruso dans Les Experts Miami. Il y a Christophe qui dit moi j'aurais aimé ressembler à Michael Kite dans Ma Famille D'abord, il me fait trop marrer. Salim également, moi j'aimerais être Luffy dans One Piece. Ilias également, j'aimerais ressembler à Bart Simpson. Oh là là, quelle horreur. Il faut vouloir. Émilie qui dit moi c'est Émilie, je propose Zizi pour le nom de ton chat. Bah non, on vient de te dire, le nom que là, c'est un chat de race. Zizi, on peut avouer, Tof, ne t'énerve pas, c'est le deuxième prénom de Tof. Ouais, c'est vrai, on devait pas le dire, exactement. Voilà. Ouais, donc, j'en ai rien à foutre. Avant minuit, moi je l'ai surnommé Izzy, le chat, parce qu'elle a un nom, son vrai nom de cinéma sur le passeport de je sais pas quoi là. C'est dingue, elle a un passeport. Oui, elle a un passeport. Et elle a une petite valise. Non, elle a pas de valise. Pas encore, ça va venir. Bah attention, elle est platinum chez Air France. Hein. Elle a sa petite carte qui tient accrochée à sa queue, c'est et elle voyage ça. En business et tout, et elle a cool, là, t'inquiète, hein, pendant que le propriétaire est derrière comme un chien, le téléphone. Hein. Ah bah oui. Bon, alors allez voir déjà la gueule du chat, et puis à votre avis, quel est son vrai nom? Donc moi j'ai donné un petit surnom qui s'appelle Izzy, mais quel est le vrai nom? C'est assez improbable. Ça chauffe un peu quand même, hein, pour le coup, sur le Facebook et le Twitter, vous êtes pas mauvais. Hashtag et Mickaël, continuez vos messages, et comme on parlait des animaux, on s'est rendu compte qu'au Danemark, donc il est légal de coucher avec son animal de compagnie pourvu qu'il soit consentant et qu'il ne souffre pas. Mais comment tu lui demandes s'il est d'accord? Je ne sais pas. Petit petit, tu es d'accord que je t'encule? Voilà, je pense que s'il te mord pas la bite, c'est qu'il est d'accord, j'en sais rien. Donc du coup, comme ici, heureusement, c'est puni par la loi, nous allons donc appeler des gens afin de voir si tu pourrais éventuellement t'occuper de leur chien. Bah oui. Voilà, donc on appelle le premier. Allons-y. Allez, c'est parti. Grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, et continuez, hein, parce qu'on fera plusieurs appels jusqu'à 2h du matin, comme chaque soir. Allez, 23h36. Allô. Oui, allô, bonsoir madame. Oui. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si c'était possible de coucher avec le chien. Pardon ? Non, je voulais savoir si c'était possible de coucher avec le chien. Oh connard ! J'ai d'autres chats à fouetter là, je pars en urgence, on me fait passer. Ah ben. Allô ? Oh, elle a d'autres chats à fouetter, je sais pas si vous avez remarqué le jeu de mots. Non, c'était pas mal, franchement. C'est pas mal. Il y a un peu de recherche quand même là, c'est, non, pas, c'est mal. Pas mal. Bon, allez, on la rappelle la petite dame là. Elle part en urgence. Elle part en urgence où ? La SPA ? Chercher son chien ? Ah non, chat à fouetter. Chercher son chat ? Va te faire enculer, ça te fera du bien. Mais enfin, madame. Bah oui, cela dit, au passage, elle a pas tort, hein, je pense. Oh, la violence. Ça lui ferait du bien. Psycho. On la rappelle. Alors, attendez. On est caché, là. C'est ça. C'est en embuscade. Ouais. Elle fait enculer. Oh, PD, maintenant, tu me fous la paix. T'as compris, espèce de connard? Mais pourquoi vous dites tout ça, madame? C'est pas gentil. Oh. Moi, je vous appelle gentiment pour faire l'amour ouais, avec le chien. Mais moi, tu me fais chier. Oh non, madame. Tu comprends? Non, je peux pas vous laisser alors, dire ça. La ferme. Et si tu me fais encore chier, j'appelle les flics. Mais pourquoi vous l'appelez les flics, madame? Allô. Bon, je pense qu'on aura pas de réponse. Hein. On rappelle encore un coup ou on lâche l'affaire? Allez, chaud de là. Allez, une dernière. Allez, une dernière fois, alors. Une dernière, puis après, on arrête. J'ai pas envie de qu'elle nous claque entre les mains, là. Oui, madame, c'est pas gentil, ce que vous dites. Moi je vous appelle gentiment juste pour faire l'amour avec le chien et puis vous êtes désagréable au téléphone, ça se fait pas. Ouais. Tu es enculé au PD. Ah, il a eu un rôle très court dans la série, mais bon, il a quand même eu un bon rôle. Ah ouais. Non, c'est vrai. Eh bon. Les Corses, je suis fan. Ah bah les Corses, c'est toujours... L'avantage avec le Corse, c'est qu'il va pas t'insulter pendant deux heures, mais le peu qu'il va te dire, c'est bon, ça t'a calmé directement. Bon, bah si vous avez d'autres numéros de téléphone, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur le mail de Tof, toph@fanradio.fr. On appellera tout le monde, évidemment, tout à l'heure, avant la fin de l'émission. Il y a Swat également qui dit, moi j'aimerais être Clark Kent dans Smallville. Il y a Beer Heroine sur Twitter. Il s'appelle Zaya ton chat. Oh non, non, attends, tu rigoles ou quoi? Il y a Brad également, mort de rire pour coucher avec un chien. Julien Zaya aussi est un nom de chienne. Oui, en plus, qui plus est. Voilà. Julien également sur le Facebook. Salut Mickaël, j'ai passé une journée de merde. Je commence avec une entorse et je finis avec Mickaël. C'est cool, vive Mickaël. Eh ben oui, ben merci Julien et Émilie également. Moi j'aimerais ressembler à Eva Longoria, tu m'étonnes. Et Sophie aussi, j'aurais adoré ressembler à Aria pour sa classe Wallison, parce que même morte, elle fait tourner la tête à tout le monde dans Pretty Little Liar. Ouais. Effectivement, Rémi aussi, moi je kifferais être Mickaël, il est parfait. Oh, c'est gentil, oh, Rémi. Ah oui. Et c'est tellement vrai. Moi mais j'aimerais évidemment bien être moi-même. Bah, mais qui se la ramène pas mais du oui, tout. Tu as déjà touché la perfection, Mickaël. Mais oui, le mec veut être lui-même, c'est mais cool. Ouais. Bon, Romain qui est avec nous également de Saint-Quentin là. Salut Romain. Salut tout le monde. Ça va bien? Ça va, impeccable. Bon, tu voudrais être qui toi dans une série télé là? Quel acteur tu voudrais être? Moi c'est pareil, Clark Kent, ça me plairait pas trop quoi. Clark Kent dans Smallville, ouais, pourquoi ouais. pas. Ouais, par les murs, par les gonzesses, tout ça. Le ouais. problème avec Clark Kent, c'est le collant bleu. Ouais, ouais, faut aimer le moule bite. Faut aimer quoi. Ouais, il faut aimer le moule bite, ouais. Ça me dérange pas. Ouais, non, bah d'accord, mais il faut aimer le moule bite. Et Léna qui est avec nous de Reims également. Salut Léna. Oui, salut. Comment ça va? Bah bien. Bon, tu voudrais être qui toi dans une série télé? Epistonem de Skins. C'est qui? Je connais pas. Skin, si, c'est anglais, c'est une série anglaise. C'est une série anglaise, mais je regarde pas trop, mais j'aime pas trop cette série. Ah ouais. Oh ouais. Non, moi je sais, je voudrais être le faux shérif dans Banshee. Ah oui. Oh là, lui il prend cher. Enfin, il prend cher, il donne cher, il donne tout. Moi je veux bien être le... Le boucher Non, le chinois. Le chinois. Ah, le gay, enfin, Job. Le... Ouais, comment Job. Il s'appelle Job. Il s'appelle Job. Job. Oui, c'est ouais. ça. Enfin, ouais. le il est pas... Enfin, si, il est gay, mais je veux dire, c'est le drag queen. Drag queen, enfin, il a mourir de rire, parce qu'en fait... Juste, ouais, vas-y, Tof. En fait, il est rasé, donc quasiment à toutes les scènes, il a une autre perruque. Ah, il a une autre perruque, il a une autre coupe, il a une autre. Ah, mourir de rire, c'est la folie totale. Mais ouais. Il a des répliques qui sont énormissimes. Non, mais il est bien. Banshee, je vous la conseille, la série. Pas si vous avez en dessous de 16 ans, en revanche. Enfin, bon. Et c'est quoi son perso là dans Skin là? Il fait quoi? Il fait quoi, Léna? C'est une fille. Ouais, bah... mais c'est quoi le perso? Bah, c'est. Enfin, je sais pas comment expliquer quoi. Ah. Elle fait quoi? Elle est bonne? Elle est pas bonne? Elle sert à quoi dans la série? Elle sert à quoi dans la série? Enfin, elle se drogue, elle couche avec des mecs, enfin ouais. C'est Skins quoi. D'accord, ok. Non, mais elle picole. Non mais comme ça au moins on sait, très bien, parfait. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Bah merci Léna et merci Romain. Elle fait une tournante, passé. Enfin des trucs. Salut, de rien. Ça. Et vous revenez quand vous voulez tous les deux, à bientôt, bonne soirée. Hein. Ça va, bonne soirée. Salut, et n'oublie pas Léna de prévenir dans ton bahut hein, qu'on est là à la radio le soir, hein, Léna. Hein. Ouais. Bon, ça roule. Salut Léna, à bientôt. Salut. Ciao à toi. Bah tiens Romain, tu voulais réagir aussi à Valentin comme il est là aussi, on va en profiter. Ouais, Valentin donc, qui nous avait appelé parce que sa meuf essaye de se taper son frère. Romain, alors vas-y toi, on t'écoute. Ouais, donc moi déjà j'ai un petit problème, enfin pas un problème, mais c'est au niveau de l'âge déjà. Moi je trouve que t'es un peu trop vieux pour elle déjà. Ouais. Parce que bon moi je t'explique, j'ai eu l'expérience, je suis sorti avec une fille, on avait 7 ans de l'écart. Et au bout d'un moment ça va pas coller quoi. Ah oui, mais ça, je lui avais dit hein, que la différence était violente. Hein. Entre 14 et 18, je suis désolé, mais il y a un moment, t'as pas, comme je lui dis, je vais le répéter, hein, mais t'as pas forcément les mêmes envies. Mais en même temps, tu dois le savoir, Valentin. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah oui, c'est clair. Bon, écoute, moi, ce que je te conseille, c'est appelle Difool pour lui demander. Comme ça, t'auras fait le tour de chez tout le monde. Puisque, c'était la blague d'histoire. Voilà, puisque, bon, apparemment, t'as déjà demandé à Coé qu'on embrasse. Donc, bah, comme ça, au moins, t'as l'avis de tout le monde. Et puis, tu fais un best-of des idées. Et puis, tu vois si on a les mêmes réponses ou tu fais un best-of, quoi. D'accord. Ouais, okay. Ouais, tu peux faire ça, Valentin, d'accord. Si tu veux, on te donne son numéro perso. Comme ça, tu dois pas passer par le standard. Y a pas de souci, ouais, y a pas de problème. Ça marche. Bon, bah salut Valentin en tout cas et embrasse, ouais. Embrasse ta copine. Salut et salut. Okay. Allez, à bientôt, bye. Ciao. Et puis bah Romain, bah, merci d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. De rien, ok, ça marche, salut. Salut, salut Romain, ciao salut, à toi. Ciao. Bon, retour avec la colle dans quelques minutes là avec Kelly pour gagner le netbook. Il y aura Nicolas et Léo pour parler des personnages que vous auriez voulu être dans une série télé. Et puis on va aussi bien entendu donner le nom original de mon chat. Oh le mignon. Voilà, que j'ai accueilli ce week-end, donc il a 4 mois, je l'ai surnommé Easy, mais il a un vrai nom de chat de race. Hein. Et voilà, donc quel est son vrai nom que je n'ai pas donné moi-même. C'est bien pour ça que j'ai changé son prénom, puisque son nom est tellement improbable que c'est limite un peu scandaleux quand même. Hein. Bon, allez, on donne ça dans moins d'un quart d'heure sur Fan Radio, on aura le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer. Et puis Martin Garrix, ça va aussi arriver, ça va arriver dans un instant, ce sera Proxy. Tous les soirs sur Fan Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mikael. No limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole et les plus gros cadeaux. Mickaël No Limit. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et évidemment, on est en direct sur Fun Radio. Là, il n'y a plus de pub maintenant jusqu'à la fin de l'émission. Donc, soyez les bienvenus. Si vous arrivez, il y a Jason qui dit vous êtes tous super. Moi, je voudrais être JT dans notre belle famille. Les meufs qu'il a, tu m'étonnes. Michael Scofield aussi. J'aimerais ressembler à Michael Scofield. Ouais, c'est vrai que physiquement, il était pas mal. Non, il était bien gaulé aussi, hein. Apparemment. Ouais, après les photos que j'ai vues, il ne vit pas très bien l'arrêt de la série. Hein. Bah, tu m'étonnes, évidemment, quand t'es au top et puis après t'es plus personne, c'est dur. Hein. Il y a Nicolas aussi. Mika, j'ai un truc qui devrait t'intéresser. Si tu prends le nom de ton premier animal et ton second prénom, ça fait ton nom d'acteur porno. Ouais, je sais, ouais. On l'avait déjà fait ce truc-là, cette connerie-là. Attends, on peut le refaire. Alors, attends, si tu prends le nom de ton premier animal et ton second prénom. Ah, et moi, ça fait. Alors, donc. Premier animal et second prénom. Ah non, on l'avait fait avec la rue à l'époque. Bah, on peut le refaire avec celui-là. Alors du coup, moi, ça fait Ruby Bayens. Attends, t'entends mal, Toff. Ah oui, non, moi, ça fait... Ah non, je suis con, bah non. Non. Moi, non, j'ai confondu. Moi, c'est mon premier... Moi, ça fait Maurice Ruby. Oh, Maurice Ruby. Ruby Maurice, on appelle ça... C'est on pas met ça mal, Maurice Ruby. Dans le sens qu'on veut. Alors, et toi, Polo, donc, si tu prends le nom de ton premier animal de compagnie et ton second prénom, ça fait ton nom d'acteur porno. Ah, j'ai pas de second prénom. Je prends mon vrai prénom, donc Polo. Et mon animal de compagnie, c'est mon premier animal de compagnie, s'appelle Toff. Donc c'est Toff Polo. Polo Toff. Et Toff moi c'était Pupus, donc ça fait Pupus Henri Pierre. Oh le prénom d'enculé. Pourquoi toutes ces ridicules Toff? Pourquoi? De A à Z, il faut qu'il fasse pour un con. Mais c'est pas possible. Ah si, je te jure, Pupus. Pupus Henri Pierre. Pupus Henri Pierre, mais oh là n'importe là. Quoi. Alors ça, c'est improbable quand même. Ah, attendez, je vais vous mettre le post directement sur le Facebook de l'émission, là. Et on va demander à Sandro aussi. Sandro! Ouais. Allume ton micro là. Bon, il y a Nicolas qui demandait là si tu prends le nom de ton premier animal de compagnie et ton second prénom, ça fait ton nom d'acteur de cul. Alors c'est quoi chez toi? Ça fait Roxane Maria. Ah ouais, c'est vraiment une. Non, c'est vraiment un nom d'actrice de cul. Avec hein. Le nom de la rue, c'était hardcore. Ah ouais? Ouais, ça donnait. Parce qu'en fait, à l'époque, on avait fait, c'était le nom du premier animal de compagnie avec le nom de la rue où on habitait. Et moi, ça donnait Roxane Gabriel. Ouais. Et là, ça faisait vraiment actrice, quoi. Ça fait cochonne. Voilà. Alors, je vais et mettre... vous, ça donne quoi? Alors, mais attends, donc, moi, je vais... c'est Toff Polo. Ouais, Toff Polo. C'est mon animal de compagnie, Toff. Moi, c'est. Merde, j'ai oublié de nouveau. Ruby Maurice. C'est pas mal. Ruby Maurice, Ça fait acteur gay quand même. Ouais, mais attends, t'as pas écouté celui de Toff. Alors que Pupus Henri Pierre, ça fait acteur gay. C'est Pupus Henri Pierre. C'est vrai que ça fait gay. Si ça fait pas la honte de la honte. Non, ça fait chelou, ça fait mec chelou. Ouais, c'est clair. Le Pupus Henri Pierre, quoi. Si ça, c'est pas la honte de la honte. Bon, du coup, j'arrive plus à écrire mon message là. Donc, mélangez le nom de votre premier animal de compagnie et votre deuxième prénom, c'est ça? Ouais. votre deuxième prénom, ça donne quoi? Voilà, vous balancez vos messages maintenant sur le Facebook de l'émission, sur vous pouvez balancer aussi ça sur sur le Twitter, hein, n'hésitez pas, hein, facebook.com/MIKL officiel et puis Twitter, tapez MIKL_officiel, ajoutez-moi et puis bah, je vous ajoute également avec grand plaisir. Si vous m'ajoutez, on se suivra mutuellement. Voilà, donc c'est quoi votre nom d'acteur porno, mélangez le nom de votre premier animal de compagnie et votre deuxième prénom, et donc ça donne quoi? Vous balancez ça maintenant. Il y a Beer Heroin qui dit ton chat, son vrai nom, il s'appelle Mona Lison. Non, j'ai déjà dit que c'était pas ça. Indio Pio Pio qui dit on est à 5 à vous écouter ici tonight, nouveau venu Alex et Ludo, je fais tourner l'info, ça c'est bien Indio le Pio Pio. Qu'est-ce qui s'attoue aussi hashtag tof enculé, bien sûr, évidemment. Normal. Maria qui dit moi c'est Blanca Mimet. Ah ouais, c'est pas mal aussi ça en termes de nom, ouais. Qui fait bien être acteur de cul, hein. Nicolas qui dit Mika, j'ai un truc qui devrait t'intéresser. Ah oui, bah ça, je viens de le dire, je suis con. Et Jeanne Françoise qui dit moi je voudrais bien être Olivia Wilde dans Doctor House, juste pour l'épisode où elle se tape une trop bonne meuf. Ah oui. Ouais, c'est vrai, c'est la petite brune aux yeux bleus. Ouais, elle est super mignonne en plus. Qui aime les femmes. Qui aime et les que femmes. Les billes en fait, elle aime les deux. Hein. C'est vrai. Il y a Baptiste qui dit moi c'est Denis Pampan. Denis Pampan. Et Julien, salut l'équipe, ici à Belfort, on vous attend plus que jamais. Vous nourrit, on vous nourrit, on vous loge, on vous divertit, bowling et néo-laser. Si tu demandes à l'antenne, je te donne plus d'infos sur Facebook ou sur Twitter. Bah fais-moi un mail, mikl@fanradio.fr. Avec plaisir, on peut passer là-bas. Et Sarah Svati, moi c'est. Paluchette Nadine, mon nom d'actrice porno, plié. Oh là là, et Guillaume Paluchette. Qui dit aussi. Guillaume, moi c'est Nicky Arthur. Bah continuez avec vos messages, oh, on fort. Va les lire en direct là. Léna qui dit qui a dit Alison de Pretty Little Liars, j'adore. Je sais plus. Et Fabrice qui dit salut Mickaël, moi j'aimerais être le lieutenant Colombo. Ah il y avait l'autre aussi, comment il s'appelait encore Monk. Oh là là, monsieur Monk. Et Megumi qui dit moi c'est Shelby Megumi. Ouais, j'ai pas de second prénom. Bon bah voilà, bah alors c'est ça. Comment il s'appelle l'allemand là? Ah Derek. Oh là là, il y a un mec qui dit Derek, je vais chez lui, je lui mets une baffe, je reviens ici. Ah bah il y avait une belle BM, le renard hein. Aussi. Il hein. Y avait le renard aussi. Et là. Est-ce que c'est la musique là? Attends. Ah et moi ça me rappelle mes enfances quand j'ai... Non mais c'est quand je faisais les pieds et les mains pour rester à la maison avec ma mère parce que soi-disant j'étais malade machin etc. Qu'elle me disait ok et puis qu'elle matait ça. Et c'est là que je me suis dit putain j'aurais mieux fait d'aller à l'école en fait. Oh là l'angoisse totale. Et rester figé pendant 10 minutes et il disait je ne sais pas. Nous allons aller à droite. Non. Inspecteur de... Nous allons aller à gauche. Vous êtes sûr? Et là, le mec est mort deux fois. C'est ça. Non, mais c'est les ça, traces c'est ça. Ont disparu, c'est une horreur. Ouais. Je peux pas. Et toi, il était babard, lui. Il était dans son château, il était babard. Babard. J'ai jamais regardé Babard, c'est même non. Non, si, ouais, il y a des séries comme ça que j'ai jamais vues. Babard, ça en fait partie. Ah, jamais? Non. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, je pensais. Non. Ah, hein? J'aurais bien vu Polo dans Navarro, moi. Salut Navarro, c'est l'inspecteur Navarro. Il était commissaire. Ah oui, commissaire Navarro, exactement. Oui, commissaire. Ça, par contre, j'ai regardé hein, parce qu'il y avait que ça à la télé. Ah ouais, bah oui, c'est clair. En plus, il avait que deux chaînes à l'époque. Hein, donc, j'avais deux chaînes en français, oui, monsieur. Deux. Ouais, dont une qui commençait à émettre à 16h et l'autre à 19h. Donc c'était plutôt pas mal. Ouais. Bon, et toi, Nicolas, tu voudrais être quoi, toi, comme personnage? Avant qu'on fasse le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Salut, Nicolas. Salut, Mika. Comment ça va? Bah, moi, je voudrais être Dewey dans Malcolm. Dewey, j'ai jamais vu ça, je peux pas te dire qui c'est qui, il sert à quoi, il fait quoi? En fait c'est une grande famille. Ouais. Et genre ils font que des conneries. Ouais. Et genre Dewey c'est le plus petit en fait. Ta gueule toi, tu vas être supprimé d'antenne, hop voilà. Mais attends, ta gueule, je viens de te dire que t'étais supprimé d'antenne, voilà ça y est. Je savais que t'allais faire de la merde et te moquer et voilà, hop, ça y est, hop, supprimé d'antenne pendant une minute, c'est fini. Bon ouais je sais, ouais c'est comme ça, c'est dur. Bon et donc toi tu veux Malcolm, c'est ça Nicolas? Ouais, Dewey dans Malcolm. D'accord. Il y en a un autre ou pas? Ouais aussi, je voudrais bien être Tof. Ah, Tof? Bah putain, c'est dingue. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À quel moment tu te dis, tiens, j'ai envie d'être Tof? Oh, j'adore ça. Non, parce qu'il faut quand même pas avoir de goût quand même. Tu adores alors que je viens de le supprimer d'antenne parce qu'il allait se foutre de ta gueule. Scandaleux! Ta gueule. Hein? Je suis bien, Nicolas. Oui, j'adore. Ah, tu l'adores quand même. Bon, bah alors je peux rien pour toi, Nicolas. Qu'est-ce que tu veux? Tu es pourriture, tu resteras pourriture. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux, je te dis? Pourriture, tu es pourriture, mais oui. Tu resteras. Bon, Nicolas, c'est toi, c'est quoi ton nom de film de cul, toi? C'est quoi le nom de ton premier animal de compagnie et ton deuxième prénom mélangé? Nicolas Yuki. Nicolas Yuki. Ouais. Putain. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est pas mal. Ah, ça y est, c'est la sonnette. La sonnette fait revenir, Toff sur le devant de la scène. Ah. Ah. Bon, bah, merci Nicolas d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Hein. Ouais, est-ce que je pourrais avoir un pack fun? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite. Et je te kiffe aussi, Nicolas. Ouais. Salut, ouais, Nicolas. Ciao à toi. Allez. Léo également avec nous, là. Tu veux de quoi comme personnage? Salut, Léo. Salut tout le monde, salut toute l'équipe. Ça va bien? Salut. Ça va et vous? Ouais. Très bien, très bien, très bien. Bon, alors, tu voudrais être quoi comme personnage, toi? Moi, je voudrais être l'acteur Charlie dans la série Mon Oncle Charlie. Mon Oncle Charlie. Oh là là, putain. Hey, j'aurais bien voulu être Arnold, Arnold et Willy. Ouais, c'est pas mal, mais juste pour la musique, alors, non? Non, parce que j'aimais bien Arnold. Ah, t'aimais bien, attends. Oh, moi, j'aurais bien voulu être Samuel Bennett, ou Beckett, je crois, dans Code Quantum. Ah oui, qui... ah ouais, ça, qui c'était bizarre. Aller dans le futur, dans le passé. Alors, il je sais que tout le monde va se moquer. Que dans le passé, je crois qu'il allait pour réparer des erreurs. Il allait que dans le passé, exactement. Et puis, ouais, une fois, il est parti dans le futur. Et ça a foutu le bordel. Exactement. J'ai, alors vous allez vous foutre de ma gueule. Il faudrait que je re-télécharge d'ailleurs toutes les, enfin que je télécharge à la Fnac toutes les séries pour toutes les saisons. Ouais. Pour, non mais c'est normal, c'est le, s'il a raison, il faut aller à la Fnac pour télécharger. Exactement. Oui, je vais mettre là-bas avec mon ordinateur et puis après je vais télécharger. Ouais. Moi j'aurais voulu être Charlie Ingalls. Charlie Ingalls, j'adore. Oh oui, mais c'est pour pouvoir faire l'amour dans les champs. Et il y a un truc qui repasse de temps en temps qui est un peu vieux. Happy Days, Fonzie. Ah oui. Ouais, mais c'est vraiment vieux ça. Happy Days. Ouais. J'aurais bien vu Sandro dans Arabesque. Je regardais pas. Ah, le même brushing, elle aurait été trop bien. C'est pas une vieille Arabesque. Ah ouais, si, c'est une vieille frisée, là. Ah, ouais. Ah, le salaud. Ouais, moi, j'aurais bien voulu aussi être le mari de ma sorcière bien-aimée. Ce qui était bien. Ah oui, Jean-Pierre, il s'appelle. Jean-Pierre, exactement, Jean-Pierre. Il y avait Tabata, la fille. Tabata, exactement. La grand-mère qui s'appelait Enora. Non, Edora, si. Enora, elle s'appelait, je pense. Ouais. La vieille rousse. Exactement, ouais. Et il y avait la cousine qui était super bonne. Grave, la cousine de la sorcière bien-aimée. Samantha, c'est la fille. Samantha, exactement, ouais. Non, elle était mal aussi. J'avoue, je me suis branlé. Ouais, en fait, on connaît, c'est... Bon, parce qu'il y en a qui vont se dire putain, ils doivent être vieux les mecs. Non, non, mais c'est parce qu'en fait, ça passe toujours sur M6. Donc, quand ils ont fini avec ma sorcière bien-aimée, ils remettent la petite maison dans la prairie et ainsi de suite. Je crois que ça fait 30 ans que ça passe même ça. Ouais, ils ont je crois qu'ils sont à la 6ème diffusion en entier de la série. Ah oui, bah, tout le temps, ils remettent le couvert et puis après. C'est ça l'avantage, c'est que même quand t'as 10 ans, tu peux connaître. Je crois que c'est encore en route, parce que là, j'avais lu dans, je sais plus dans quel magazine TV, qu'en fait, c'était la 6ème fois qu'ils reprenaient la série au début. Ah ouais, t'as déjà vu toi ou pas ma sorcière bien-aimée ou la petite maison dans la prairie, Léo? Ouais, j'ai déjà vu. Ouais. Ah, tu vois, et 17 ans pourtant. Hein. Voilà, comme quoi. Hein. Non, mais c'est vrai. On peut croire qu'on a regardé. Moi, je les ai jamais vus en première diff. Hein. Non, bah non. Ah, bah non, mais que ce soit clair, on est tout le monde. Ah, bah ça, c'est clair et net, exactement. Bon, eh ben merci Léo d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Moi, je voulais juste dire ce que ça aurait été mon nom d'acteur porno. Ah, bah vas-y, bien sûr. Excuse-moi, j'ai oublié de te poser la question. Alors, attends, donc c'est normalement ses deuxième prénom et le nom du premier animal de compagnie. Bon, si t'as pas de deuxième prénom, tu donnes ton prénom normal. Ça aurait été Princesse Léo. Oh, t'aurais été bien avec Princesse Léo. Là c'est gay. Ah ouais, là c'est film homosexuel. Alors. Bon, bah très bien, merci Princesse Léo. Salut à toi. Ouais, merci à vous, passez une très bonne soirée, je vous écoute tous les soirs. Ah bah c'est gentil, et passe le message autour de toi aussi, qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h. C'est super, merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, et puis n'oubliez pas aussi, si jamais on vous appelle, vous savez pas qui appelle et qu'on vous demande quelle radio vous écoutez, répondez bien Fun Radio de 23h à 2h la semaine et de 20h à minuit le dimanche. On compte sur vous, évidemment, bien entendu. Bon, on aura Steven dans quelques minutes. On a Sullivan également, là. Salut, Sullivan. Salut, Mickey. Comment ça va? Je ne m'appelle pas Mickey, Sullivan. Parce que si toi, tu l'appelles... Ah. Lui, c'est Mick, toi, t'es un pub. Non, mais il appelle Mick. Non, Mick, ça passe. Mais pas Mickey, par pitié. Je déteste Mickey. Mickey. Bon, Sullivan, t'as passé une bonne journée? Non, pas trop. Non. Oh. Bon. Alors justement, alors avant qu'on se foute un peu de toi, qu'est-ce que c'est quoi ton prénom d'acteur porno avec le nom de ton premier animal de compagnie et ton deuxième prénom? Alors mon premier c'est Taser et mon dernier c'était Bulle. Attends, comment ça ton premier? Non, premier animal de compagnie et deuxième prénom. Le mix. Moi c'était Taser Bulle. C'est bien ce que je dis. Mais non, deuxième prénom ton à deuxième toi. Prénom c'est quoi? Bah Taser, je m'appelle Taes. Non, Bulle. C'est quoi ton deuxième prénom? Ah, moi c'est Mario. Eh ben Mario, donc, et ton premier animal de compagnie c'était Taser? Ouais. Eh ben donc c'est Mario Taser. Ah, ça le fait ça. Ouais, ça fait le porno ça. Ah non, ça le fait pas mal ça. Mario Taser. Ah ouais, le mec qui arrive, il tase. Qui met des décharges. Voilà. Des grosses décharges. La bite électrique. Ouais, c'est pas mal la bite électrique, ouais. Bon, Sullivan, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Bah, en fait, c'est que quand on m'insulte ou qu'on me cherche, bah, j'ai des impulsions. Excusez-moi. Ouais. Ah, tu vois, c'est que bah, dès qu'on m'insulte ou un truc dans le genre, bah, j'ai envie de le fracasser direct, le gars, et c'était pour savoir si je pouvais avoir 2-3 conseils. Attends, on va essayer. Enculé que tu es, hein. Attends, tu vois, suffisamment ça va. Bah, je vais baiser avec ta chienne, moi. Non, mais là, je sais que c'est pour rigoler, mais. Non, il est très sérieux, le corse. Dis-lui que c'est pour rigoler, tu vas voir. Il va te mettre une patate, tu vas voir, si c'est pour rigoler. Bon, on va parler avec toi dans quelques minutes, Sullivan. Appelez-nous si vous aussi, vous avez plutôt tendance à vous énerver relativement rapidement. Bah, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Appelez-nous, on en parle, on continue. Ah oui, j'avais dit avant minuit que je vous donnerais le nom du chat. Eh ben, je vais le dire. Alors, elle s'appelle. Donc, je l'ai surnommé Easy maintenant parce que c'est plus court. Mais sinon, le vrai nom de mon nouveau chat, hein, que vous pouvez voir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, c'est Isaline de Mona Lisa. On est bon ou pas là? On est bien là. Hein, est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on est pas bon? Est-ce que j'ai bien fait de changer le nom? Oui. Ah oui, oui. Ouais, parce que je vois déjà Polo quand il va à la maison. Isaline de Mona Lisa, venez que je vous caresse. Venez poser votre séance, s'il vous plaît. Isaline de Mona Lisa. Isaline de Mona Lisa, quand même violent quand même. Waouh. Bon, allez, on va dans quelques minutes parler des teubés de la télé comme tous les soirs sur Fun Radio. Et puis il y a Elodie qui dit, moi c'est Poupette Emmanuel. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Et Sarah sur le Facebook, ça donne Gribouille Marcel, super porno. Ah oui, je confirme. Ouais. Allez, restez sur Fun Radio. Il y a le Chéri, je peux te faire cocu avec Vanessa dans quelques minutes. Et puis Martin Garrix, au cœur de la nuit sans pub, c'est Proxy sur Fun. Le son découvert dans Party Fun sur Fun Radio tous les week-ends, notamment le samedi bien sûr. Eh oui, avec Quentin Moziman, c'était Martin Garrix. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit. Mickaël sur Fun Radio. Et en direct bien entendu, avec plein de messages qui arrivent, il y a Drakit qui dit Isaline de Mona Lisa, venez ici ma chère chatte, j'imagine bien le délire. Oui, c'est le vrai nom du chat que j'ai récupéré ce week-end, ce qui m'en fait deux, mais pas plus, hein. Après j'arrête là. Hein. Donc voilà, c'est Isaline de Mona Lisa, d'où le diminutif Easy. Ah, hein, quand même vachement plus sympa et plus fun, non? Enfin, c'est plus court, quoi, c'est plus facile à appeler. Cool, ouais. Voilà, il y a Maria aussi, trois arbres le prénom de ton chat. Oui, je te le fais pas dire. Il y a Béli. Attends, c'est quoi? C'est Bélon de quoi mes cheveux? Ben, ils ont quoi mes cheveux? Ah, ben, ils ont quoi mes cheveux? Et il y a Jean Mimosa. On se demande vos prénoms d'acteurs, enfin vos noms d'acteurs porno. Il faut prendre le prénom du premier animal de compagnie et votre deuxième prénom. Il faut faire le mix des deux. Jean Mimosa, c'est pas mal quand même. C'est gay. Marina qui dit ça donnerait Balou Pauline. Sophie qui dit Yvette Micha Lecter pour le pseudo porno. Oh, ça fait un peu Hannibal Lecter tout ça. Ah, je confirme effectivement. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Tu peux traiter Marius et Sacha Dodou. Ils aiment pas mordre rire pour les faire chier. Et ben voilà, c'est fait au moins. Célia qui dit alors moi c'est trop fort, ça donne Titus Marius Elsus. Ah ouais, pas mal, il y a même le slogan et tout. Sarah qui dit moi ça donne Gribouille Marcel. Sarah, tu t'appelles Marcel E, enfin avec deux L quoi. Oh là là. Wow. Bah toutes mes condoléances Sarah. Ouais, ah, parce que Marcel c'est dur hein. Chloé qui dit la bande à Mickaël c'est les meilleurs. Merci Chloé et Romain aussi. Salut Mika, moi je voudrais être Olivier Queen dans Arrow et Al Capone sur le Twitter. Moi j'aimerais être futé dans l'agence Tourisque. Bon, dites-nous encore, alors on attend vos prénoms, enfin vos noms d'acteurs porno. Il faut faire un mélange entre le prénom, votre deuxième prénom et le nom de votre premier animal de compagnie. Et on attend également votre série. Quel personnage de série télé est-ce que vous auriez voulu incarner? Vous nous dites. Et alors c'est Andorra la vieille dans La Sorcière Bien-Aimée, Polo. Ah merde, j'ai confondu. Exactement, mais c'est pas grave, hein, t'as confondu. Y a pas de souci. Bon, allez, on va prendre Sullivan dans quelques minutes, là, qui s'énerve un petit peu trop vite. On aura le chéri, je peux te faire cocu, mais avant toute chose, car il est l'heure, et oui, c'est l'heure maintenant de nos amis Teubé de la télé. Ah. Et oui, Teubé de la télé, hein, dans Tout le monde veut prendre sa place, c'est Nagui qui tombe sur un prof honnête. Non, mais expliquez-moi pourquoi le sodium donne. Le sodium, pourquoi ça fait. Bah, je sais pas. Faut demander à quelqu'un de plus calé que moi. Mais vous êtes professeur de chimie? Ouais, mais je suis pas un très très bon prof de chimie. Moi, j'ai pas dit que j'étais bon, moi. Oui. J'ai dit que j'étais prof, c'est ça. La preuve. Non mais attends, non, il est honnête, c'est bien. Oui, voilà, on peut avoir un métier sans pour autant être bon et avoir la place quand même, malgré tout. Par contre, je veux pas être à sa place quand il va retourner en cours. Ah non, c'est clair. Et le métier de journaliste qui n'est pas toujours facile, hein, surtout quand c'est une dealer. Toi, si on te bouscule dans la rue, tu dis pardon. Moi, bouscule-moi dans la rue, tu vois ce que je vais te faire. Qu'est-ce que vous allez faire sans moi? Ah, je peux te mettre un coup de marteau dans ta bouche. Je peux démarrer ma voiture, je te mets un coup de pare-choc. Je peux te balafrer, je peux te crever un œil, je sais pas. Si je suis pas de bonne humeur, tout est possible. Allez. Et vous allez faire quoi après? Bon, t'as pas compris, là, tu comprends rien. Ouais, t'as ta caméra, là, tu me casses les couilles, là. Éteins ça. Éteins-moi ça, ou je te... Éteins là, ou je te la pète, ta caméra, un peu je l'éteins. Qu'est-ce qui t'a? Il est sympathique le monsieur, hein. Très gentil. Très si bonne interview. Avoir son numéro pour lui poser 2-3 questions. Ah ouais. Et puis vous pensez qu'Harry Potter c'est une histoire de sorcier pour enfants? Eh bien vous vous êtes très très fortement trompé. Quand on regarde les films de la saga Harry Potter, une chose saute aux yeux: les allusions obscènes. S'il vous fallait encore une preuve, il suffit de remplacer le mot baguette par le mot sexe dans les livres de la saga pour dévoiler tous les messages sexuels cachés. Rangez vos livres et sortez vos sexes, dit Dumbledore. Ton sexe, Lucius, je veux ton sexe. J'ai ciré mon sexe la nuit dernière, dit Cédric avec un sourire. Ron contempla son sexe, il était plein de traces de doigts. Harry prit son sexe et sentit aussitôt une étrange chaleur. Il l'abaissa en le faisant siffler dans l'air. Une gerbe d'étincelle jaillit alors de son sexe. Ouais, vous étiez loin du compte, hein. Même très très loin du compte, je le confirme. Bon, allez, restez sur Fun Radio. Avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. Il y a la colle de Kelly. Celui qui en fait n'en garde pas. Celui qui en prend ne sait pas. Celui qui sait n'en veut pas. C'est bien résumé, Kelly? Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas résumé en fait, hein. c'est simplement la vraie question. Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Johan sur le Facebook qui dit salut pour l'énigme, c'est la marijuana. Ah oui. C'est ça ou pas? Kelly. Elle dort je crois. Kelly. Non, c'est pas ça. D'accord. Sabrina, je dirais un secret. Okay. Un cercueil. Non. De la drogue. Non. On proposait du sperme. Okay. Non plus. Bon bah voilà, si vous avez la bonne réponse, hein, vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Celui qui en fait n'en garde pas, celui qui en prend ne sait pas, celui qui sait n'en veut pas, qui suis-je? Il y a un netbook à gagner. Avant minuit 30, on tire quelqu'un au sort. S'il passe à l'antenne et qu'il donne la bonne réponse, il gagne et tu perdras, Kelly. Si jamais c'est le cas inverse, c'est toi qui gagne. D'accord, Kelly? Ok. Bon, allez, bouge pas de là, Kelly. Dans un instant, je vous cale le son de DJ Cassidy avec Calling All Earth to Dance Floor. Voilà, ça va arriver dans quelques minutes, donc restez bien sur Fun Radio, évidemment. Et puis, le chéri, je peux te faire cocu. Eh ben, on va faire ça maintenant avec notre amie Vanessa qui est avec nous maintenant. Salut Vanessa. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux alors. Bon, Vanessa, t'appelles du Mans, toi, la Sarthe, ce soir. Oui, c'est ça, les bonnes rillettes du Mans. Eh oui, bah, les bonnes rillettes. Bah, t'en fais bien les rillettes, hein. J'adore ça, les tartiner comme ça sur le cul des meufs et puis les manger. Mais oui, c'est ça. Bon, et donc, tu nous appelais pour faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Eh bien, sache que tu as plus que bien fait, puisque nous allons le faire avec grand plaisir. Il y a un smartphone à gagner avec Android à l'intérieur, hein, qui vaut quand même 149€, c'est l'Arcos 45 Platinum. Et pour ce faire, on va donc piéger ton mec. Le principe du jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui viennent de d'écouter l'émission pour la première fois par exemple, eh bien c'est très simple. On va appeler donc avec Vanessa ton mec, comment il s'appelle d'ailleurs ? Fabrice. Il s'appelle Fabrice, donc on va appeler Fabrice. Tu vas lui faire croire que on s'est rencontrés récemment, je sais pas où encore, et que ben en gros je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir, et en gros tu m'as dit ok, mais il faut quand même que je demande à mon mec. C'est ton mec ou ton mari? Non, mon mec. Ton mec. On est pas mariés. Et donc ça fait combien de temps que vous êtes avec que vous êtes ensemble? 10 ans. Ah ouais. Et vous habitez ensemble? Oui. D'accord. Il est où là actuellement? Chez des copains, comme à chaque fois. Il est tout le temps parti, donc. Ah ouais. C'est un avantage. Ah bah, oui. Bah je sais pas si c'est vraiment un avantage. Ouais, je sais pas. Ah si, des fois ça fait du bien. Ah oui, bah après 10 ans tu m'étonnes. Bon, très bien. Et où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer du coup? En discothèque. En discothèque, d'accord, ok. Quand ça? C'était le jour de la Saint-Valentin. Ah classe. J'étais en boîte. Donc voilà. Eh ben écoute, très bien. Ok, bah alors on s'est rencontrés à ce moment-là. Et puis là du coup, donc là comme il est chez ses potes, du coup toi t'en as profité pour passer chez moi. On est, t'es dans le Mans exactement, pile poil au centre ou pas? Ouais, je suis dans le Mans. Ouais. D'accord, bah moi aussi, du coup, je t'ai appelé, t'es venu, on boit un petit verre, on est chez moi à la maison. Bon, allez, c'est parti. Il est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas? Non, ça dépend des moments en fait. Bon, bah écoute, on va espérer que ce soit un moment avec, hein, on va dire ça comme ça. Ouais, on verra bien. Eh bah, je confirme. Allez, bah c'est parti, on y va, on l'appelle. Alors moi, je suis derrière, n'oublie pas qu'on est chez moi à la maison, bien entendu, et que, bah, que le but, c'est que c'est qu'il s'énerve, hein, tout simplement. D'accord? D'accord, ok. Allez, c'est parti, bonne chance Vanessa, je suis pas loin derrière, t'inquiète pas. Je te parlerai certainement mal de temps en temps, t'inquiète pas, hein, c'est normal. D'accord. Allez, on y va, c'est parti. Ah, si son mec s'énerve pas facilement, on n'est pas gagné. Ouais. Mais on verra. Allô? Ouais. B? Ah. Ouais, faut que je t'appelle là parce que j'ai un truc à te demander. En fait, j'ai rencontré quelqu'un en boîte qui m'a plu. Et bah en fait là je suis chez lui. Et il m'a proposé bah, de coucher avec lui. Et donc je t'appelle pour demander si je pouvais te faire cocu, quoi. Ouais, et ta mère, toi? Bah non, bah je sais pas, je te demande, j'ai rencontré en boîte. Mais donc. C'est ta mère, moi. Bah, je sais pas, mais je crois qu'on est dans un jour avec. Toi, tu vas pas demander l'autorisation. Est-ce que tu vas pas voir ailleurs? Ça, regarde, on est en boîte. Il est d'accord on ou pas? On est en boîte, même pas t'étais avec moi. Alors, t'as vu, j'en ai profité, j'ai rencontré quelqu'un, et puis voilà, là, attends, je suis chez lui. Est-ce qu'il est d'accord? T'es d'accord ou pas? Qui parle, Vanessa, est-ce qu'il est d'accord? Bah, je t'ai dit, ouais, le gars que j'ai rencontré en boîte. Ah, bah, c'est cool, hein, s'il est d'accord, c'est cool. Attends, passe-le-moi. Allô? De pute. Allô? Ouais, allô, ta mère. Ah, bah non, elle est pas là, là. Hein, ouais, bah, je suis en train de la baiser, fils de pute. Ah non, ça m'étonnerait, là, parce qu'elle est pas, elle est pas là, enfin, elle habite pas au Mans, quoi, je veux dire. Bon, moi, je m'appelle Michel, bah, enchanté, hein. Ouais, Michou, je t'emmerde, moi. Bah, dis donc, y'a pas de respect. Quoi? Bah, on se connaît même pas. Bah, je veux bien, bah, viens. Bah viens quoi, j'ai autre chose à faire, t'imagines bien que je suis avec ta meuf. Bah viens, on va se connaître, viens. Ah non mais attends, mais moi je veux dire, moi c'est juste pour un soir, hein, t'inquiète pas, hein, moi je compte pas faire ma vie avec. Bah dis donc, y'a pas de respect, dis donc, mais quelle vulgarité, c'est incroyable. En plus elle m'a dit écoute, je vais l'appeler, il va être d'accord et tout, et là t'es en train de m'insulter. Fils de pute. Mais dis donc, reste calme, un poli personnage. Tu sais pas qui je suis, mais tu vas prendre cher, je te le dis direct. Moi je vais arriver, je vais te mettre deux claques, tu vas voir, je vais te remontrer comment ça marche la vie, moi. Bah ouais, mais t'as quel âge toi? Moi j'ai l'âge à ta grand-mère. Ah mais c'est ça, bah non c'est la grand-mère et puis quoi d'autre? Hein, ouais, tu vas rester calme maintenant même. Ouais c'est ça, tu fais quoi dans la vie? Je t'ai chionné moi. Ouais bouffon, ouais. Oh quel bouffon alors. Oh ah, qu'il est con. Bouffon, oh qu'il est con. Eh hey, hey, Vanessa. Oh qu'il est con. Eh hey, Vanessa. Eh hey, il est oui, con. Oh mère, là là. Pute. Oh qu'est-ce qu'il est con là. Oh qu'il est con. Eh mais viens au téléphone, Vanessa. Eh Vanessa, ah qu'il est con, ah il est vraiment con, hein. Oh là là. Ah bah oui mais ça dépend des jours, là il est pas content quoi. Ah mais il est pas content de quoi là, parce que qu'est-ce qui s'est passé, il a raté le bus. Ah il est pas content qu'il y ait un autre qui prenne sa place. Bah ça n'a rien à voir, c'est que pour un soir. Moi j'y peux rien s'il est mauvais au lit. Eh dis-lui qu'il est mauvais au lit. Eh dis-lui qu'il est mauvais au lit. Eh c'est une petite bite. Eh dis-lui que j'ai une plus grosse bite que lui. Eh dis-lui que j'ai une plus grosse bite que lui. Je suis nul. Eh. Si je te fais, ferme ta gueule. Dis-lui que j'ai plus grosse bite que lui. Eh vas-y Fabrice, donne-moi l'autorisation là. L'autorisation de te faire coquer. Vas-y, c'est juste pour un soir. C'est juste pour un soir, ça passe pour la tête. Ferme ta gueule, je t'ai dit. Vas-y, d'où que tu me dis ferme ta gueule toi. Non mais attends, Vanessa, va me chercher à boire. Va me chercher un petit verre, Vanessa là, va me chercher un petit verre. Ouais, j'y vais, je vais chercher un verre. C'est facile d'aboyer dedans. J'aboie pas, pour, qu'est-ce qu'il est bête alors lui. Je t'ai déjà dit que t'es. Tu sais pourquoi il est venu chez moi, hein, c'est parce que j'ai une plus grosse bite que toi, c'est tout. Je viens de voir, moi je vais te déglinguer ta mère. Arrête, je te souffle dessus, tu tombes. aïe, ce rire de con, oh là là. D'accord, il est beau le copain. Putain, et ton rire ressemble à ton physique, à rien. D'accord, va manger du riz, bâtard. Va manger du riz, bâtard. Ouais. Mais toi, t'es d'où toi déjà là? Moi je suis du Mans, mais c'est quoi là? Tu peux m'expliquer un peu le... Chez moi, copain. Mais vu que je fous chez toi, j'en ai rien à foutre de chez toi, moi. Je veux te monter en l'air, fils de pute. C'est ça, donc t'es, en fait t'as des tendances homosexuelles. Et c'est pas grave, hein. Ouais. Non, je veux dire, y'a aucun problème. Bah, viens me voir, bâtard. Mais ça, non, mais je ne suis pas gay. Ça ne sert à rien. Tête de mort, primarqueté, toi. Non, mais ça ne sert à rien, ça ne m'intéresse pas. T'es en train de passer pour un débile. Je veux te manger tout cru, bâtard. Va niquer ta mère, hein. Ouais, d'accord, toi aussi je te baisse, bâtard. Ouais d'accord, il est beau le machin là. Je vais te mettre un saucisson dans le cul, ça va te faire un gros là toi. Je vais te mettre dans ta bouche, fils de pute. Tu vas voir, je vais mettre de la Nutella sur ma doute et je vais te la mettre bien profond dans ta bouche. T'es qui Carloucha là? Culéa. Tu fais pauvre goûne. Culéa. Ben viens, mais je t'attends moi. Ça que tu aimes, hein, te faire sodomiser toi, hein. Va prendre le coulo, fils de pute, toi. Ah là là, tripané, t'es mort. Espèce de connard. Vous êtes combien là? Vous êtes combien? Bah parce que je suis venu avec des potes. Ah ouais, moi je suis venu avec des potes, on va tous vous enculer, on va vous tourner. T'es vraiment mongol, je te jure. Non mais arrête un peu, arrête de l'insulter comme ça va aller de pire en pire là, ça se fait pas là, ça se fait pas. Vas-y, dis-moi où c'est que t'arrives, tu viens, je te défonce la gueule. Quoi? Non mais rien, mais c'est un mec, c'est mon pote, il s'énerve. Ta gueule toi derrière là. Non mais il s'énerve, mais je le laisse qu'avec, ouais, vas-y Rémi. Non Rémi, arrête. Ah non mais reprends pas le téléphone Rémi là. Vas-y, dis-moi où t'as dit, donne-moi ce petit bâtard. Tu viens, je te défonce la gueule. J'en mange 10 des bonhommes comme toi, bâtard. Non mais il pense pas ce qu'il dit. Je veux que tu te défonces le déjeuner, le soir, le midi, tu te baisses toi, bâtard. Non mais il pense pas ce qu'il dit. Français de merde avec ton accent pourri là. Rendez-vous garçon. Non mais il pense pas ce qu'il dit là, il pense mais pas ce qu'il dit. Quoi, coup de pute. On se dit on se donne rendez-vous fils de pute. Mais j'ai autre chose à faire, moi je suis avec ta meuf là. Eh fils de pute, toi je vais te baiser petite pute. Je peux te demander un truc? Ta gueule, moi tu me demandes rien, moi je te connais pas moi. Je voulais juste parce que là elle est partie chercher à boire là, mais comment le courant a l'air de bien passer entre nous. Je voulais savoir, est-ce que sexuellement il y a des trucs qu'elle aime bien ou pas? Parce que je voudrais pas faire n'importe quoi. Tu es bâtard fils de pute, moi je t'ai mort. Hey, écoute-moi petit gars. Je mange mes morts. C'est-à-dire. Dis-moi t'es où? Bah je suis chez moi. Je suis chez toi, mais t'habites où toi? Ah pardon. Alors t'as de quoi noter parce que la rue est un peu compliquée. Alors je t'appelle R. Ouais. U. Fils de pute. Fils de pute. E. Là je t'appelle fils de pute aussi non? Ah si tu veux. Dis-moi où t'habites bâtard. Bah R. U. E. Ouais ta grand-mère mais tu sais pas dire un mot entier, t'es obligé d'appeler. Mais j'ai peur quand tu n'arrives pas à l'écrire. Ouais, je veux m'écrire sur ta gueule, je veux te mettre mon poing dans tes dents. Mon poing dans tes dents. Je la note parce que je vais la replacer plus tard. Ouais, d'accord, note-la bien, mais... Voilà. Hey, ta gueule, je m'en fous, moi, je t'ai dit, je veux ton adresse. Mais je suis en train de te la donner. Mais alors... je m'en fous, je t'ai dit, j'ai rien pour noter, tête de bite, va. Bon, alors, M. Viens, moi, j'habite, moi, je te donne mon adresse. L. Bébé. Oh. CZTR. Pute, là-haut. Voilà, arrête numéro 14. J'ai déménagé récemment. Parler, petite salope. Voilà, numéro 14. Tu es d'une vulgarité, c'est quand même assez exceptionnel. Ah là là, mais arrête de jacter là. Tu es d'une vulgarité, femme, c'est exceptionnel. Eh, t'es pire qu'une femme, toi. Ah bah complètement. Ah ouais. Bah mais grave. T'es alors, si mais... t'es pire qu'une femme. Bah d'accord. Espèce de mais connard. Moi, je te donne mon adresse, moi, bâtard. Trop pédé, cochon. Mais ferme ta gueule, toi, avec ton accent à deux balles. Oh, dis donc, il est corse, c'est un peu de corse, il va te mettre une bombe. Je vais te mettre un concombre, une courgette, c'est ça que tu veux, non? Je baise les corses, moi. Ah bah nouvelle amie tiens. Bon Vanessa, dis donc, hey ta gueule. Bon excuse-toi et je t'annonce une bonne nouvelle. Hey. Non je m'excuse pas. Si. Mais non. Dis je m'excuse pour toutes les grossièretés que je t'ai dites et après je t'annonce une bonne nouvelle. Vas-y je t'ai dit je m'excuse pas. Mais non mais après je t'annonce une bonne nouvelle. Attends je rentre chez moi tu vas voir. Mais non. Fabinou. Quoi ferme ta gueule. Eh, excuse-toi et je t'annonce une bonne nouvelle. Non, mais t'es bouché en plus. Mais excuse-toi, je te dis, je t'annonce une bonne nouvelle. Excuse-toi ou je te mets un coup de bâton. D'accord, mais c'est moi, je vais te mettre un coup de schlasse aussi, moi. Oh là là. Bon, Vanessa, j'ai tout essayé, hein, c'est difficile. Ouais, c'est très difficile. Hein, c'est très... Heureusement que tu m'as dit... Heureusement que tu m'as dit non, il est pas du style à s'énerver. Parce que je ne suis jamais vraiment engueulé avec... C'est vrai, bah et donc il y a une première atout là. Bon, je veux te manger tout cru, bâtard. Mais non, tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire. Tu sais pourquoi tu vas pas le faire? Je veux pas le faire. Mais non. Mais non. Mais non, tu vas pas bouffer ma race. Et tu sais pourquoi tu vas pas le faire? Mais écoute, Fabrice, ça. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas pas le faire? Vas-y, parle aussi là. Tu mets 10 plombes à parler, toi. Non mais tu sais pourquoi tu vas pas le faire? Au lit alors. Non mais dis-moi non. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas pas le faire? Non, je sais pas. Ah bah parce que t'es sur Fan Radio. Oh, c'était le chéri, je peux te faire cocu, Fabrice, du calme, tout va bien. C'est quoi ton collègue là, le Corse là, il a un accent de merde. Mais non, mais y a pas de collègue, c'est des sons enregistrés. C'est ça que tu as, même. Regarde. Tu es trop bonisé, toi, hein. Moi, je suis désolé, franchement. Oh, ça va. T'inquiète pas. Bon, on va quand même vous filer le téléphone portable, smartphone, l'Arcos avec Android à l'intérieur. Et puis, pour Fabrice ou pour toi, Vanessa. T'es où là, Fabrice? T'es chez les potes? Ça va être pour Fabrice, pour son anniversaire. J'ai laissé mon cousin, mais j'ai fait demi-tour, du coup. Bon, bah, tu peux refaire demi-tour dans l'autre sens, du coup. Tu peux aller chez ton cousin, alors, du coup, y a pas de problème. Maintenant, parce que c'est à côté de chez moi. Ah, bon, bah, très bien, bah, parfait. Tu vas lui mettre une cartouche, là. Bah, oui, bah, tant qu'à faire, oui, effectivement. Bon, bah, Fabrice et Vanessa. Gros bisous à vous deux en tout cas, vous restez au standard, on prend vos coordonnées pour envoyer le téléphone, d'accord? Merci, t'écoutes. Bon. Salut à vous, à bientôt, bonne soirée. Salut, salut. Ouais, et si vous voulez faire un petit chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas, hein, vous pouvez appeler maintenant Sandro, standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a des messages sans réveil, Xavier qui dit je vais te manger tout cru, c'était tout bon, excellent. Déborah qui adore également, Guillaume pas mal, top, mamie pique, magistral, carrément. Andreas également, il me fait rire le mec là, que des fils de pute. Oui, j'ai peur qu'il ne sache dire que ça. Abdou qui dit un très bon chéri, je peux te faire cocu, bravo, ça rentre dans le top 10 direct. Mystique également, rue Mel CGZTR, pété de rire. Ouais, bah écoute, ça l'a pas fait marrer lui par contre, je sais pas pourquoi. Chloé qui dit pour quelqu'un qui s'énerve pas facilement, il s'énerve pas mal. Hein. Ouais, j'ai bien aimé la meuf qui. Ouais. Il s'énerve facilement. Non, non. Non, ah, non, c'est, il est un peu. Putain, bah, faut pas demander. Hein. Drakid qui dit très très bon, chéri, je peux te faire cocu. Adeline aussi, très bon comédien Mickaël, mais le gars est super chaud. Ce soir, c'est du pur fou rire. Et Fred S34 qui dit finalement, il est trop bon le chéri, je peux te faire cocu. Et c'était pas parti du bon pied à la base non plus hein, quand elle nous a dit qu'il était pas super chaud là. Bande de fous pour Jean-Noël et Fabrice qui dit j'adore le chéri, je peux te faire cocu. Ils ne font que hurler de rire, les mecs, ils s'énervent. Ah, ils font que hurler de rire. Ah oui, ça c'est vrai, effectivement. Bon, retour avec Sullivan dans quelques minutes. Je vous avais demandé aussi quel personnage de série vous voudriez bien être. Et puis également, quel nom d'acteur porno est-ce que vous avez? Il faut mélanger votre deuxième prénom avec le nom de votre premier animal de compagnie. Je vous ai mis le post sur Facebook, les deux posts d'ailleurs sur Facebook, facebook.com/mikl officiel. On en parle dans quelques minutes sur Fun Radio, juste après le son de Calling All Earth. Et ben c'est DJ Cassidy. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et voilà le son DJ Cassidy, c'était Calling All Earth sur Fun Radio. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h. No Limit. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Et puis restez bien là, puisqu'il y aura Britney Spears à suivre. Avec Till It's Gone. Et puis il y aura aussi Fall One avec Changes. Et puis si vous avez envie d'écouter un son, bah, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Salut Charlie, 18 ans, comment ça va? Salut l'équipe. Ça va bien? Ah, ça va. T'as envie d'écouter un son particulier ce soir ou pas toi Charlie? Non, ça va. Pas spécialement. Rebelle, tu connais Black Pearl? Tu l'as déjà entendu celui-là? Ouais, ouais. Très bien, bon on va le mettre tout à l'heure. Et toi, t'as envie d'écouter un son Josiane, comment on dit? Josian, d'accord, oui. Ok, très bien, d'Alençon. Salut Josian, alors ouais, tu veux écouter un son particulier toi ce soir ou pas? Ouais, Black Pearl. Ça tombe très bien, ouais, on va le mettre. Eh ben on va le mettre avec Black Pearl, hein, pas de problème. Oui. Rebelle avec Sydney House, sans aucun souci, ça va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Tiens, il y a d'autres messages qui sont arrivés avec le chéri, je peux te faire cocu là. Très bon le chéri, je peux te faire cocu pour Céline. Il y a Sarah aussi, va manger du riz bâtard, je me suis étouffé en mangeant. Non mais c'est surtout l'expression là. Vous aviez déjà entendu cette expression, va manger du riz bâtard? Non. Je comprends pas. Où est l'insulte? C'est bizarre quand même. Va manger du riz. Bah, ouais. Va manger des pâtes. Ouais. Va manger des frites. Bâtard. Ouais, ouais. Et Maria qui dit lol, impoli personnage, tu m'as tué Mickaël. Non mais c'est vrai, pour le coup il était quand même violent. Hein. Michou pété de rire, il y a Jeanne Françoise qui le met, qu'on dirait qu'il répond à Toff et pas à sa copine. Ah la copine a pris sur aussi. Hein. Ouais. Ouais, sale pute, elle va te faire salope, sale pute. Oh là là là là. Et Fred S34, allô ta mère pliée, il baise la mère de Michel, mais quelle vulgarité, c'était d'une violence sans nom, effectivement. On remettra le couvert avec un autre chéri, je peux te faire cocu. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans quelques minutes. Tu auras la réponse à la colle de Kelly dans quelques secondes également. Et puis, retour avec Sullivan. Hein. Toujours là, Sullivan? Ouais. Très bien. Bon, ouais, Sullivan, tu nous avais appelé parce qu'il s'énerve un petit peu rapidement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Et ben on a justement quelqu'un avec nous au standard. C'est Polo qui est avec nous. Salut oui, Polo. Bonjour. Voilà. Donc tu nous appelles parce que toi aussi t'as tendance à t'énerver un peu rapidement. C'est vrai, mais c'est une maladie. Que j'ai. Ouais. Non, je m'énerve pour des bonnes raisons. Non, mais non, c'est parce que tu t'énerves mais... pas. On était en train de faire un sketch, mais c'est pas vrai. Du tout Polo. Non, Polo est un homme mesuré qui réfléchit avant de s'énerver. Voilà, hein, Sandro, Polo n'est pas du style à s'énerver. Ah non, bah non, pas du tout. Polo est très très calme. C'est un peu un. Un bouddhiste pour moi. C'est oui, ça. Voilà, c'est ça. Je un médite. Peu un moine. Oui, c'est ça. Un moine bouddhiste. C'est la sagesse même. Exactement. Je mets de l'encens. Voilà, il est là. Zen, c'est ce qu'on appelle la zen attitude, Polo. Ouais, mais c'est vrai, on peut le surnommer comme ça. Oui, bah oui, ça lui va bien, tellement bien. Exactement. Non, Polo, c'est bien parce que n'importe quoi, il va gueuler. Ouais. Non, il est parisien, un quoi. Un stylo posé de travers. C'est ça. Tu peux prendre cher pendant une semaine. Non. Même Toff qui s'est fait engueuler parce qu'un jour, il avait oublié une fourchette dans le bureau. Ah, mais oui. Alors, Polo lui a souhaité la mort. J'ai été démonté. T'es une merde. Dans les chiottes, démonté dans les chiottes. À coup de fion. Il faut remettre l'histoire dans son contexte. Il a pris un couteau à la cuisine. Il a emmené le couteau, je sais pas s'il a découpé avec. Il l'a laissé traîner pendant un mois. Il était sale, il traînait. C'est sale. Enfin, deux heures après, t'étais déjà en train de le scandaliser. Après, il l'a laissé pendant un mois. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais oui, mais c'est sale. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour vous donner une idée de à quel point Polo ne s'énerve jamais. Vous êtes loin d'imaginer. Hein. Ah ouais, vous êtes encore très loin d'imaginer. Même dans le pire chose, de l'imagination, là, vous imaginez pas, là, je pense. Mais bon. Et toi, Sullivan, là, donne-nous un exemple de trucs qui t'énervent, sur lesquels tu t'es énervé. Je sais pas, moi, dis-moi. Bah, par exemple, j'ai ma sœur de 19 ans qui est décédée il y a 4 mois. Ouais. À cause de quoi ? Un accident, maladie, c'est quoi ? Elle avait un cancer du cerveau. Ah ouais, d'accord, ouais. Et du coup, j'ai un pote que je considère comme un frère. Ouais. Et je fais, hey gros, ton t-shirt, il est retourné. Je fais, non, c'est ta sœur que j'ai retourné, je l'ai fracassé direct dans le chef devant tout le monde. Ouais, mais c'est un trou du cul, c'est juste ça. Et puis après, bah tu sais, après t'as les expressions, tu vois. C'est comme quand quelqu'un, tu sais, t'as quelqu'un qui te dit sa mère. J'ai du ribatard, quoi. Mais non. T'as quelqu'un qui, tu sais, genre il perd sa mère ou n'importe quoi. Tu dis, hey, va chez ta mère. Bah, tu le fais pas exprès, tu vois. Tu le fais pas pour faire chier. C'est juste que t'es des expressions comme ça que tu sors et tu réfléchis après. Non, mais après il a été con. Hein, je dis pas le contraire. Mais il savait très bien que ma sœur était décédée. Non, mais bien sûr. Voilà. Après, mais je le défends pas. Je dis juste que parfois tu dis des trucs à la con. Après, c'est rare que tu dises des trucs sur les sœurs. Mais là, c'est pas un énervement. C'est pas un énervement gratuit, c'est normal que tu te sois énervé. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça où tu te dis, ouais, j'aurais peut-être pas dû m'énerver parce qu'en fait ça avait pas trop d'intérêt. J'en sais rien, moi, t'es dans la file du Quick, y a un mec qui passe devant, tu vas commencer à le scandaliser et t'énerver ou pas? Ah non, je fais hop, tu fais quoi toi? Tu dégages direct. Oui, je suis comme ça. Ouais. Ouais, donc tu t'énerves pas mais tu fais comprendre que t'es un peu énervé quand même. Et puis un jour... Ou soit je le retourne et je lui mets une droite directe. Ouais. Un jour tu vas tomber sur un mec qui va te démonter la gueule et tu vas te remettre un peu d'équerre parce qu'il faut faire attention. Il y a des gens dangereux dans la rue, tu sais, mon petit. Ouais, mais le truc c'est que j'ai fait 4 ans de kickboxing. Oui, donc, et puis il y a des gens qui ont fait 20 ans de boxe taille. Tu peux toujours tomber sur un mec qui est plus fort que toi ou qui a. Parce qu'après on va dramatiser le truc. Imagine, tu tombes sur un psycho et le mec il est armé. Il est aussi psycho, tu vas lui faire une remarque, le mec il va tirer. Bon, t'es bien avancé, tiens. Bah, je suis dans la merde, j'avoue. Hein, tu peux être là ce que tu veux, taekwondo, tout le bordel là, t'iras pas plus vite une balle. Non mais voilà, on est un peu. Non mais on a un peu flingué l'ambiance là. Mais je veux dire, ça arrive. Tu sais, c'est comme les mecs parfois qui s'énervent au volant. Et qui sont là, je peux t'enculer. Et tu sais, genre, ils s'arrêtent et ils vont chercher des Moïse. Imagine le mec, il a un flingue, tu sais pas. Ouais, ça arrive souvent, tu les, ça. Tu les vois, surtout aux États-Unis où tu sais, t'as des états où le port du flingue est obligatoire. Légal, au Texas. Et les mecs, ils sortent un flingue pour un oui ou pour un non, ils te tirent dans la gueule, quoi. Ben oui. Je l'écrase, moi. Ouais, mais tu l'écrases de rien. Le mec, il te sort un flingue. Mais c'est vrai. On dit pas ça pour t'emmerder. Dites-nous si vous avez tendance aussi à vous énerver rapidement ou pas. Appelez-nous maintenant. On va reparler avec Sullivan dans quelques instants. T'as pas peur de la mort? Je vois pas de quoi t'aurais peur, en fait. Mais oui, mais t'as pas peur de la mort parce que tu l'as pas encore là maintenant. Mais tu l'as pas peur de la mort. Prêt. Tu n'as pas peur de la mort. Mais est-ce que t'as pas peur de perdre un bras ou de te retrouver avec une seule jambe? Ouais, parce que ça aussi, avoir un handicap, tu dis ça à Sullivan aujourd'hui. Ou avec un pouce en mousse. Ou avec un pouce en mousse, ouais, c'est ça. Bon, Sullivan, reste avec nous, appelez-nous les autres, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Avant de donner la réponse à la colle, eh bien nous allons faire les appels, évidemment. Ah. Et oui, parce que je rappelle qu'au Danemark, nous nous sommes rendus compte que vous pouviez faire l'amour avec votre animal de compagnie pourvu qu'il soit d'accord et que vous ne lui fassiez pas mal. Oui, c'est bon. Après, comment lui demander? Ça, c'est un autre problème. Du coup, on s'est dit qu'on allait appeler, puisque heureusement chez nous, ce n'est pas le cas. Ah. Non, heureusement, c'est même 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison. Ouais. Maximum. A priori, ça n'a jamais été donné. Ah ouais? Ouais. Non, parce que ils ont prouvé que le chien était d'accord. Non, parce qu'il était, ouais, c'est ça. En fait, ils ont tous les gens qui ont déjà fait ça ont eu du sursis et n'ont plus le droit d'avoir d'animaux. Ah, d'accord, ok. Bah, nous mais voilà pour le moment, il y a personne qui a fait de la prison pour ça. Bon, bah, du coup, on va appeler des numéros, numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va. On appelle maintenant. Merci pour les numéros. Vous avez été nombreux ce soir à en envoyer. Bah, continuez, parce qu'on en appellera encore d'autres tout à l'heure avant 2h. Allez. Oui, allô? Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, je vous appelais parce que je voulais savoir si c'était possible de venir faire l'amour avec le chien. Dommage, j'ai pas de chien. Ah, peut-être un chat ? Ouais, non, apparemment pas, elle a pas de chien. On va quand même la rappeler, hein. Bah, on sait jamais parce qu'elle a pas répondu pour le chat. Ouais. Bah, c'est... oui, c'est vrai en plus. C'est vrai qu'après, c'est n'importe quel animal, hein. On n'est pas dans le détail. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme qui me disait que vous n'avez pas de chien, mais peut-être vous avez un chat. Oui, va te faire enculer, va. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur ? Oui, décidément, ils ont, en tout cas, c'est aussi bien le mari que la femme, ils ont la même conversation. Oui, c'est bon. On a le temps de discuter, c'est ça qui est bien. Bon, rappel. Allez. Oui, allô. Oui, monsieur, pourquoi vous me dites ça ? Dis-moi, qui tu es, qu'est-ce que tu veux ? Ben, moi, je m'appelle Toff, et voilà, du coup, je voulais... Va te faire enculer, on fait une chose de merde, c'est un procès, un con de merde. Mais non, monsieur, enfin... T'as trouvé qu'à moi, au connard. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous me dites ça ? Va emmerder quelqu'un d'autre, va. Mais oui, mais pourquoi vous voulez pas que je fasse l'amour avec votre chat ? Va te faire enculer, connard. Mais non, monsieur. Ah si, va te faire enculer, hein. Je pense qu'il l'a dit plusieurs fois même. Oui, j'ai... Bon, attends, on l'appelle. Bah oui. Hop. J'espère qu'on va tomber sur madame maintenant, comme ça on aura mixé deux. Oui, oui, monsieur, c'est pas gentil ce que vous me dites. Ouais, alors qu'est-ce que tu veux ? Explique-moi. Ben, en fait, je voudrais savoir si c'est possible de venir faire l'amour avec votre chat. Oui, oui. Ah. Mais t'as de tête à indiquer les chats, de toute façon. Ben oui. Voilà, alors, et après ? Qu'est-ce que ça donne ? Vas-y. Ben non, rien, je voulais juste savoir combien vous alliez me demander, quoi. Ah ouais, c'est 15 000 euros, connard. Ah, 15 000 euros, c'est quand même beaucoup, voilà, ça, monsieur. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Ça donne quoi, après ? Bah non, mais 15 000 euros, je peux pas me permettre, monsieur, vous voulez pas faire moins ? Ouais, ouais, alors ça donne quoi ? Vas-y, continue. Bah c'est tout ? Ah bah c'est tout, et alors, hein, après, qu'est-ce qu'on fait ? Bah... Vas-y, explique-moi. Bah rien, si vous voulez pas me faire un meilleur prix, je peux pas faire l'amour avec votre chat, monsieur. Ah bah alors, je te le fais à 2 000 euros, allez, vas-y, alors, qu'est-ce que tu fais ? Bah je viens, alors. Ah bah vas-y, viens. Bon, viens, je t'attends. À quelle heure je peux venir, monsieur ? Ouais, va te faire enculer, va, c'est quoi ça, fait, va. Voilà. Ah, il a quand même terminé sur un petit connard qui est passé crème. On a failli le rater quand même, le connard. Ouais, complètement. Tiens, il y a Chloé qui dit, c'est quoi ce monde de ouf là ? N'importe quoi, les pauvres animaux, la SPA, ça doit pas exister là-bas. Ah oui, non, à mon avis, au Danemark, ça doit pas exister. Ou alors, ils ont pas grand-chose à dire. Céline qui dit, il a peur de rien, lui, il faut que ça lui arrive pour qu'il comprenne. Bref, c'est triste pour sa sœur. Oui, ça, c'est évident. Abdou qui dit, je m'énerve au quart de tour, hein, rien m'énerve, je le comprends. Exemple, une table de travers en cours, ça me rend ouf. Ah oui, mais toi, c'est peut-être parce que t'as des tocs. Alors, Abdou, il est doux comme un agneau, on l'a vu deux, trois fois ici là. Ouais, mais enfin, le jour où j'ai oublié son prénom, il était vénère. Je m'en souviens. Non, c'est pas Abdou, c'est Ali. En plus, voilà, il va encore être plus vénère parce que je l'ai confondu avec Ali. Abdou, c'est un doux de toute façon. Il y a Paul PC28 qui dit la Polo attitude, et ça c'est sûr. Et Marie-Amélie qui dit pour la colle de Kelly, de la fausse monnaie ou un cercueil éventuellement. Ah, bon, on va lui demander, tiens, Kelly, t'es là ? Oui. Bon, fausse monnaie ou cercueil, c'est pas ça la bonne réponse ? Non. Bon, allez, c'est parti. Alors, on va appeler quelqu'un maintenant. Si la personne qui va décrocher, peut-être, si elle donne la bonne réponse, eh bien, elle gagne ce netbook et tu perds. Si jamais ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne. Kelly, on y va, on appelle, on écoutera Britney Spears juste après avec Till It's Gone. Il est minuit 41, continuez à balancer vos messages avec le hashtag Mickaël un peu partout sur le Twitter, évidemment. Hein. On attend tous vos messages, bien entendu. Allô ? Allô ? Oui. Comment tu t'appelles ? Aurélie, salut, c'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio, Aurélie. Oui. Ça va. Très bien, t'es dans quelle ville, Aurélie ? Comment ? Tu es dans quelle ville ? Carcassonne. Comment ? Carcassonne. Ah, Carcassonne, très bien. Une très belle ville. Très belle ville, Carcassonne. Une ville fortifiée. Aurélie, il y a Kelly qui a une colle à te poser, vas-y Kelly. Celui qui en fait n'en garde pas, celui qui en prend ne sait pas, et celui qui sait n'en veut pas. Qui suis-je ? Un faux billet. C'est ça. Eh ben voilà ! Bravo Aurélie de Carcassonne ! Eh ben félicitations, le netbook est pour toi. Kelly, ma chérie, je suis désolé. C'est pas grave. Bon bah tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord ? Ok. Je te fais quand même des gros bisous. Bisous à tous. Salut Kelly, salut Aurélie, je vous embrasse toutes les deux, les filles. Attendez. Kelly, comme t'es là toi, tiens, c'est quoi ton premier, ton deuxième prénom et ton premier animal de compagnie ? Sarah Tchoupi. Sarah Tchoupi, ah, c'est pas mal ça. Comme actrice, comme nom d'actrice porno, c'est pas mal. Et toi Aurélie ? Indy Marie. Ouais, c'est plus classique. Non, ça, c'est plus classique, ça. Ça fait plus acteur normal, quoi. Mais ça, alors que Toff, un pupuche Henri Pierre. Là, on est bon, là. Oh, le film porno homosexuel. Ah ouais, c'est d'ailleurs mon meilleur rôle, c'était dans Démonte-moi la rondelle, connard. Probablement, ouais. Avec beaucoup de corse à l'intérieur. Ah ouais, ça, c'est clair. Bon, bah, salut les filles, gros bisous. Bisous. À bientôt, ciao à toi. Christelle, dans un instant, voulait réagir à Sullivan. T'es déjà là, Christelle? Oui, oui. Ah, très bien. Tiens, Christelle, avant de réagir à Sullivan, toi, c'est quoi ton deuxième prénom et ton premier animal de compagnie, le nom? J'ai pas de deuxième prénom et mon premier animal de compagnie, c'est Lilou. Lilou? Oui. Christelle Lilou. Ouais. Voilà, ça fait. Bah, juste Lilou, ça fait très actrice porno japonaise. Oui, ah bah, notre Lilou sera ravi de la. D'entendre ça, ça c'est clair, ouais, très bien. Bon, alors Christelle, tu voulais réagir à Sullivan par rapport aux énervements. On en parle dans quelques minutes. Et d'abord, il y avait Josian également qui est avec nous d'Alençon. Là, Josian qui voulait réagir lui par rapport au personnage. Je vous avais demandé quel personnage de série est-ce que vous voudriez incarner. Et alors, c'est ouais. Quoi toi, Josian? Sois le bienvenu. Pierre Belmar. Pierre Belmar? Mais c'est pas ouais, un personnage de fiction. De quoi? C'est pas... Les enquêtes impossibles. Ouais, mais lui, il fait que raconter des histoires. Il est pas acteur. Ouais, mais c'est une série quand même. C'est vraiment un... Ou alors, série, je voulais prendre aussi Chérie, fais-moi peur. D'accord. Qui conduit la moto. La voiture, je veux dire. D'accord, ok, pourquoi pas. Je voudrais être Philippe Bouvard. Ah. Non, il est acteur. Il a été acteur. Ou alors, mais... Derek, alors. Non, mais t'es pas sérieux. Parce que tu prends que les vieux, là, quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mec? C'est le meilleur. Déjà, comment, à ton âge, tu connais ces gens-là? Tu veux pas être Columbo que... Tu veux pas être Columbo, bah, sinon Columbo, ouais, c'est qui. Ouais. Peter Falk. Ouais. Parce que si t'es comme lui aujourd'hui, malheureux, il est mort. Hein. Oui, je sais. Ah, t'es bon, alors d'accord. Et sa voiture, elle est à vendre pour plus d'un million d'euros. Combien? Plus d'un million d'euros. Non, ah oui, la même. Peugeot. Ouais. Parce qu'il y a Toff qui voulait l'acheter. Non, moi, c'est celle de Nestor Burma que je voulais. Non, mais elle déchire, elle déchire. Nestor Burma. Ouais, elle est pas mal, hein, sa voiture. Attends, ouais. il a une Peugeot noire cabriolet intérieur cuir blanc, elle déchire. Mais arrête, que Toff pour aimer des dos pareil. Tu roules en Vélib, en Autolib. Ah oui, bah oui, mais c'est parce que je suis à Paris. Si j'habitais pas à Paris, je pourrais avoir une vraie voiture. Pour l'été, il va la scier avec. Il va ramener une petite scie, il va scier tout ça pour avoir un toit ouvrant. Il va prendre l'Autolib cabriolet, ce qu'on appelle le Vélib. Voilà. Ouais, c'est full cabriolet. J'ai déjà commencé. Ah ouais, c'est full cabriolet. Ouais, mais c'est full pas cher. Il faut faire des choix à Paris. C'est vrai. Bon, merci Josian d'être passé sur Vélib. Tu veux mon chien. Ah oui. Deuxième prénom et nom de l'animal de compagnie, c'est quoi? Bernard Isidore. Bernard Isidore, oh, pas mal. Ouais, ouais. Non, c'est bien aussi ça comme actrice, comme nom d'acteur porno, c'est pas mal. Bon, mais merci Josian d'être passé, ouais. Tu reviens quand tu veux. Ouais. Salut à toi. Je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, à une seule personne, ouais. Choisis la bonne. Bah, je vous fais une dédicace à tout le monde de Fun Radio. Cool, bah merci beaucoup Josian, c'est cool. Salut à toi Josian. Allez, salut. Allez, ciao. Bonne soirée. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et je vous l'avais promis, le son de Britney qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. I'm blind from the tears that fall like rain. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Mais oui, on est là évidemment sur Fun Radio, les 1h moins 10, on est toujours au cœur de la nuit, sans pub. Si vous venez de débarquer, bah, soyez les bienvenus. Johan qui dit, moi j'aimerais bien être Barney dans How I Met Your Mother. Ah, bien sûr, on l'a oublié Barney. Mais j'avais oublié Barney Stinson, qui en plus est gay en plus dans la vraie vie. Oui, non. C'est là qu'on, et c'est là qu'on voit que le mec est un putain de bon acteur. Marié, il a un petit, il a adopté un enfant. Et donc le mec est gay dans la vraie vie et tu vois que le mec est un putain de bon acteur parce que dans la série, tu peux jurer que le mec en vrai, c'est un coureur de jupons, il veut se taper que des bombes et tout. Ouais. En fait, pas du tout, hein, le mec, il est gay. Hein. Comme quoi, J'aurais dû être gay. Et bah peut-être, ouais. Donc voilà, ouais, Barney, pourquoi pas. Il y a Jeanne-Françoise qui dit Toff, fan de Nestor Burma comme mon père. Toff serait donc mon père, hein. Des fans de Burma, il n'y en a pas beaucoup. Ah, peut-être, ouais, jeune Françoise. Serge qui dit, moi, ce serait Prince Charles. Oh là, so chic, bah ouais, tu parles. Moi, c'est. Attends, Céline qui dit, moi, c'est Nathalie Rosy, le mix entre le prénom, le deuxième prénom et le nom du premier animal de compagnie. Nathalie Rosy. Oui, pourquoi pas. Ça va encore, ça. Ouais, ça va encore. Antoine qui dit, mon père a failli couper le cou de sa fille à de 37 ans parce qu'elle lui a mal parlé. Ah, il est un peu tendu. Ah, hein. C'est chaud. DJ Gizmo qui dit enfin quelque chose d'intéressant à écouter à la radio, on le retrouve ça, on ne trouve ça que chez vous. Eh ben j'espère bien, mais bon, t'inquiète pas, ça va être copié. Il y a Marius aussi, mon nom porno c'est Olivier Cerise. Quel nom de merde. Ah oui, là oui, Olivier Cerise, oui. Salut, je m'appelle Amandine, moi mon nom porno ce serait Augustine Puccini. Ah ouais, là c'est actrice italienne. Ah oui, là non, on sent bien là. Ah, Augustine Puccini. Ouais, ah oui, ça fait cul, ça. Ah ouais, ça fait cul, ça fait italienne. On sent bien la meuf avec les gros seins siliconés. Ouais, grave. Avec la grosse bouche dégueulasse, ça sent la chatte. Augustine Puccini. Ouais, c'est pas mal. Complètement brûlé par le soleil. Complètement. Nadia aussi qui dit le barman de la croisière s'amuse, comment il s'appelle déjà également. C'était Gopher. Exactement. Gopher, ouais. Devers 45 qui dit moi ça donne Loustic Morgan ou Morgan. En tant que nom d'acteur de cul, ça le fait pas du tout, mais pas du tout, j'allais le dire. Oui, et bon, ça va encore. Franchement, il y a pire. Hein. Regarde le nom de teuf. Oui, c'est vrai. Pupus Henri Pierre, moi j'adore. Pupus Henri Pierre, putain. Émilie qui dit moi j'aurais aimé être MacGyver avec rien, il fait tout, il est trop fort. Ouais. Bah, c'est surtout qu'avec un morceau de bois et un morceau de tissu, il fait une bombe. Ouais. Et ça c'est beau. Mais c'est vrai. Je pense que c'est d'ailleurs rien que tous les MacGyver, c'était juste un gros écran publicitaire pour les couteaux suisses. Hein. Non, mais tu sais qu'il y avait des vrais scientifiques qui validaient tout ça. Hein. Qui essayaient le truc. Ouais, tout était vrai. Hein. Ah, d'accord, ouais, ok. Non, ça c'est véridique. D'accord, j'avais lu ça. Je savais pas. J'ai essayé de faire une bombe une fois. Non, tu m'étonnes. Bon, Sullivan, le retour. Ouais. Bon, qui s'énerve un peu rapidement, il voulait savoir si c'était normal, s'il y en avait d'autres. Et il y a Christelle également de Mâcon en Saône-et-Noire. Rebonsoir Christelle. Rebonsoir. Rebonsoir Christelle. Bon alors Christelle, toi tu voulais parler de l'énervement. Est-ce que comme Polo, tu es plutôt d'un naturel calme? Non, pas du tout. Dis-moi. Je suis plutôt du genre à m'énerver souvent, sur tout le monde et sur n'importe qui, mais ça m'est passé quand je me suis fait attraper par un client en fait à mon travail. Enfin, je colle de ma chemise et voilà. Et il t'a remis un peu à ta place. Ah, c'est non, bon. Non, en fait, j'étais énervée contre des équipiers. Le client m'a un peu chauffé, du coup, le ton est un peu monté. Ouais. Et moi, je suis pas très grande, pas très grosse, et du coup, j'ai bien eu peur. Ah bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Donc du coup, maintenant, je fais très attention. Ah oui, oui. Ça t'a un peu refroidi, quoi. Bah, sans déconner, oui. C'est normal. Oui. C'est normal. Bah, après, ça... on était énervés tous, lui et moi, donc du coup, c'est vite monté dans les tours. D'accord. Okay. Non mais tu sais pas, c'est ouais, ça. Tu sais c'est... Pas, ouais. Bien sûr, il y a des mecs qui sont. Tu sais pas sur qui tu peux tomber. Mais il y a des gens qui sont vraiment dingues, tu sais, qui le comptent. Tu sais, t'as des fous quand dans des HP, hôpital psychiatrique. Tu sais pas comment le mec va réagir. Tu vois, il prend un couteau, te le plante dans tu vas faire. Mais bien sûr. Énerve-toi. Avec mais ta même, petite boxe, même dans l'absolu, tu sais pas comment les mecs vont réagir. Tu peux pas savoir. Même si quand des gens que tu connais, c'est un énervement, puis après tu fais n'importe quoi. Il y aura toujours plus psycho. C'était très bien dit ça. Je trouve aussi. C'était très bien dit ça. Plus psycho que toi. Voilà. Bon attends, il y a Fabrice aussi qui est avec nous de Lyon là. Salut le Lyonnais. Salut. Comment salut ça Michael. Va Salut l'équipe. T'es en forme de Fabrice? Bah ouais, non c'est Sabri Michael. Ah c'est Sabri. Ah bah il y a marqué Fabrice dans le standard. Mais Sabri de champagne ou pas? C'est drôle ça. Oui bah oui. Sabri quand tu frottes. Une minute. Ah tough. Bah oui. Je frotte pas bien, lui. Ouais. Et pas lui, c'est dégueulasse. Une minute. Hop, terminé. Une minute. Voilà. Voilà. Ah bah ça sent pas meilleur là non toi Polo. Ah ça sent bon. Ta gueule, ça sent vachement moins la merde. C'est voilà. Polo qui a pété là. Ouais. Bon alors Sabi. Eh bah je voulais parler pour toutes ces filles qui s'énervent. Moi je m'énerve jamais. D'accord. Et dans mon travail, je travaille dans la restauration. Un jour, je suis tombé sur un mec qui aime pas ma gueule, en fait, tout court, qui essaye de me traiter comme de la merde. Sauf que moi, j'ai continué à être sympa et gardé la sourire avec lui jusqu'au bout. Et ben maintenant, on est devenus des potes et il m'a dit « J'ai jamais vu un mec aussi calme que toi ». Sauf qu'un jour, il m'a vraiment énervé et j'ai cassé sa voiture. Ah oui, je ne suis jamais tombé sur un mec aussi calme que toi. Un jour, il m'énervait, je lui ai cassé la voiture. Voilà, quand il m'a vraiment énervé. Attends, reviens, c'est bon, la minute est passée là. Voilà. Je peux faire une vanne avec Sabri quand il y a du soleil ou pas? Une minute. Ouais. Voilà. C'est fait. Bon, voilà, alors. Ça... Non, mais c'est bien, après, c'est bien de pas s'énerver, mais parfois il faut aussi s'extérioriser un peu parce que si tu prends tout sur toi, c'est pas bon non plus. Oui, oui, oui, mais après, il faut pas s'énerver pour n'importe quoi. C'est voilà. Pas parce que quelqu'un t'a dit n'importe quoi, ou l'autre, il a passé devant toi dans une queue, ou je sais pas quoi. Voilà. Sur la route, ou je sais pas quoi. Il y a un truc que j'adore faire quand quelqu'un s'énerve. Par exemple, si c'est ta copine qui s'énerve. Ça m'arrive aussi de temps en temps de le faire. Ou si c'est ton patron ou n'importe quoi. Attends, je sais même pas expliquer. Tu me dis non. Donc si c'est ta copine ou si c'est ton patron ou n'importe qui s'énerve, ou même un pote, c'est que tu restes là. Tu vois la personne en face de toi en train de s'énerver, de gueuler, d'être surexcité. Et toi, tu restes totalement calme. Et ça l'énerve encore plus. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est le meilleur plan pour énerver encore plus l'autre. T'allais dire toi en plus, toi? Bah, moi, ma femme, par exemple, elle travaille dans l'endroit. Ah non, t'as vu, c'est emmerdant. Attends, il a fini, c'est bon. Ouais. Voilà, attends, je vais faire une vanne avec Sabri. Ta gueule. Bon, alors, vas-y, Sabri, donc toi, ta femme, quoi? Bah, ma femme, elle travaille dans le psy. Ouais. Ah, dans le psy, voilà. Elle travaille. Oui. Elle est dedans. Voilà. Oui, elle arrive le matin, elle rentre dedans. Elle rentre dans son cul. Et après, elle le manipule de l'intérieur. Voilà, c'est ça. Donc, elle est dans le psy, ouais. Et elle garde son calme, mais jusqu'au bout. Par contre, il vaut mieux. À la maison, quand on rentre à la maison, et elle s'énerve. Tout de suite. D'accord. Mais en même temps, c'est normal. Parce que si elle travaille. Super bien. Elle travaille en psy, donc c'est-à-dire que si elle commence à s'énerver, elle peut finir en tant que patiente. Hein. Ouais. Voilà, exactement. Donc quand elle se rentre à la maison, elle se vante. Elle s'énerve à la maison. Ah, du coup, c'est toi qui prends. Ah non, c'est pas moi, c'est l'aspirateur et la serpillière. Elle s'énerve sur l'aspirateur et la serpillière. Et du coup, ça brille. Donc elle ménage, voilà. Putain, elle ménage, une minute. Elle ménage. Voilà, et moi, je suis content. Voilà. Bon, mais non, c'est bien. Hein. Elle pourrait s'exciter sur toi aussi, ça peut être bien. Oui. Si c'est sexuel. Ah oui, aussi, oui. Ouais, des fois, oui, aussi, il faut la calmer, quoi. Bah oui, bah voilà, mais c'est ça, il faut un petit peu calmer ses ardeurs, quoi, tout simplement. Du coup, je suis content quand elle rentre au travail. Bah tu m'étonnes. Bah merci Sabri, en tout cas, d'avoir appelé, hein. Mais quand même, je peux faire un petit dédicace ou... Ouais, mais alors avant ça, c'est quoi ton deuxième prénom et le nom de ton premier animal de compagnie pour voir à quoi ça ressemble en film de cul? Ah bah ça va être dégueulasse, hein. Bah vas-y. Bah déjà j'ai pas de deuxième prénom. Bah alors on va dire Sabri et le nom de l'animal de compagnie. Stella. Comment? Stella. Stella. Sabri Stella. Voilà. Avec Sabri Stella. Pas avec Top tout de suite, je vous le dis tout de suite. Ah non, mais de toute façon lui peut pas parler, il est encore puni d'antenne là, donc d'accord, il peut pas là. Ah non, c'est okay, bon. OK, d'accord. Parfait, c'est d'accord. Bon, il peut revenir. 3 minutes en moins déjà. 4 minutes depuis le début de l'émission. Ouais, ouais. C'est scandaleux. Ah ouais, c'est une honte. Salut Sabri, à bientôt. Eh, hey, ma dédicace. Oui, ah bah vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Une seule personne, c'est ma fille qui arrive le 24 août. Ah. Qui est pas bornée. Oh. Ah bah elle va bien entendre là où elle est, tiens. Mais oui, il faut l'habituer déjà au son. Très bien, ça roule. Ça marche. Allez, bah bravo à toi et félicitations. Salut Sabri, bien, les gars. Ciao, salut, à bientôt. Salut. Merci à toi d'écouter Fun. Ciao, Christelle, je te fais des bisous aussi. Merci d'avoir appelé. Bisous aussi à tous. Et tu reviens quand tu veux, pareil. À mon amoureux Michael. Eh oh, bah c'est gentil, Christelle. Il a un beau prénom. Tout à fait. Très bien, magnifique. Tu l'as bien choisi, Christelle. Bon, gros bisous, Christelle. Bisous à vous. Salut. Ciao. Et Sullivan, tu reviens quand tu veux aussi sur Fun. Hein. Ok. Est-ce que je peux faire une dédicace, s'il vous plaît? Eh ben, vas-y. Il y a une seule personne. Choisis la bonne. À ma soeur qui me regarde de là-haut. D'accord, ah bah écoute, pas de problème. Salut à toi Sullivan. Merci, salut. Ciao, à bientôt Sullivan. Charlie dans quelques minutes également, salut Charlie. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien. C'est quoi toi ton deuxième prénom et le nom de ton premier animal de compagnie? Jean et Tuki. C'est pas mal Charlie, hein. Ouais. Ça fait, oh là là. Ça fait très film de boule, mais de, tu sais, série Z. Ouais. Ah oui, évidemment. Bon, Charlie, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi? Bah, je me suis disputé avec ma copine et elle m'a quitté. Oh, ah, ce sont des choses qui arrivent. Mais oui, ça faisait combien de temps que t'étais avec elle? 5 mois. Ah, oh, ouais. Mais ça va. Non, mais bon, écoute. Bon, tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes, Charlie. Reste avec également Loïc. Salut Loïc. Ouais. Ça va, Loïc? Ça va, merci toi. Bah, très bien, Loïc. On parle de quoi dans un instant avec toi? Bah, en fait, j'ai des problèmes avec ma copine. D'accord. Quand je lui fais amour, quoi, je ressens pas. Ça va pas très bien, quoi, en fait. Ça va pas très bien. Bon, d'accord, ok. Bah, on en parle dans quelques minutes. D'accord, ok. Et je voulais juste m'excuser auprès de Gérald, mais comme j'ai été privé d'antenne 4 minutes, je n'ai pas pu faire sa vanne. C'est qui Gérald? C'est un mec qui envoyait un SMS et donc il disait sa brillantine, mais j'ai pas eu le temps. Bon, Loïc, reste avec nous. Charlie, reste avec nous également. J'avais une question aussi, tiens. Quand vous parlez de sexe, vous préférez en parler avec qui? Non, genre... non, mais voilà, je demande ça parce qu'en fait, il y a un article dans 20 minutes. C'était aujourd'hui et... Aujourd'hui? Oui, enfin bref, je sais plus quand c'était. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et du coup, je me demandais avec qui vous aimez parler de vos plans cul, genre des MST, de comment faire, etc., etc. C'est genre avec un ami, avec ton père, ta mère, ta sœur, j'en sais rien, moi... Bon, avec personne. J'aime pas trop parler de ça parce que ça donne des pistes. En fait, tu peux pas camoufler les trucs. Non, mais c'est pour ça que tu vis dans une vie, vie en fume. Non, mais il faut savoir que Polo, c'est quand même un mec qu'on connaît quoi. Ça fait 9 ans, presque 10. Ouais, presque 10, quoi. Allez, voilà. arrondissons. Voilà, je n'ai jamais vu quelqu'un. Je n'ai vu aucun ami, aucune meuf, aucune copine, pas de frère, pas de sœur, pas de daron, non, rien. Cousin, cousine, personne. Mais parce que je n'ai jamais vu ce mec avoir une marque d'affection pour une meuf. Personne. Mais non, mais c'est. Si, quand il dit espèce de salope. Non, c'est parce qu'il l'aime bien. Écoutez bien, là je vous donne un truc. C'est parce que je compartimente mon existence. Et que, en fait, tu ne peux pas prendre chaque bloc et les mélanger ou les donner à une personne parce que tu ne peux pas en fumer après. Parce que si je vous dis, voilà, cette meuf-là, je couche avec cette meuf-là, je peux pas derrière repêcher une autre meuf. Mais si, que ça m'a fait. Ah non, regarde, non, non. Toi, ça m'empêche rien. Ouais, mais toi, t'es grillé. Mais moi, je compartimente. C'est comme ça. Il compartimente. Ouais. N'importe quoi. Ah, bon, allez, restez sur Fun Radio. Dire, tu es viré, enculé. C'est ça. 1h02 sur Fun Radio, au cœur de la nuit sans pub. Continuez avec vos messages avec le hashtag Mickaël. Venez me rejoindre également sur le Twitter et sur Instagram. Hein, tapez Mickaël officiel. Vous m'ajoutez et je vous ajouterai également avec grand plaisir, évidemment. On écoute Fallwed maintenant sur Fun Radio avec Changes. C'est Mickaël No Limit et on est là jusqu'à 2h du matin sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, 1h05. Il y a Morgane qui dit: moi, mon nom porno, ce serait Annie Pampan. C'est moyen, hein. Ouais, bah Pampan, ouais. Ah, Pampan, moi je trouve ça va bien, ouais. Pour une actrice de cul. Hein. Ouais. Céline qui dit: je réalise que beaucoup de garçons viennent se confier sur Fun Radio par rapport à leurs copines. Ouais. Bah oui, bah on est là pour ça aussi, hein. Émilie, ouais, aussi. C'est difficile à comprendre une femme. Ouais, il y a Lalka Eva, le nom d'actrice porno. Lalka, il y a le poupée en polonais. Ah bon, je sais pas ce que ça veut dire ça. Lalka. Ouais. Poupée Eva. C'est bien ça, Émilie. Il y a Chloé qui dit: les copines, bien sûr. Les copines. Ah oui, à qui on se confie, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, à qui vous vous confiez, à qui vous parlez. Bah, j'ai remarqué que c'est vrai que les filles, dès que vous faites un truc de cul, oh là là, direct c'est entre copines. Alors que les mecs, enfin en tout cas, nous on n'est pas comme ça. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Si les mecs se la racontent. Ouais, alors qui se la raconte, c'est une chose. Mais de là à aller raconter, parce que les meufs, par exemple, vont tout dire, même si elles ont fait un truc de merde sexuellement, elles vont dire: ah putain, j'ai fait ça et tout, ouais, c'est pas terrible. Alors que les mecs, jamais on va dire: j'ai fait un truc mal. Par contre, on va se pavaner quand on a fait un truc bien, ou alors on ne dit rien. C'est ça, mais dès que t'as fait un truc de ouf, tu racontes quoi. Voilà, c'est ça. Il y a juste off quand il fait des conneries, parfois il va voir Polo, il dit: ah, j'ai été mauvais hier soir et tout, j'ai été trop précoce. Tu vois. Ouais, voilà, mais ça généralement, Polo me console avec des mots réconfortants. Mais putain, t'aurais dû la baiser, cette salope. Et là, je me dis: ouais, t'as raison. Ouais, c'est voilà, vrai. C'est ça. Ouais. Bon, dites-nous donc à qui vous préférez parler de sexe, de ce que vous avez fait, des conneries, des éventuels MST, de comment faire. Vous en parlez à qui? Les parents, les copines, les copains, frères, sœurs, bref. Appelez-nous, dites-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Chloé qui dit: moi c'est Katia Lucette. Oh la tristesse. C'est pas mal, Katia Lucette. Katia Lucette, déjà le pauvre animal de compagnie s'appelait Lucette. Ou Katia. Katia ça va, mais Lucette, violent. Wendy qui dit: je me représente Lucy Ticker. C'est bien ça aussi, Lucy Ticker. Thomas également: mon nom porno ce serait Charlie Sultan. Oh là là, le mec qui se la ramène, hein. Sultan. Et Washington qui dit: je voudrais être docteur de Doctor Who. Alice aussi: je vous aime trop, je vous écoute tous les soirs. Merci Alissa. Ben nous aussi on est là tous les soirs, Alissa, pour toi. Alissa, je te fais des bisous. Nadège également: moi perso c'est Minou Claudia. Oh putain, bah alors là, Minou Claudia. Minou. Alors là, Eric aussi: mon nom d'acteur ça donne Pierre Minoute. Quelle horreur, ça fait vieux pervers. Bah Pierre Minoute, ouais. Et Nadia également: moi Virginia Drummond dans Arnold et Willy. Merci pour le générique Mickaël. Kiff suprême, personne dans le monde ne marche des mêmes pas. C'est des paroles, personne. Dans le monde. ne marche pas. Oui, alors, même si effectivement, je le fais en parlant, ça ne marchera pas. Et 20 Years Old qui dit aussi, moi j'aurais voulu être Phoebe dans Charmed. Et Christophe également pour terminer. Salut l'équipe, moi sur des plans cul, j'en parle à mon meilleur ami, mais quand j'étais en couple avec ma femme, j'en parle avec personne. Les plans cul, on s'en fout car ça s'en va et ça revient. Oui, merci Christophe. Ah, c'est Claude François. Exactement. C'est un tout petit rien. Bon, Charlie. Ouais. Alors, tiens, quand tu quand t'as des plans cul ou des questions sexuelles, etc., t'en parles plutôt avec qui, toi? Avec mon meilleur pote. À ton meilleur pote? Ah ouais, donc comme quoi, ça parle, hein? Bah oui. Non, mais moi, j'avais plutôt l'impression que c'est que les filles, quoi. Ouais, bah si, ouais, les filles, elles en parlent vachement plus. Hein, puis les filles, elles débriefent tout, tu vois. Ouais, il était habillé comment? Et il avait mis quoi? Et il t'a emmené où? Et il a ouvert la porte de la voiture? Ah ouais, c'est ça. Et il a payé l'addition. Ah, quel connard alors, hein. Putain. Quitte-le, c'est ça. Vraiment... Quitte-le, ouais, quitte-le, c'est un connard. Il t'a dit quoi? Ah, vous n'êtes pas en couple? Quitte-le parce que c'est un enfoiré. Ouais, ouais, mais mêle-toi de tes affaires. C'est quitte-le, ça, mais quitte-le. Mais c'est pas Sandro. Quitte-le. Mais en fait, j'étais pas du tout comme ça, moi, avant. Quitte-le. Non, mais avant, mais maintenant. Non, bah depuis que je suis célibataire. Mais en fait, comme j'ai toujours été en couple, du coup, je parlais pas forcément de ce qui se passait au pieu avec mon mec à mes copines. Ouais. J'en parlais avec mon mec, mais pas. Et depuis que je suis célibataire, effectivement, j'ai tendance à quel connard. Là, il a fait ça, lui. Oh là là. Alors, s'il fait ça, ça veut dire qu'il pense ça. Alors ouais, que voilà. Un mec, c'est basique, hein, il pense à rien. Ah non, un mec pense oui, il dit non, il pense non. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais quitte-le, je te dis, c'est un connard, quitte-le. Ouais, mais c'est un connard. Il a marché comment? Il est parti à gauche, c'est un menteur. Ouais, quitte-le. C'est ça. S'il avait été à droite, ça aurait été un bon voilà, mec. Voilà, mais quitte-le. Il y a aucune raison, mais on s'imagine, quoi. Bon, alors Charlie, toi tu nous appelais pas pour ça à la base. Donc toi tu veux récupérer ta meuf. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé, Charlie? Bah, on s'est embrouillé et. Oui, ça j'imagine. Parce que j'étais un peu trop possessif pour elle, voilà. Ah. Et c'est-à-dire possessif? Bah rien, je l'avais enfermée dans une cave, attachée avec des menottes au radiateur et elle pouvait pas sortir. Je lui ai apporté à bouffer sur une assiette. Je lui ai jeté une tranche de jambon. De temps en temps, elle l'attrapait et bon voilà quoi. Et elle buvait l'eau de la pluie quand il pleuvait. Non mais qu'est-ce que t'appelles possessif? Ouais, j'aime bien qu'est-ce que t'appelles un peu possessif? Bah je l'appelais et je lui disais de venir la journée et tout, voilà. Ça veut rien dire. Ouais. Mais je l'appelais. Je disais de venir la journée. Mais allô, viens la journée. Ouais. Et ça l'énervait en fait. Non mais attends, qu'est-ce que t'appelais possessif? Parce que à chaque fois qu'elle allait une soirée, je voulais qu'elle vienne me voir et tout et voilà. Ah, tu la laissais pas sortir en fait? Si, je la laissais sortir, mais je voulais bien qu'elle vienne un peu me voir quand même. Ah oui, mais c'est pas être possessif. Mais c'est pas être possessif, ça. T'as c'est normal. C'est normal. Mais bah, non, je suis sûr que tu nous caches des trucs. Et bien sûr, tu l'as forcé en fait, c'est ça? Ouais. Non, mais est-ce que tu lui interdisais des trucs? De quoi? Est-ce que tu lui interdisais de faire des trucs? Non, j'avais juste retiré les noms de tous les mecs dans son répertoire, mais c'est tout. Non, pas du tout. Non, est-ce que tu lui prenais, tu sais, genre, alors ça aussi c'est en général c'est plutôt les filles, c'est vrai, mais il y a des mecs comme ça aussi. Il hein, faut avouer les choses. Je c'est sais. Genre. Non mais bah vas-y, je sors en soirée demain, je vais avec des copains ou des copines, ça te dérange pas? Non non. Et alors ah putain, quand elle te dit non non, tu sais que tu vas pas quoi. Bah oui. Parce que tu sais que c'est non mais tu sais que c'est mort. En fait pose pas la question parce que soit c'est non non et tu sais qu'en fait tu dois pas y aller parce qu'elle va te prendre la tête, soit elle te dit oui. Ouais. Mais elle va et, te bah, suivre. Et tu ne vas pas non plus puisqu'elle te dit que ça la dérange. Ouais, tu vois. Et puis elle va te dire mais elle va te le ressortir. Exactement. Oui, ouais. Mais t'as qu'à aller avec tes potes. Voilà, c'est ça. Parles. Oui, mais quand? Le 26 février? Ouais, alors elle va te le remettre dans la gueule. Hein. Oh là là, et ça va durer plus loin que ta vie encore. Mais attention, parce que des fois vous êtes suivis, les mecs. Ah, bah je on sais bien. On fait ça aussi, ça nous arrive de vous prendre en guette. Mais oui. Non, mais c'est vrai. Hein. En filature. Bah d'ailleurs, les mecs, est-ce que vous pensez que vous connaissez assez les femmes pour comprendre ce qu'elles essayent de vous dire? Parce que non, je suis là-dessus aussi, j'avais pris les codes tout à l'heure. Là. Ouais, donc si vous pensez être le mec qui a tout compris aux femmes, appelez-nous, on va faire un petit jeu. Donc les mecs, j'ai besoin de vous. 01 42 48 5000, appelez-moi maintenant. 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je vais vous poser quelques questions de filles et on va voir si vous allez répondre correctement par rapport à ce qu'elles pensent. Genre le coup là, je peux sortir? Oui, vas-y. Oui. Vas-y. Alors que tu sais très bien qu'en fait tu vas te prendre des tanasses, donc il vaut pas y aller. Donc les mecs, je vous attends et j'aimerais bien avoir une fille dans le standard qui pourrait me confirmer ou pas ce que je vais dire. Le pire, enfin, qu'est-ce que même. Tu penses de cette fille-là? Ouais, elle est mignonne. Ouais, bah t'as qu'à aller avec cette salope. Ah bah ouais, cette grosse pute là. Hein. Mais tu m'as demandé. Oui, alors c'est pas. T'avais qu'à me dire tu non. Tu m'as demandé d'être franc. Tu m'as demandé. Le pire. Mais. Tu préfères que je sois franc ou je mente? Oui, je préfère que tu sois franc. Ah bah je suis franc, ouais. Eh bah il fallait me mentir. Et là tu... Moralité, quoi que tu fasses, c'est pas bon. C'est jamais bon. Voilà, c'est ça. Il, donc... faut la rassurer derrière. Ouais, mais oui. Fais mais un compliment sur la rassure. Mentez-leur. Mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. T'as raison. C'est pas vrai, mais non. Bon, j'ai pas dit de mentir, j'ai dit de la rassurer. C'est ça. C'est ce que je fais quand je suis derrière, une petite claque sur les fesses. J'aime ça, j'aime ça. Allez hop, une minute. Allez, ça peut être rassurant. Dehors. Voilà. Bon, allez, appelez-moi les garçons et les filles à 01 42 48 5000 02 851 4x0. On va faire un petit jeu ensemble. Donc, est-ce que vous pensez connaître assez les femmes pour comprendre ce qu'elles essayent de vous dire? Très important ça. J'attends vos appels. On va faire ça dans quelques minutes. Bon, alors Charlie. Ouais. Bon, donc t'as été chiant avec ta meuf, t'as été possessif avec ta meuf. Et du coup, ben, tu voudrais récupérer quoi? Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on l'appelle? Ouais, j'aimerais bien. Comment elle s'appelle? Ilona. Ilona, bon. Ça fait très actrice de cul de l'Est. Ouais. Non, je rigole. Et est-ce que t'as déjà réfléchi à ce que t'allais lui dire? Bon. Que je vais lui dire, elle était désolée. Non, surtout pas. Surtout pas. Faut pas te mettre à quatre pattes parce que les meufs, elles aiment bien. Alors, elles aiment pas les mecs imbus d'eux-mêmes, ouais. Mais elles aiment bien les mecs qui tiennent un peu le bazar, tu vois, qui tiennent la maison. Tu vois? Donc arriver en pleurnichant, je suis désolé, reviens, c'est un des meilleurs moyens pour qu'elle se barre. Écoute, alors ça veut dire qu'en fait non. Au début elle va dire oh so sweet, oh c'est beau, regarde il s'excuse, et après elle va dire putain quel bouffon en fait. Le mec il peut un peu me protéger si jamais il y a un problème, parce qu'il va pleurer directement. Voilà, tu ne t'excuses pas mais tu dis tu as réfléchi et effectivement tu as elle raison. Elle est en tort. Non, tu as raison. Je ne sais pas mais je t'aime tellement que la jalousie a pris possession de mon corps. Voilà, mentez-leur. Elles adorent qu'on leur mente. Ah ouais, grave. Et tu vois, tu t'excuses pas, tu dis ouais, voilà, j'ai réfléchi, t'avais raison, j'ai été possessif, mais c'est parce que je t'aime, ma chérie. Voilà. Et après, tu. J'ai pris conscience. Voilà, que t'as pris conscience de ta bêtise. Mais c'est grâce à elle. Et grâce à elle. Elle t'a ouvert les yeux. Voilà, en fait, c'est un peu. En fait, si tu veux, ta copine, c'est un peu comme ton boss. Il faut toujours aller le voir en lui faisant croire qu'il vient de lui. Voilà, parce que si t'arrives en disant on va faire ça, ça va être de la merde. Mais si t'arrives à l'enfumer, passer par derrière et arriver en disant, en faisant qu'il propose l'idée que tu as. Eh ben, elle passera mieux. En même temps, vous faites les malins, mais c'est lui qui a appelé la radio pour la récupérer, hein. Et pour l'appeler, bah c'est lui qui fait le canard là. Ah oui, mais c'est ce que je dis, mais il faut pas qu'il passe pour un. Bah oui, pour un pleurnicheur. Non, parce que Polo il disait ouais, mon lui, dis-lui ci, dis-lui ça. Mais oui, mais parce qu'il peut pas lui dire que nananana, parce qu'elle va dire oui, mais de toute façon, il comptait pas appeler en disant nananana. Non, mais il allait dire sa merde là. C'est quoi que t'allais dire là? Je crois qu'il allait dire sa mère. Qu'est-ce que t'allais dire? T'allais dire quoi? Bon, qu'est-ce que t'allais dire, Charlie? Charlie, d'où? Ouais. T'allais lui dire quoi? Vas-y. Bah que j'étais désolé mais là. Eh ben non, il faut pas là. Tu n'es pas désolé. Tu n'es pas désolé. Jamais, mon lui. Mais attends, on aura sa version à la meuf aussi parce qu'il nous a pas tout dit, je pense. Pour peu qu'elle décroche un jour. D'accord. Bon, reste avec nous. C'est parce que cette heure-là, elle dort peut-être là. Ouais, peut-être. T'es sûr qu'elle est debout encore, Charlie, ou pas? Normalement, ouais. Bon, écoute, on va l'appeler juste après le son de Black Pearl, d'accord? Okay. Bon allez, reste avec nous Charlie, les autres appelez-nous pour voir si vous comprenez les filles. J'ai besoin de plusieurs garçons et au moins une fille dans le standard. Donc appelez maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je vais vous poser des questions et vous allez voir. Et bon, moi j'ai la réponse de filles, hein, ça a été un sondage. Et donc on va voir si vous comprenez ce que veut dire les filles. Genre par exemple, chérie, j'ai une soirée avec des potes, ça te dérange pas que j'y aille? Si votre copine répond non, vas-y, tu sais que tu vas te prendre une tanasse quand tu vas rentrer. Ouais. Surtout, voire même avant même de partir. Non mais c'est surtout si tu rentres un peu bourré tard. Là c'est pas mort, c'est archi mort. Hein. Oh là. Je me souviens un jour, ma sœur nous avait invité à un barbecue avec mes parents, tout le bordel. Et mon beau-frère, donc son mec, est parti le soir. Donc on allait bouffer un barbecue, je sais plus, le samedi. Et le vendredi, il était parti faire une soirée avec ses potes. Sauf qu'il est revenu, mais dans un état. Et du coup, elle était tellement vénère, ma sœur, elle a tout annulé. Tellement elle était vénère parce que l'autre il est arrivé, il a gerbé et tout, c'était dégueulasse. Il va aller chercher la viande, il a pas été, enfin bref. Et il a vomi dedans. Ah non, il a pas vomi la viande, mais ça nous a fait un score. Bah moi ça m'a tué le samedi, moi j'avais prévu le barbecue. En plus j'ai chez ma sœur, un barbecue gratos et tout, ça c'était une bonne nouvelle quoi. Et bah voilà, j'ai eu l'enfion. Hein. Ouais, complètement. Tout ça parce que l'autre s'est bourré la gueule. Bah complètement, exactement. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez? 1h18 sur Fun Radio, c'est la nuit sans pub, c'est Mickaël No Limite, bienvenue. On est là, si vous nous écoutez pour la première fois, et eh bien vous êtes les bienvenus sur Fun Radio. Et sachez que vous allez normalement y rester, car oui, dorénavant c'est terminé, vous ne serez plus obligé d'écouter des émissions en carton. Mickaël No Limite, c'est 23h, 2h toute la semaine et 20h minuit le dimanche. On écoute Black Pearl maintenant sur Fun. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Là, vos messages qui arrivent toujours 1h21. Avec le hashtag Mickaël sur le Twitter, on fera un top tweetos. Bon, on va faire maintenant. Tiens, on n'a pas encore fin de la soirée. Je rappelle qu'à 2h du mat, on vérifiera donc quel est l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. Et on récompensera le numéro 1 donc d'un sextoy offert par passage du désir.fr. Exactement. Allez, en numéro 5, il y a qui pour l'instant? Nadia Le Prince. Nadia Le Prince, numéro 4. Maria Petrova. Nouvelle Maria Petrova. Oui. Bah salut Maria Petrova. Oui. Numéro 4, 3, pardon. Drakit de Mona Lisa. Oui, il a changé son pseudo par rapport à mon chat. Numéro 2, Fred S34. Et numéro 1, Paul PC. Paul PC, très bien. Voilà, donc si vous avez envie de faire bouger tout ça, si vous voulez gagner le sextoy offert par passage du désir.fr. Et ben, seul système, il suffit simplement de balancer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter. C'est aussi simple que ça. Steve également, salut. Vous pouvez passer une dédie à tous les pompiers de France de garde ce soir dans ma caserne. On vous écoute. Merci l'équipe. Eh ben, on les embrasse tous ceux qui nous équipent, qui nous écoutent. En France, en Belgique et au Luxembourg également, et un petit peu partout aussi d'ailleurs avec internet. Merci Steve et bon courage à toi. Valou également, Mickaël, je suis une fille mais même moi j'ai du mal à nous comprendre. Ah bah me voilà rassuré. Tiens. Aline également, mon nom de porno ce serait René Poupoule. Ah ouais, c'est bien, c'est René pas mal Poupoule, René Poupoule. Ah, ouais. Washington Whitey qui dit je comprends pourquoi il y en a qui deviennent homo. Rapport à quoi? Ah, parce que les filles sont difficiles à comprendre, ouais. Et Sarah Svati qui dit mon ex était super possessif, pas le droit de m'habiller en jupe, interdiction de sortir sans lui, etc., etc. Oh, le mec, il s'est cru où, là? Et Frédéric, bonsoir, mon nom d'acteur, c'est Frédéric Black. Oh, pas mal! Non, ça, c'est pas mal. Et pour les histoires de cul, les mecs racontent sans donner de nom, alors que les femmes, non seulement elles donnent le nom, mais les détails. Et pour finir, j'aimerais Dr. House. C'est bien, Fred, toi, au moins, t'as réagi avec un seul message ou trois trucs, c'est pas mal. Et Maria Petrova qui dit moi aussi, je parle beaucoup avec ma copine, ça ne m'étonne pas. Les filles, c'est règle générale, c'est comme ça. C'est rare qu'une fille ne dise rien aux copines. Et Devers45 qui dit moi, des histoires comme ça, soit j'en parle avec mon meilleur pote, soit je le garde pour moi. Xavier, mais Sandro, elle n'a pas pour longtemps à rester célibataire si elle veut. Bah, Xavier, tente ta chance, hein. 01 42 48 5000, c'est elle qui décroche, hein. Et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, on va parler des filles dans quelques minutes avec Tim et avec Vito. Et puis, on cherche toujours une fille, hein, qui pourrait éventuellement nous confirmer, nous dire, puisqu'on a un petit jeu là, on voulait savoir si les mecs, par rapport à des questions que je vais poser, comprennent les femmes. Voilà, donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Alors, Charlie, avant de faire le petit jeu, Charlie est avec nous? Ouais. Charlie donc qui a perdu sa meuf il y a 5 mois. Non, il est resté avec elle pendant 5 mois et puis là vous êtes séparés. Ouais. Parce que t'es chiant avec elle. Ouais. Voilà, possessif quoi. Donc tu voulais qu'on l'appelle. Alors, tu vas lui dire quoi? Tu voulais lui dire que tu t'excuses, on t'a dit qu'il fallait pas faire ça, mais il fallait faire ça un peu plus intelligemment. Est-ce que tu as réfléchi à comment faire? Ouais, j'ai pris conscience, c'est ça. Voilà, t'as pris conscience que tu es un idiot, blablabla, blablabla, etc. D'accord? Ouais. Bon, on y va, on l'appelle. T'y vas, hein, nous on est derrière au cas où, en cas de besoin. Ok. Allez, c'est parti, bonne chance, en espérant que ça décroche. Et pour ceux qui sont fidèles à l'émission, vous savez bien que quand on dit qu'on est derrière, en fait on n'est jamais vraiment là. Parce que quand il va dire on est en direct sur Fun Radio, et là évidemment il y aura quoi? Personne. Personne, parce que là il nous entend pas évidemment, ni lui ni elle. Enfin, elle pourra pas, on n'a pas décroché. Allez, j'espère que ça va décrocher, hein. Ouais. C'est mal parti. Tout ça pour le répondeur. Ouais. Une fois votre message enregistré. Merde, Charlie, ça décroche pas. Attends, on réessaye encore un coup. Au pire, laisse un message Charlie, tu dis écoute, c'est urgent, faut que je te parle, je te rappelle dans 5 minutes, d'accord? Ok. Bon, si jamais ça décroche toujours pas, tu diras ça sur le répondeur et puis on rappellera juste après. Allez. Une fois votre message enregistré, voilà, vous pouvez téléphone. Raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Ouais, Jonas, c'est Charlie, tu peux me rappeler, je te rappelle dans 5 minutes? Mec, quand t'as commencé à partir sur tu peux me rappeler, je me dis mais il est con. Mais ça va, t'as rattrapé le dossier Charlie, c'est bien. Bon, eh ben écoute, alors reste là Charlie, on va la rappeler d'ici 5 minutes, d'accord? Ok. Et dans le pire des cas, ben, on rappellera demain à 23h un peu plus tôt quoi. Ok. On fera ça comme ça. Bon bah ben alors bouge pas de là Charlie. Alors il y a Tim et il y a Vito qui sont là de Brest et de Rueil-Malmaison. Salut Tim de Rueil-Malmaison dans le 92. Salut Mickaël. Ça va bien? Ça va toute l'équipe? Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, est-ce que toi tu te prétends connaisseur en femme? Je ne sais pas, mais on va vérifier ça. Ah oui, je te confirme. Et toi, Vito? Eh ben, oui, j'aime les femmes. Vito, j'aime les femmes. Ouais, non, mais ça, je me doute que tu aimes les femmes. Mais tu es un véhicule utilitaire, Vito? Oui, c'est une Mercedes. Exactement, le bon modèle. Bon, et du coup, Vito, donc je sais que tu aimes les femmes, mais est-ce que tu penses les comprendre? Je pense. Tu penses, d'accord, ok. Alors, de l'autre côté, il a toujours du coffre pour les emporter, quoi. J'imagine. Bah voilà, oui, forcément, exactement. Vito, etc. Bon, de l'autre côté, on a Séverine de Sommières dans le Gard. Salut, Séverine. Salut, Mika. Comment ça va? Ça va super, et toi? Très bien. Et bah oui, ça va très bien, Séverine. Et Lina, 22 ans, de Bergerac, en Dordogne. Salut, Mika. Ça va, Lina? Ça va. Bon, alors, vous, les filles, vous êtes là, non pas pour répondre aux questions, évidemment, mais simplement pour nous dire si les réponses qu'on a trouvées dans le sondage vous paraissent vraies ou fausses. Ok. Ok. Alors, attendez, parce qu'il me faut une musique de meuf, là. Qu'est-ce que je peux mettre comme musique de meuf? Qu'est-ce que je peux mettre comme musique? Je sais pas, Sex and the City, t'as qu'à mettre le générique. Sinon j'ai ça. Ah, c'est pas mal aussi. Oh, si, Desperate. Ah, c'est pas mal. On va partir sur Desperate as well. Il y a les Devious Maid maintenant. Ouais, il y a les Devious Maid, exactement, ouais. Bon, alors, on y va. Première question. Les filles, ne dites rien. Vous ne je vous dirai qu'en répondre, d'accord? Ok. Bon. Okay. Les mecs, Tim et Vito là. Oui. Allez. Oui. Si votre femme, enfin votre copine ou votre femme vous répond « Pardon, je n'ai pas entendu », qu'est-ce que cela signifie ? J'ai rien dit, mon chéri. De quoi ? J'ai rien dit, mon chéri. Non. Ça veut dire en gros, évite de dire ce genre de truc, enfin, t'as intérêt à pas avoir dit ce que je pense. Enfin, voilà. Exactement. Bon. On va attendre ton connerie, ouais. Ouais, moi j'aurais dit, j'ai très bien compris ce que tu viens de dire, mais ouais. Voilà. Essaye de dire autre mais chose. Ça me plaît pas. En gros, ce qui est la réponse, c'est ça signifie que j'ai bien compris, mais je te donne une chance de reformuler ta phrase pour voilà. Qu'elle ne me vexe pas. Voilà. Les filles, vous êtes d'accord avec ça? Ah, je suis ok avec ça, moi. Oui. Ah ouais, d'accord, ça m'étonne pas. Hein. Okay, alors, si votre copine vous dit, oh, ça m'est égal, tu préfères quoi, toi? Ça veut dire non. Moi, je prends de l'avance. Donc, Vito, pour toi, c'est quoi? Moi, je prends de l'avance. Je prends le choix que je préfère. D'accord. Ouais. Et toi, Tim? Ouais, je suis d'accord avec Vito, c'est ça. D'accord. Eh bien, la réponse, c'est... Bah, ça signifie mon idée est la meilleure, avoue-le. Ah, vas-y. Voilà. Les filles, vous êtes d'accord avec ça? Pas forcément. Ah, pas forcément. Moi, oui. Alors, Lina, oui. Séverine, non. Oui. D'accord, bon. Toi, quand tu dis ça, tu penses à quoi? Bah, c'est-à-dire que je préfère choisir. Tu préfères choisir? D'accord, ok, pourquoi pas. Alors, évidemment, bon. Il y a la célèbre, les garçons, il y a la célèbre... Fais comme tu veux. Ouais. Ça signifie oui, voilà, quoi, ça? Ça veut dire... Fais pas n'importe quoi, fais ce qui me plaît et ce qui me fera pas chier, en gros. Tout dépend comment on le dit, après faut voir la nana en face. Hein. C'est ça. Bah, je vais les faire. Fais comme tu veux. Ouais, bah là, ouais, c'est clair. je vais choisir pour elle, quoi. Ouais, et bah alors ça signifie fais vraiment ce que tu veux, mais tu vas voir comme je suis capable de bien râler. Voilà. Les filles. C'est exactement ça. C'est exactement ça, oui. Lina. Oui. Voilà, on est d'accord. Alors, il y a aussi celle-là, genre, mise en situation. Donc le mec arrive, chérie, je vais faire une soirée foot chez des potes, je peux y aller? La réponse, ok, ben vas-y. N'y va pas, surtout pas. Ouais, forcément. Ouais, t'as intérêt à rester ici, connard. Et ben voilà, donc ça signifie, alors la fille ne va jamais... C'est bien dangereux. Ouais, elle va jamais te donner un ordre, mais elle va dire, ça signifie, si t'y vas, je vais vraiment te le faire regretter. Les filles? Ouais, ok aussi, ouais. Lina? Oui. D'accord, ok, très bien. Alors, si votre copine vous répond à un moment, bah, tu préfères pas qu'on regarde un film tous les deux en amoureux? Bah, ça veut dire on le regarde tout de suite et on fait pas ce que t'avais prévu de faire. Sous-entendu. Hey, il est pas mal. J'en préférerais bouger sortir en ville avec ma miss. Ah non, ah bah pas du tout, Vito là. Ça signifie je ne veux pas regarder de film, je ne veux pas regarder de film, j'ai juste pas envie de voir tes amis. Voilà. Non, sortir voilà. C'est ça. Les filles, vous êtes d'accord? Moi je trouve ça un peu perché là. Oh ouais, c'est pas correct, oui, c'est pas cohérent tout ça. C'est pas cohérent, Lina aussi, je suis d'accord. Alors si votre copine vous dit il faut qu'on communique. Ça veut dire il faut qu'on parle. Ouais. Ouais, ça veut dire. Si elle a un truc important à dire. On n'a pas enregistré. D'accord. Et donc, ouais, c'est un petit problème quand même quelque part. La vraie réponse dans le sondage, c'est ça signifie sois toujours d'accord avec moi et ta vie sera plus simple. Voilà. Séverine. Un peu perché. Un peu aussi. Ouais. Non, moi je trouve celle-là c'est la plus vraie. Lina, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je trouve ça perché. Tu trouves ça perché? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous. Non, mais si, c'est ça. La meuf, si tu es toujours d'accord avec elle, ta vie est beaucoup plus simple. Ouais, oui, non, mais ça c'est vrai aussi, mais vraiment c'est chiant. Voilà, bon. Si on est trop gentil, voilà. C'est pas être gentil, c'est juste être d'accord et éviter de te prendre la tête. Voilà. Bon, si votre copine vous dit à un moment, oh, eh ben ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. C'est bizarre. Ça veut dire tu m'as pas envoyé de message de la journée, connard. Comment ça se fait? Avec qui t'étais? Voilà, Tim. Ouais, c'est photo la nuit. Moi, je bosse la nuit, donc c'est normal que je n'envoie pas de message. Ouais, non, mais d'accord. Mais après, dans l'absolu, Vito, hein, pas forcément dans ta propre vie à toi. Je sais pas. Je dis, excuse-moi, j'étais occupé, j'ai une urgence. D'accord. Non, mais on te demande pas ce que tu réponds. On te demande ce qu'elle a voulu dire. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire si elle fait, oh, ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles. C'est que elle a quelque chose à annoncer, mais que j'ai pas forcément fait gaffe. Non, c'est pas ça. C'est juste que oui, elle, en gros, elle dit espèce de connard, t'aurais pu m'envoyer un message, au moins voilà. Exactement, Tim. Ah. Exactement. Les filles. Oui, d'accord. Là, on est d'accord. Alors attention, la meilleure. La réponse est courte. Si elle répond, mouais. C'est vrai que ça ne plaît pas du tout. Voilà. Voilà, donc le mouais ça veut dire non, hein, donc autant dire non dans l'idée, hein, dans l'absolu. Voilà. Enfin, voilà. Alors si elle dit attends, c'est quoi? Elle n'avait pas plus moulant comme top celle-là? Ça veut dire mais quelle pute. ouais voilà quoi, mais bon. Et ça veut dire ça signifie elle est trop bien foutue, je la déteste et toi surtout regarde ailleurs. C'est vrai, Elina? Non, là je suis pas vraiment d'accord. Non. Non. Toi, ça te dérange pas que ton mec regarde ailleurs? T'es pas jalouse? Non. D'accord, ok, très bien. C'est-à-dire que les yeux, c'est fait pour ça, quoi. Ah, on est d'accord. Et les doigts, c'est fait pour toucher. Ouais, non, on n'abuse pas non plus. Hein. Ah, et les queues, c'est fait pour fourrer. Ouais. Bon, ça ira, Tof, merci. Exclusion. Bon, alors attention. Si votre copine vous dit je suis pas énervé, tu racontes n'importe quoi, ça signifie quoi? Qu'elle est très calme. Non, elle est pas calme, ça c'est une salade. Qu'elle a ses règles. Non, ça veut dire je suis à deux doigts de te lancer un vase à la figure, alors méfie-toi. Ah, moi j'aurais cru c'était tu peux te la mettre sous le bras ce soir. Aussi, ouais, donc quand une fille crie qu'elle n'est pas énervée, c'est qu'elle va vraiment t'envoyer un truc à la gueule et qu'il faut vraiment se barrer très vite. Hein. Les filles? Ouais, je suis ok. Ouais. D'accord, Lina aussi, très bien. Alors on arrive bientôt à la fin. Hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Celui-là il est pas terrible. Ah oui, voilà. Si votre copine vous dit t'es vraiment débile, hein? Non, je rigole. Ça signifie quoi? La blague. Non, ça signifie quoi, Tim? Moi, je dirais que ça veut dire que t'es un peu con quand même. Et toi, Vito? Moi, j'aurais dit ça aussi, ouais. Bah, ça veut dire pour moi, c'est qu'elle aime la blague. Qu'elle aime la blague? Non, ça finit, ça veut dire qu'elle ne plaisante pas du tout et que t'es vraiment un idiot. Oh là là. Voilà. Comme quoi parfois elles disent des choses simples. Kim, ils gèrent pas mal, hein. Séverine et Lina, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, un petit peu, oui. D'accord, ok, très bien. Alors, si votre copine vous dit je te déteste vraiment parfois, ça signifie quoi? Ça veut dire tu me fais chier, mais je t'aime quand même. Exactement. Oh, il est bon, Tim. T'es balèze, hein. Oh là là. Oh là là. Eh, le Tim, il comprend tout. Eh, t'étais une meuf, Tim, avant, non? C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, Séverine? Si, c'est vrai. Non, c'est moi qui dis ça. Ah, c'est Lina, pardon. Pourquoi tu dis que c'est pas vrai? Non, c'est moi. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, alors si une copine vous dit ah non, j'ai pas vu ton message, le réseau a dû bugger. Y a un problème quelque part. Y a un problème quelque part. Et Tim? Ouais, je dirais que oui, c'est ça m'a pas trop plu ce message. Ou... Ouais, c'est ça, j'ai bien reçu le message, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, voilà. Exactement, ça signifie j'ai lu ton SMS, mais j'avais pas vraiment envie d'y répondre. Voilà. C'est ça aussi, les filles, vous confirmez ou pas? Ouais, avec honnêteté, oui. Mais attendez, le réseau a pu aussi merder. Ça peut arriver. Ça arrive, ça arrive. Non, mais c'est vrai, dans la... Alors attention, on arrive dans les cas un peu particuliers là. Hein. Si votre copine vous dit ce jeans me grossit, je trouve. Ah, faut surtout pas lui dire oui. Surtout pas. Et toi, Vito? Oh, ma chérie, moi je t'aime quand même. Ah non, surtout pas. Surtout pas, Vito, toi, c'est la pire catastrophe qui puisse arriver, ça. Toi, tu veux déclencher une guerre nucléaire. Ah ouais. Ça veut dire que toi, en fait, elle est vraiment grosse. Ouais. Tu lui dis, mais non, je t'aime même grosse. Voilà. Donc, si votre copine vous dit ce jeans me grossit, je trouve, ça veut dire que bah tu n'as même pas dit qu'il m'allait bien, en fait. Dis-moi un truc sympa par pitié. Voilà, donc voilà. Ça, il faut faire attention. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait aussi si votre copine vous dit... Attends... Je suis prête dans 5 minutes. Oh, t'as le temps d'aller faire une partie de PS4. Là, à ce moment-là, je vais me faire une bonne petite partie de Halo, je pense. De Halo. Et toi, Vito? Moi, je m'ouvrais une bière ou deux. Ah bah voilà, c'est ça. Hein. ça signifie rêve toujours, patiente encore une bonne heure. Voilà. C'est ça les filles? Ouais, c'est ça, oui. Au moins une demi-heure, c'est ouais, ça. Au moins. Et alors attention, si votre copine vous dit je suis prête dans une minute. Bah ça veut dire un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Eh ben non, pareil. Vous avez tout faux, ça veut dire qu'elle est totalement prête mais qu'elle vous fait attendre juste pour plaisir. Voilà. Juste pour vous emmerder en fait. Oh, c'est vraiment des connasses les meufs. Ouais, non mais là c'est quand même assez, assez exceptionnel. Ah ouais, bah évidemment, évidemment. Eh ben moralité, Tim, tu gères pas mal, hein. Ah, ouais, ah bah merci bien. Mais t'as une meuf en ce moment? Oui, oui, exactement. Ouais. Ah ouais, bah, ah bah elle doit être contente. Le garçon, hein. Elle écoute, hein. Ah ouais, ouais, elle doit être contente, hein. Bah bravo, hein. Bon, Vito moyen, mais bon, ça va quand même encore malgré tout. T'as quand même réussi à répondre à pas mal de réponses quand même. Mais c'est tu bien. Vas quand même t'engueuler 2-3 fois. Ouais, ouais, je pense. Mickaël, je tenais à préciser quand même que je t'ai piégé tout à l'heure parce que j'ai fait une voix de meuf et t'as cru que c'était les filles qui te parlaient. Ouais, en fait, c'est lui qui faisait la voix de meuf. Hein. Non. Ouais. Bah, oui, c'est moi. Ah, attends, je suis en train de lire. Il y a la musique, il y a la tête de Kontov qui est en train au milieu là. Et l'odeur. Ah, oui, et l'odeur. Ça, et l'odeur. Je comprends. Ah, bah oui, voilà, c'est ça. Bon, bah Tim et Vito, merci à vous d'avoir appelé en tout cas. Et puis bah bravo Tim. Bah, et merci puis, bien. Et puis c'est vrai, Nélina. Bah, je vous fais des gros bisous, les filles. Puis vous revenez quand vous voulez. Hein. Bah, c'est à toi, Lucas. Salut à vous. Et est-ce que je peux faire une petite dédicace? Allez, vas-y, Tim, à une seule personne, choisis la bonne. Je fais une dédicace à la web radio Common Wave de l'université de Paris Descartes. D'accord, eh ben on embrasse tout le monde et puis bah tu refais quand tu veux. Hein. D'accord, bah merci beaucoup. Mickaël, moi aussi je voudrais faire une petite dédicace. Eh ben vas-y Séverine, à une seule personne, vas-y. Je fais une petite dédicace à mon fils Kevin qui m'écoute. D'accord. Oh, c'est choupinou. Eh ben le message est passé, Séverine. Combien mesures-tu? Oui. Oui, combien mesures-tu, Séverine? 1m74. Combien pèses-tu, Séverine? Elle est grande. 54 kilos. Oh, c'est du bon. Il faut manger maintenant. Hein. Pas du tout. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Oh. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Pardon? Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Je suis nu toute la vie. 36. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Bien sûr, pourquoi j'étais persuadé qu'il était à Paris, mais la Saumière. Ah ouais, c'est dommage. Mais oui, je suis pas où c'est Saumière. Ah, mais c'est dans le Gard. Oui, mais d'accord, bon, c'est grand le Gard. C'est qu'à 3h, hein, finalement. C'est une invitation. Ça se pourrait. D'accord, non, je t'en prends au standard. Est-ce que t'as déjà vu la tête de Toff? Il sent mauvais, hein. Il s'est pas lavé la bite depuis 3 mois. Toff, Séverine, est-ce que t'as déjà vu la tête de Toff? C'est possible. Bah alors c'est improbable. Ouais, c'est sur les photos, oui. Bah, oh là là. Envoie-moi un mail, toph@funradio.fr. @funradio.fr, voilà. Et puis on s'arrangera pour ce week-end. Séverine, je te fais des bisous. Ok, gros bisous. Salut Séverine. Et Lina, bah, gros bisous à toi également, d'accord? D'accord, y'a pas de soucis. Salut Lina, on va essayer d'appeler Charlie, enfin la copine de Charlie dans quelques minutes. On aura Loïc aussi dans quelques instants. Et puis bah les appels de Toff, enfin les derniers qu'on va se faire. Eh oui, juste après le son d'Afrojack qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, 10 feet tall sur Fun. Bonne nuit tout le monde, on est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël de Limite jusqu'à 2h du mat. I'm clumsy. Afrojack à l'instant sur Fun Radio, 10 feet tall. 23h, 2h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Eh ben là, je viens de vivre un moment de décalage horaire. Ouais. Je vous explique. Vous savez que, par exemple, si vous allez aux États-Unis, il y a entre moins 6 et moins 9 heures. Hein, décalage horaire quoi. Oui. Si vous allez en Asie, bah il y a plus d'heures, ils sont en avance sur nous par exemple. Et là je viens de voir Fonfon rentrer dans le studio. Mais en fait c'est parce que nous on est encore lundi dans notre tête. Ouais. Mais lui, il est déjà mardi. Oui, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est ouf. Donc Fonf, celui qui pousse les boutons le matin avec Bruno. Et espèce de mongol. Viens Fonf, hein, si tu veux, hein, tu dois écouter dans le couloir. C'est-à-dire qu'en fait il a mis son réveil à 4h30. Faut dire, il était là à 19h tout à l'heure. Ouais, il était là à 19h, hein, déjà il est ouf. Parti. Et donc il a sonné à 1h du match, je crois, un truc comme ça. Il a pris sa douche, il est venu en voiture et en écoutant la radio, il s'est dit mais. Qu'est-ce qu'ils font encore là, ceux-là, ils sont cons, quoi. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il était que 1h30 du matin. 4h30, mais qu'est-ce qu'ils font encore? Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc, c'est là que tu vis le décalage horaire, mais dans le même fuseau horaire. C'est dingue. Donc dans sa tête, on est mardi, dans la nôtre, on est lundi. Il y a qu'ici que ça se passe. Ouais. C'est ouf. C'est beau. Non, mais c'est là que tu viens de faire tilt, en fait. C'est un truc de dingue. C'est comme tous ceux qui sont en train de se lever, les boulangers, tout le bordel, les taxis qui démarrent peut-être tôt aussi, et puis tous les métiers qui commencent super tôt, là, la les poste, putes. Tout ça, là. Oui, ça peut être aussi. Tu sais, les gens qui sont déjà mardi, qui ont déjà passé la nuit, alors que nous, on n'a pas encore comment terminer le lundi, quoi. Ouais. Y a Lydie qui dit, voilà, vous voyez, vous comprenez les femmes. Oui, c'est un grand mot, hein. La petite fée qui dit, les filles sont garces et vicieuses, je l'admets. Fredes34 qui dit, sympa le petit questionnaire. Écoute-moi, on est tombé dessus, je me suis dit, putain, ça peut être bien d'en parler. Et Misaki sur le Facebook également, mon ex était très possessive. Je n'avais pas le droit d'aller parler au mec, je n'avais pas le droit d'envoyer des SMS, ni même de sortir. Je n'avais même pas le droit de faire la bise au mec. Oh là, ah oui, là c'est. Oh, putain, les mecs ils sont complètement barrés, hein. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que c'est pas comme ça que tu vas garder une meuf? Enfin si, mais forcé quoi. Il y a Emily aussi, je suis ok avec vous. Je débrief beaucoup avec ma meilleure amie sur les relations, les plans cul, etc, etc. Réflexe de l'ami quoi. Et Fredes34, oui, Jean-Pierre de ma sorcière bien aimée. Jamais trop cette série. Ah oui, Jean-Pierre de ma sorcière bien aimée, hein. Ah, oui. Ah oui. On vous posait la question très récente. Totalement, mais pour M6 oui, elle est récente, hein. Oui, pour M6. Et c'est surtout qu'ils l'ont acheté il y a 50 ans et que depuis ils veulent la rentabiliser. Ah il faut amortir, hein. Il faut amortir, c'est certain. Bon allez, 1h45, on est un peu à la bourre, on va faire les derniers appels maintenant, puisqu'on s'est rendu compte qu'au Danemark, il était totalement légal de coucher avec son animal de compagnie. Pour peu évidemment qu'il soit d'accord et qu'on lui fasse pas mal. Oui voilà, c'est normal. En fait, ce qui est un peu le cas avec un humain. Tu peux avoir des relations avec une fille ou avec un mec tant que tu ne le forces pas ou qu'il n'est pas mal. Oui. Mais c'est plus facile de demander à un humain s'il était consentant. Oui, effectivement. Ouais. Donc du coup, heureusement, rassurez-vous, chez nous, c'est pas admis. Hein. C'est même d'ailleurs 2 ans d'amende et 30 000 euros de... Deux ans de prison et 30 000 euros d'amende que vous risquez. Parce que 2 ans d'amende et 30 000 prison. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, on va appeler les gens pour... Au Danemark, apparemment, c'est légal, ce qui est improbable. On va appeler des gens pour voir s'ils sont d'accord de prêter le chien, quoi. Bah oui. Voilà. Donc on appelle grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@femradio.fr. Et puis on va récupérer Loïc, Charlie également, pour appeler sa meuf en direct. Et on aura Polo contre le reste du monde aussi dans 10 minutes. Allô. Oui, bonsoir madame. C'est une blague monsieur. Non, pas du tout, pourquoi vous dites ça madame? Pourquoi vous me rappelez? Parce que je voulais savoir si c'était possible de coucher avec votre chien. Comment? Non, je voulais savoir si c'était possible de coucher avec votre chien. Si t'as envie. Oui j'ai envie, on peut faire ça quand alors? Quand il sera dispo. Il est dispo quand? Jamais, j'ai pas de chien. Oui, mais alors pourquoi vous me dites que c'est possible? Parce que vous me cassez les couilles monsieur. Mais enfin moi je vous casse pas les couilles madame, enfin c'est pas gentil ce que vous dites. Il y a 15 jours, vous m'avez appelé pour une autre question, maintenant, c'est ça? Pas du tout, madame, pourquoi est-ce que je vous aurais appelé? Il y a 15 jours, c'était est-ce que j'avais l'amour dans un lieu public, c'est pas vrai? C'était moi? C'était vous? Oui, c'est possible. C'est possible. Et vous aviez répondu quoi? Que ça peut te foutre. Non, madame, c'est pas gentil de dire ça. Mais comment c'est qu'on l'appelle deux fois alors? Je pense que c'est quelqu'un qui a dû remettre son numéro dans la liste, hein. Bon. On rappelle, hein. Allez hop, on y retourne chez madame. Allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Non, t'as pas été coupé, trou du cul, elle a raccroché. Ça se fait pas monsieur. Non, t'as fout de tes soirées ou quoi? Oui, mais moi je voulais savoir, vous avez pas un chat? J'étais l'achat de ta mère. Mais non, c'est pas ce que je vous demande si vous avez pas un chat, l'animal. Si, j'ai l'achat de ta mère, l'animal. Non. Mais ma mère n'a pas de chat monsieur. Mais elle a une chatte. D'accord. Et donc vous l'avez? Oui, je l'ai bien léché, la chatte de ta mère, connard. D'accord. Mais parce que vous avez pas de chat? Non, j'ai pas de chat. Et vous avez pas de chien? J'ai la chatte à ta mère. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit. Et vous avez pas de chien? J'ai ta mère la chienne. Oui. Vous mettez beaucoup ta mère dans vos phrases quand même, monsieur. Comme toi, tu casses les couilles aux gens aussi. Mais pas du tout, monsieur. Moi, j'appelle pas vous casser les couilles. Je voulais savoir si c'est possible de coucher avec le chien. Moi, je peux coucher avec ta mère? Si vous voulez, monsieur, mais je suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Et tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Tof, monsieur. C'est vrai, Tof, de chez toi. on peut rien vous cacher, monsieur. Et ça te fait bander d'appeler les gens comme ça ou... Ah bah non, mais par contre si je pouvais fourrer le chien, là ça me ferait bander. Mais t'es vraiment un gros malade toi. Mais pas du tout monsieur, enfin pourquoi vous me dites ça? Il y a des gens, ils ont vraiment rien que ça à foutre de leur soirée. Ah mais complètement. T'as pas d'amis toi en fait? Ben non. Et t'es Rémi, sans famille. Non, je suis Toff monsieur. Oh. Il est énorme. Toff de chez toi. Oui, voilà. Tu es Toff de par chez contre, toi. Il a la chatte à ta mère. Oui, oui, j'ai bien compris, oui. Il était Rémi sans famille. On le rappelle ou pas il voulait être... Alors lui, il voulait être Rémi sans famille. Eh oui, bah voilà, bah là il l'est. Hein. Allez hop, on le rappelle encore un petit coup là. Il était plus sympa que madame. Oui. Enfin, il y avait plus de discussion. Allô. Oui, vous êtes sûr que c'est pas possible pour le chien alors? Et pour la chatte de ta mère, c'est possible ou pas, non? Moi je vous ai dit, il fallait voir avec elle, moi j'en sais rien. Je la connais pas, ta mère. Ah bah voilà. Alors que moi, elle je voudrais bien être... connaître votre chien. Et elle doit être bien malheureuse d'avoir un fils aussi con que toi. Ah non, monsieur, dites pas ça. Dites pas ça, c'est pas gentil. Et tu crois que c'est gentil d'emmerder les gens? Bah, je vous emmerde pas, monsieur, je vous pose juste une question. Oh, il est parti, la merde. Vous savez, ce qui est énorme, c'est... Bon, allô, Toff. Ouais, c'est ça. Il l'attend. Oh putain, c'est con, parce que j'aurais dû... J'aurais dû lui mettre t'as déjà touché, la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Ah ouais merde, on a pas ah merde, putain, j'ai pas pensé à ça. Ah ouais, c'est pas grave, tant pis, c'est pas grave. Bon ben on rappellera demain d'autres numéros hein. Mais oui. Avec une nouvelle idée. Si d'ailleurs vous avez des idées à la con là pour qu'on puisse appeler les gens, n'hésitez pas hein. Vous envoyez tout ça sur le mail hein, toph@funradio.fr. Émilie Killy, j'ai la chatte à ta mère, j'ai ta mère la chienne. Toff de chez toi. Oh putain, j'en pleure de rire. Justine, vous êtes des tarés, je vous kiffe. Merci Juju. Émilie aussi, quand on est de nuit, c'est clair qu'on est en décalage. Mes collègues du matin me disent à ce soir et moi dans la tête, c'est non, bah demain en fait. Mais oui, c'est ça. Ouais. Et Xavier qui dit Rémi sans famille, trop fort. Et Andreas aussi. Ça m'est déjà arrivé, je commence à aller à la douche, je bloque sur le réveil et ensuite je mate mon téléphone, je me dis merde, 3h du mat, c'est pas 10h, je me recouche vite fait. Alors ça, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé. Ah si, ouais, c'est moi, ça m'est déjà jamais. Arrivé. Mais moi, généralement, comme tu sais, je mets le réveil, je mets toujours le réveil un peu plus tôt pour pouvoir l'éteindre une fois et le relancer. Ah, je déteste ça. Ah ouais, non, si moi. Ah, dès qu'il sonne, je me lève et c'est parti. Hein. Ah non, non, moi j'ai besoin d'un petit temps d'adaptation, donc généralement. Il s'en fume lui-même, t'as ouais. Hop, tu te lèves. Non, tu te lèves pas. Ah, c'est ça, sonner. Bah non, regarde, hop là. Donc, le réveil. Donc, je l'éteins. Donc, du coup, j'ai le réflexe de toujours regarder l'heure et donc, généralement, ça m'arrive pas. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Ah non, moi, c'est-à-dire que j'ai le. En fait, je me réveille en général avant le réveil. Donc si alors je mets le réveil, moi ça m'arrive jamais. Hein. Ah si. Si je mets le réveil, si je travaille ou si j'ai un avion, enfin bref, si j'ai un truc à prendre ou un truc important, donc si je mets un réveil quoi, eh ben tu peux être sûr que je vais me réveiller quelques minutes avant. Oui, je crois que c'est parce que tu es auto-programmé. Oui, peut-être. Pour le réveil. Ouais. Peut-être. Et j'ai remarqué ce week-end en discutant avec des potes et ma cousine d'ailleurs aussi, que les mecs ont tendance à avoir ce réveil plus facile que les meufs. Ah je sais pas. Je sais pas s'il y a plusieurs filles, on a fait un petit sondage en speed comme ça, mais je veux dire, j'ai l'impression d'avoir. J'ai l'impression que les filles ont plus de mal à se lever que les mecs. Mais après, c'est l'idée, hein. Fonf lui par exemple, lui. Est-ce qu'il a facile ou pas à se lever lui le matin là? Non, ça va le matin. Enfin le matin, tu sais pas vraiment quand c'est ouais, quoi le matin. Ça dépend de l'heure, mais parce que là dans ta tête on est déjà le 25 mars. On est déjà à 5h. 5h moins 10, tu ouais, mais on est déjà mardi là dans ta tête. On est déjà mardi avec voilà, alors que nous on est lundi. Mais en vrai on est mardi. Ouais, mais dans notre tête, on est lundi, donc on n'a pas encore été dormir. Ouais, moi j'ai été dormir. Enfin, en speed, quoi. Ouais, voilà, en speed. Fauf que vous retrouvez, bien sûr, car c'est un mec professionnel, il est là depuis deux... Je le dis à Bruno, il est déjà là depuis 1h30 pour préparer le bordel. Il bosse grave. Et il bosse, et il comme un chien, il court partout. Il y a beaucoup de boulot, jusqu'à 6h, là, on est au taquet. Ah, il est au taquet, il est plus qu'au taquet, là. Ouais, je suis grave au taquet. Au taquet du taquet, très bien. Bon, Fauf, tu reviens quand tu veux, n'hésite pas surtout. Hein. Et c'est toujours un plaisir de te voir passer, d'ailleurs. Bon, Polo contre le reste du monde, dans quelques minutes, si vous voulez passer avec Polo dans cette grande émission. Venez. Une émission d'écoute, une émission psychologique. D'entraide, d'amour. Venez les d'entraide, enfants. D'amour. N'hésitez pas, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Charlie. Ouais. Bon, on va rappeler ta meuf là. Ouais. On va essayer hein, surtout. Hein. Tu nous avais appelé quelques minutes pour dire que tu voulais la récupérer. On a essayé de l'appeler, c'est le répondeur. Tu lui as laissé un message disant que t'allais l'appeler dans 5 minutes. Et comme t'es un mec, eh ben forcément tu l'as mitonné puisque ça fait maintenant un bon quart d'heure qu'on l'a plus appelé. Donc on va donc la rappeler. J'aurais maintenant. J'aurais pas fait mieux, mec. Ouais. Voire même 20 minutes là qu'on l'a appelé. Vas-y Charlie, on l'appelle maintenant là. Déjà ça ressonne, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. tout cas, si elle décroche, elle va être d'une humeur dégueulasse puisqu'on la réveille. J'ai peur que ce soit foiré. Allez. Non, c'est mort, merde. Il va falloir appeler demain, Charlie. Ouais. Une fois votre message. Ah ouais, bah une fois que c'est raté. Bon, bah tant pis, Charlie, on te rappelle demain soir, ok? Ok. Bon, parfait, impeccable. Salut Charlie. Salut. Ciao. Il y a Thomas avec nous maintenant, là, 17 ans de Gironde. Salut Thomas. Thomas? Je pense qu'il dort. Mais je pense qu'il s'est endormi. Thomas! Thomas! Alors attends, je vais faire l'arme ultime là. Le réveil. Alors attends, où est-ce qu'il est? Lequel je peux mettre? Le violent, le pire. Voilà. Oh putain, même dans mes oreilles, ça me démonte. C'est horrible, hein. Hop là, voilà. Ouh. Bon, Thomas? Malheureusement, nous avons perdu Thomas. Ah. Une minute de silence pour... Oh, pauvre, ce pauvre garçon qui est décédé dans le standard. Ah oui, c'est dur, mais c'est comme ça. Ouais. On retiendra de Thomas que c'était quand même un auditeur formidable. Exactement. Thomas? Non, il est décédé. Notre pensée va à sa famille, bien entendu, ses amis. Toute la famille, bien entendu. Tant pis pour Thomas, c'est pas grave. Tous les gens qui le suivent sur Facebook. Bah oui. Loïc est avec nous également maintenant là. Salut Loïc. Salut. Ça va, hein? Ça va, merci. Bon, tant mieux. Loïc, alors, t'appelles de Saint-Dié dans les Vosges. Mais malheureusement, on n'aura pas forcément le temps de te prendre ce soir, Loïc. Je suis désolé parce qu'il y a Polo contre le reste du monde. Ah, il râle. Eh bah oui, bah du coup, on le prendra après-demain. Non, je plaisante. Et on va parler de quoi, Loïc? Loïc. Donc on va parler, parce que j'ai un petit problème en fait avec ma copine. Ouais. Et c'est que en fait quand j'ai fait l'amour quoi, c'est je pense pas trop à elle en fait. C'est-à-dire? Bah j'ai fait l'amour mais. Est-ce que tu penses à quelqu'un d'autre de genre de moche parce que t'as pas envie de venir trop vite, ou tu penses à quelqu'un d'autre de mieux parce que justement elle est moche? Non en fait je pense pas à elle. Mais en fait je dans mon délire quoi, mais je pense pas à elle, je la regarde pas, il y a pas de penses à quoi? Je pense rien, je pense qu'on fait l'amour, je pense voilà quoi. Bon, je pense à Cristiano Ronaldo sur PS4 dans le match FIFA là, qu'est-ce qui va se passer? Non, je pense voilà quoi, c'est un peu plaisir, machin, tout, je fais l'amour. Mais je pense pas à elle, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de. Mais attends, c'est normal, quand tu fais l'amour avec ta copine, tu penses pas à avoir un bébé. Non. Je pense pas à lui dire mon bébé et tout, parce que elle, quand j'ai fait l'amour, c'est bébé, ça, moi c'est. Mais c'est rien, t'es pas obligé, tu dois pas être gnognon non plus quand tu fais l'amour. Après ça dépend, tu vois, t'as des manières romantiques, t'as des manières un peu plus agressives, façon de parler, mais t'es pas obligé de lui dire mon amour, je t'aime, pendant que t'es en train de lui faire son affaire. Mais y a pas de règle dans la baise, hein. Parce que sinon c'est dégueulasse. Non, c'est pas ça, il y a pas de loi, il y a pas de loi de la baise, tu vois, il y a pas un gros bouquin qui Non mais c'est vrai. Non, il y a le bro code. Le baise code. Ouais, mais genre aussi quand je sors en ville ou quand je suis en boîte, en fait je vois d'autres filles et je peux m'attacher à elles, je peux les embrasser, je peux. Ah oui, bah à ce moment-là t'es pas amoureux, t'en as rien à foutre de ta meuf. Ouais, si quand même. Je suis amoureux en fait, mais. Non, t'es pas amoureux, si t'étais amoureux, t'irais pas voir ailleurs. T'aurais même pas envie d'aller voir ailleurs. Bah en fait quand je suis avec elle, ça me fait plaisir d'être avec elle, machin, je fais des bisous, machin, je reçois quelque chose, je suis bien quoi. Ouais, donc t'as en fait je suis pour l'occasion quoi. Donc t'as une sex friend. Ouais voilà. Voilà, mais donc c'est pas ta. Enfin si c'est ta meuf, mais je veux dire, comment t'expliquer, c'est, vous êtes pas amoureux quoi, en tout cas toi. Selon la loi de la baise. Le bro code. Ouais. Tu ne peux le fucking pas. Code. Tu ne peux pas embrasser d'autres filles si tu as une fille avec toi, si tu es amoureux. Ça c'est la règle. Ouais, ça, c'est la loi de la baisse. C'est la règle. Tout à fait. Bon, écoute, ce que je propose, c'est qu'on demande l'avis des filles, Loïc. Bah, c'est mieux justement. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, on en reparlera demain. De toute façon, quoi qu'il arrive. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Donc, depuis la Belgique, évidemment. Donc, ne bougez pas. Il y a Polo contre le reste du monde qui va arriver dans quelques minutes. Loïc, du coup, bon, on va le reprendre demain. Donc, pour en parler, on aura l'occasion de discuter avec les filles également à ce sujet-là. Et puis, en attendant, on va se faire le son de Pharrell Williams qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio avec Marilyn Monroe. Il est 1h58, Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Continue avec vos messages qui arrivent sur le Twitter de l'émission, hashtag MIKL comme d'habitude, et sur Facebook, n'hésitez pas à ajouter MIKL officiel. 1h58, c'est MIKL No Limit jusqu'à 2h sur Fun. This one goes out to all the... Pharrell Williams sur Fun Radio avec Marilyn Monroe. Allez, restez sur Fun, on est là jusqu'à 2h et même un peu plus. 23h, 2h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Exactement. Et puis là, bah, c'est l'heure de Polo Against the Rest of the World. Cette grande émission, bien entendu, non connue encore de la direction. Heureusement d'ailleurs que la direction ne connaît pas cette émission. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio. On commence tout de suite avec Vincent le supporter. Vincent. Salut Polo, comment ça va? Tu supportes quoi, Vincent? Bah moi je supporte le Polo contre le reste du monde. Ça on en a rien à foutre, il paraît que t'as trouvé une gonzesse. Mais comment tu sais ça toi? Bah je sais tout, je suis une sorte de légende dans le milieu de la FM. Ouais, je pense que t'es surtout un voyant, ouais. Ouais c'est ça, allez casse-toi Anaïs. Oh Polo, on te l'a déjà dit que t'es moche quand? Ouais c'est vrai, je suis moche, et toi Anaïs, t'es belle? Ah oui, très. Bon, Daniel. Ouais Polo, comment tu vas? Bien et toi? Bah ça va, tranquille, mais t'es pas très beau par contre. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te dire que t'étais pas très beau. Et pourquoi tu me dis ça? Bah pour plaisir. T'as bien conscience qu'on en a rien à foutre en fait de ton avis. Bah ouais, mais ouais bon, alors tais-toi. Joséphine. Oh Polo, tu viens, on va faire la fête. Avec j'arrive, Aurélie. Oui. Oui. Voilà Polo. Qu'est-ce que tu veux Aurélie? Pour savoir si c'était possible. Bien sûr c'est possible, envoie-moi un mail à polo, P-O-L-O, @funradio.fr. Ok. Ok, j'attends ça. Tu t'en vas? Non. Ok, tu m'envoies la photo? Oui. Allez, fous le camp. Jean. Allô? Ouais. Ouais, pourquoi tu m'appelles, espèce d'enculé? Je t'ai pas appelé. Mohamed. Ah oui, c'est moi. Oui, Mohamed, c'est toi. Oui, Polo, je voudrais t'inviter à mon mariage le 24 mai à Miramas. Tu viens? On a besoin des clowns. Salut, salut. T'es très drôle, Mohamed. Le miso dans Polo contre le reste du monde. Ouais, allô, Polo. Ouais, le miso. Ouais, j'écoutais une émission minable là, qui est avant toi. Ouais. Et il y avait une espèce de mec là qui parlait de ce que pensent les femmes quand elles disent un truc là. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on en a à branler de ce qu'elles pensent ces putes? Le miso. Ouais. Ouais, très drôle. Vincent le supporter, je t'écoute. Bah écoute, je voulais savoir un petit peu où est-ce qu'on était le classement du Polo contre le reste du monde dans la galaxie. Ça va super bien, ça te regarde pas. Anaïs. Putain, tu pues de la dalle quand. Je pue de partout, même de entre les doigts de pied, je schlingue. Mais oui. Et je pue de l'arrêt. Bah, c'est un peu. Mais y a le seul qui adore, c'est JB. JB, il adore ça, il se met là entre dans ma raie du cul et il sniffe, il adore. Mais oui. Bah oui, c'est vrai, puisque je te le dis, Anaïs. D'accord. Bon, voilà, ça va, t'es contente? Oui, ça va. Hey, dis-moi, t'as 17 ans? Oui. Ouais, tu devrais pas être couché là, à cette heure-là. Tu vas prendre un biberon de lait et tu vas aller dormir, Anaïs. Allez, fous le camp d'ici. Daniel. Ouais. C'est pour les adultes, là. Daniel, je t'écoute. J'ai rien à dire, moi. Ouais, bah alors casse-toi, espèce d'idiot. Bah, Joséphine. Oh, Polo, c'est vrai? Quoi? On m'a dit que t'étais gay. Ouais, c'est vrai. Il y a une moitié de mon corps qui dit oui à l'homme et l'autre qui dit non à l'homme. Donc il y a une espèce de conflit qui se passe, Joséphine. Ça te va? Ça me va. Allez, casse-toi. Jean! Oh, toi, Polo, toi, je te prends tes couilles, je te les coupe, ouais. Je te les claque sur ta tête et je te les mets dans ta bouche et comme ça, tu peux bien les manger. J'adore le programme, on fait ça très rapidement. Mohamed, de retour. Mais c'est la femme à Mohamed. Bon, la femme à Mohamed. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens au mariage. Tu t'habilles bien. Pas comme un clochard, hein. D'accord. Je viens. Correct, exigé. D'accord, je viens. Le miso. Ouais, c'est vrai cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu es gay? Ouais. Attends, moi je croyais qu'on parlait entre hommes. Et là, tu es gay? Mais bon, le miso, viens-en au fait, on s'en fout, je suis pas gay. On avait parlé de ces putes-là. Mais je t'ai dit que je suis pas gay, alors arrête de me saouler. Attends, tu viens de me dire que tu es gay. Oh, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Mais tu es pas gay? Je suis pas gay. Ah bon, je me sens mieux. Bon. Non, parce que voilà, là, il parlait dans l'émission d'avant là de ces putes, comme si elles avaient quelque chose à dire, comme si elles avaient le droit de penser. Le miso. Ouais. Tu vas un peu loin là. Bah non, attends. Bon attends, on va terminer ce Polo contre le reste du monde. Vincent le supporter. Oui, à quand le Stade de France Polo? Bon, on va faire un grand Polo contre le reste du monde. On va faire ça. Bah organise ça, puis je t'organise des soirées toi. Ah Vincent. Ça marche. Allez, casse-toi. Jean, pour terminer. Ouais, préparez-vous à que je pose une bombe dans ton cul. Ouais. Tu vas voir à force de parler des Corses. Ouais. Vous allez voir, ça va chier. D'accord, ok, bon, on va chier. C'est un peu normal, avec la bombe dans le cul, on ne peut que faire chier. Il y a rien d'autre qui va sortir. Vous allez voir. D'accord. Bon, allez, Jean, merci pour tout ça. Mohamed, on conclut. Oui, je fais une dédicace à tout Miramar. D'accord. D'accord, merci Mohamed. Et pour terminer, le miso. Ouais, t'es quand même d'accord avec moi. Une meuf, ça sert pas à penser, ça sert à faire le ménage et le repassage. Bon, accessoirement la vaisselle, mais on lui demande pas son avis. D'accord, le miso, c'est ton avis. Au revoir. Ah oh bah, je t'ai connu plusieurs entrepreneurs, Apollo. Bah ouais, mais je suis pas... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, moi j'ai connu un mec qui avait des vrais avis tranchés sur les choses, là. Bon, allez, je m'en... Bon, le miso, je me casse. Ainsi se termine ce Polo contre la du monde. Merci à ceux qui ont participé et merci à ceux qui ne participent pas à cette grande émission. Dit-il avec son micro en main, on dirait une rockstar. Je suis une rockstar. I'm the king of the world. Oui, enfin, t'emballe pas non plus. Le retour de Polo contre le reste du monde demain, bien sûr. Il est 2h07 du mat sur Fun Radio. Et puis, on va se faire le top tweetos maintenant. On va enfin voir donc quel est l'auditeur le plus influent, quel a été l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël. On y va, le numéro 5. Qui est-il, ce fameux numéro 5? Alors, le numéro 5, c'est Nadia Le Prince. Numéro 4. Paul PC28. Ah, il a perdu des plumes, lui. Hein. Ouais, il était numéro 1 tout à l'heure. Numéro 3. Maria Petrova. Ah, elle a gagné une place. C'est dommage. Numéro 2. Fred S34. Numéro 1. Et Drakid de Mona Lisa. Drakid de Mona Lisa qui a déjà gagné, donc c'est pas lui qui repartira avec le sextoy offert par passagedesir.fr. Mais ce sera Maria Petrova. Voilà, c'est ça, désolé pour le nom. Eh bah, bravo à toi, un petit sextoy offert par passagedesir.fr, évidemment. Évidemment, bien entendu, comme d'habitude. Bon, merci également à tous ceux qui étaient connectés. Nathalie également qui va envoyer un message là. Merci pour les fous rires terribles. Gros bisous à toute l'équipe. Eh bah, gros bisous à toi, Nat. Chloé qui était là également. Moi, je ne suis pas du matin, je galère toujours à me lever comme je remets le réveil 15 fois. Oh là là. Indio le Piu qui dit: moi, mon nom d'actrice porno, c'est Pampan Edwige. Waouh. Ah oui, c'était chaud ça. Bon, bah merci à Sophie. Il y avait 20 Years Old, il y avait Nadia, il y avait Audrey, il y avait Rémi, il y avait Ludwig, Idour également, Fred S34, il y avait Romain, bien entendu, Benjamin, Power Ranger sur le Twitter, il y avait Koubra, Julien, Sarah, Willy du 14, Valentin, il y avait Flavien, Soum Soum, Benjamin et tous les autres, évidemment, qui étaient connectés. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Et puis, bien évidemment, demain, on sera de retour à partir de 23h. Mais nous ne partirons pas sans le générique de fin. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement de beurre, t'encules ton nom qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, que t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. J'ai bien léché la sœur de ta mère, connard. Ta mère la chienne. Moi je peux coucher avec ta mère. Ah, j'étais la chatte de ta mère. Non, j'ai bouffé la chatte à sa grand-mère. Ça te va ou pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, bah elle a couché avec ta grand-mère. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Eh ben, j'ai baisé avec ta chienne, moi. Ah bah, tu te le mets dans l'anus. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf te sucer, toi l'enculé. Tellement ça te fait enculer, toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Voilà. Merci Lilou, évidemment, avec ce grand talent comme d'habitude. Bonne nuit donc tout le monde, on se retrouve demain à partir de 23h sur Fun. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors que Mickaël, nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et c'est notre ami JB dans la radio. Ouais, qui est en pleine forme, hein. Bah, je suis en pleine forme et en plus j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah, une vanne, mec, je sens sûr. Hein. C'est pas une vanne, c'est une négociation avec le sous-chef. Ouais. Le sous ou le sous-sous? Non, le sous-chef. Le d'accord. Sous-chef, ouais, alors. Peut-être que d'ici 10 jours, je vais diffuser une interview des Magic System avant 6h. C'est nul, c'est sérieux. Il est content. Mais c'est qui? Les Magic System? Ouais. Bah, c'est un grand groupe. Mais attends, ils peuvent pas venir en live? Non, mais non, pas. Donc, ils vont venir à la radio. Et voilà, il va se passer des choses. Et je suis en négociation, je vous tiens au courant. Il est pas contre l'idée. Mais bon, elle est où la nouvelle? Parce que tu nous tiens au courant, mais tu sais qu'on s'en rend là. Ah, complètement. Comme on dit, je vous tiens au jus d'orange. Bon, enfin, elle est bonne, Stéphane. Mon fil a l'air détruit. C'est dur. Mais JB, t'es ouf ou quoi? Bon, la nouvelle. Allez, la nouvelle. Allez, c'est quoi la nouvelle? C'est une blague. C'est hein, la vraie nouvelle, la vraie annonce. Non, je vous le jure. Je vous le jure. Tu crois qu'il a interviewé YouTube là où... Est-ce qu'on peut mettre le nouveau Magic System ce soir, nickel, s'il vous plaît? Ah, on peut, ouais. Allez, s'il vous plaît. Allez, on peut. Bon, comme vous voulez. Techniquement parlant, on peut le faire. Bah, on va le faire. Non, malheureusement. Tu l'as pas fait pour mon anniversaire. Non, mais il y a une raison, hein, c'est pour ton bien. Tu t'en rends pas encore compte. C'est comme les gens qui se scarifient, par exemple. Ils se rendent pas compte que c'est pas bien pour eux. Bah, c'est pareil avec là, tu vois. C'est la même chose. Bon. Peut-être qu'un jour, voilà. Voilà. Bah, tu sais quoi, on va se quitter avec les Magic System. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Mais bon, c'est pas aussi bon que les Magic, quand même. Ah bon? Non. C'est excellent. Mais Magic, c'est. Quel suisse beat. Salut, c'est les Allez. Magic System avec JB sur Fun Radio. We rode on horses made of sticks. He wore black.